activité intensément amusante et monétairement gratifiante. Oui, je sais, je suis désolé. Voilà, mais pour notre défense, c'est de la faute à Strigone. Comment ça? Ah, du coup, il est là? Mince. Oui, ah oui, je n'ai pas coupé mon micro. Ah merde, on a entendu du coup le commence. Bon bah ça commence. Ah, bah, remets le générique, on recommence. Allez, à de suite. Allez, à tout de suite. Ouais, salut. C'est un petit peu compliqué, mais vous savez, c'est les habitudes qui reprennent. Ça fait plus d'un mois qu'on était en vacances, hein, aux îles Caïmans, chez nous, tranquillou. Mais qu'est-ce qu'on était bien, putain. Oh, c'est clair. Oh là là. Et du coup, nous voilà de retour pour vous jouer quelques tours de blablaterie formulanesque. On va revenir un petit peu sur toute l'actualité de ces derniers temps. Il y en a pas mal de trois à revoir. Et puis, comme vous le savez, on continuera à répondre à vos interrogations avec le hashtag FUK pour la foire ultra questionnée en fin d'émission. Et puis nous avons notre belle petite tablée avec votre journaliste préféré, ultra méga journaliste, puisqu'il a deux cartes de presse. Il vise la troisième. Il est en direct de Pau depuis chez lui, le plus beau tracé urbain du monde. Comment va Tim? Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé ici. J'ai pu, alors c'était moins bien, mais voilà, tester un peu ce qui se passait ailleurs, notamment au Racing Café. C'est de constater qu'on est tellement mieux quand on est à la maison. Mais ça fait plaisir de revenir à Singapour en plus. C'est, je pense, le rendez-vous de l'année que j'attends le plus d'un point de vue pur spectacle et technique. Donc je suis très content. Et un autre qui sera peut-être content, puisqu'on a une nouvelle version de Singapour exceptionnelle pour cette saison 2023, avec peut-être quelques surprises en course, de nouvelles zones inspectées depuis son poste de directeur de course. C'est l'ami du Castellet, le commissaire Poivré. Tony, bonsoir. Bien le bonsoir. Bonsoir. Et on a déjà eu l'exemple avec un magnifique crash dans la zone absolument pas redessinée de ce circuit. Donc, on verra bien ce que ça va donner demain lors de la course. Et on a eu aussi des enquêtes pendant la qualification, enquêtes qui n'ont rien donné. Exactement. Parce que ça implique Verstappen, et comme tout le monde le sait, c'est le chouchou de la FIA, du coup, on le pénalise pas. Des enquêtes qui ont été réalisées pour rien du tout, comme notre magnifique police nationale et gendarmerie nationale, c'est-à-dire classées sans suite. Bah, ça sert à que dalle, quoi. Exactement. Je suis en train de commencer la série X-Files, donc je suis en plein dans les classées sans suite. Ah bah oui. Ah, mais je pense que tu préfères ce genre de classées sans suite, en fait. Salut, Strigoun. Salut, Tim. En plus, j'appelle Tim, je suis un connard infini. Oh, salut. Voilà, on le savait déjà. Putain, ouais, bah oui, on voit même pas ta gueule, quoi. Putain. Ouais. Du coup, on allait jouer. Vraiment... Du coup, on allait. Bah, bah, ah. Ouais, oh. Ah. Oui, je vais faire ça tout le temps. Des connards, ouais, ça... je suis vraiment entouré de connards. Alors j'y pense, ça n'a rien à voir, mais c'est le début, on s'échauffe, je suis en train de finir manger, voilà. Tout va très bien. Pour les amis du podcast, parce qu'évidemment on est en plein dans les blagues visuelles, donc on pense à vous, vous constaterez que tout a disparu. Et inquiétez-vous, ce n'est pas normal, mais on va reprendre un peu tout à zéro. Au niveau des podcasts, tout ça, changement de plateforme. Et normalement, à suivre sur les réseaux sociaux, il y aura un podcast spécial FIMG Night Fever pour les réécoutes. Donc, ce ne sera pas au même endroit que d'habitude. Mais pour le moment, c'est en cours de construction. On va faire un petit retour, du coup, sur l'actualité. Alors, Monsieur Goon, étant plutôt malade, disait qu'il serait là sans être là, et puis finalement, il est là quand même. C'est chiant. Mais... pas t'en plaindre, t'as de la chance. Ça va mieux. Ah oui, enfin... À peu près, ouais, à peu près. Pour l'instant, on va dire. Inch'Allah. Voilà. On allait commencer un peu avec ça, parce que Voyez-vous, je suis, on a quelques très belles images qui nous partagent. Et oui. J'ai commencé avec ça parce que on a Monsieur Sébastien de Fettel qui. Attends. Bah, génial, il a freeze. Mais était... non, j'ai pas freeze. C'est toi qui as freeze. Non, ouais, non, t'as freeze. Non, non, c'est toi qui as freeze. Hein. Ta sœur, la freeze. Donc voilà, c'était pour vous partager ces quelques petites images. Vettel qui est remonté dans une de ses Red Bull avec laquelle il a gagné le titre, c'est celle de 2012, si je dis pas de bêtises, je sais même plus. Je crois que oui, c'est ça, ouais. Je crois qu'ils avaient dit que ce serait à 2012. Et enfin bon, il l'a retrouvé pour faire un petit peu de la Nordschleife. On avait aussi Liam Lawson. Ouais, c'était Liam Lawson du coup qui remplaçait. Par contre, Ricardo, il doit s'en mordre les doigts, laisse tomber. ceux de la main gauche, par contre. Oui, pas ceux de la main gauche en l'occurrence, mais ouais, en tout cas, ceux de la main droite, il doit bien se les mordre là, cette heure-ci, parce que. Voilà. Les doigts, hein, je parle. Hein. Mais ouais. Oh, t'as, regarde-moi ça. C'est pour ça que j'ai renommé, hein. J'ai mis Fil de Boule en attendant que tu m'aies mis en plein écran, mais ouais. Pour le coup, on va pas se mentir, hein, ça reste quand même stylé. C'est très, voilà. Très plaisant. Et puis, je vais essayer de voir si on a d'autres, d'autres accès. Je peux peut-être t'envoyer au cours de la soirée. C'était pas du tout... Ah ouais, bah, si t'as juste... d'autres trucs, tu fais péter. Et puis moi, je mettrai, C'est juste que là, je suis en train de me faire au nouveau Red Bull Content Poll, donc, qui a beaucoup changé. Voilà. D'accord. Qui est en train de faire pipi, là? Ben, je présume l'autre connard qui est à côté de moi sur la vidéo, juste ici. Ouais, mais ta gueule, putain, t'es pas obligé de le dire à tout le monde. Bah écoute, y'avait pas besoin de le dire à tout le monde. Tu pourrais dire que tu te sers un verre. Voilà, c'est ça. Tu pourrais servir les autres au moins, merde. Alors, bah, quelqu'un veut une gourde du coup, comment ça se passe? Merde, non. Je l'ai mis à côté, tiens, voilà, super. Allez, est-ce qu'on a beaucoup... Chef. Laissez-moi me concentrer. On a séance de qualification, honnêtement. De quoi? Qu'est-ce? Il y a beaucoup de choses à dire sur la séance de qualification. Il y a Gaëtan dans le chat qui dit « J'ai pas vu la qualif, c'est quoi ce résultat ?» Oui, c'est vrai que Sainz sans pôle, c'est pas le truc... On va s'en plaindre, on va s'en réjouir même plutôt, non? Enfin, je sais pas. C'est quoi le plus choquant entre Verstappen 11e et Sainz sans pôle? Verstappen 11e? Oui, je suis honnête. Ouais. Bah, Sainz en pôle, parce que tu vois, le fait qu'il le fasse une fois, c'était déjà extraordinaire. Mais alors, une deuxième fois, de suite, filé, et oui, c'est surtout y a ça. Un bug dans la matrice, quoi. Enfin, clairement, voilà, quoi. Il y a toujours un monde dans lequel la seule victoire non Red Bull de l'année, c'est Carlos Sainz. Hein. Il est vrai. Pas victoire, faux pole position, tu voulais dire. Non, mais Sainz, demain, il y a une course demain, Strigoud. Ah oui, si c'est lui qui fait la victoire, c'est ouf par contre. C'est pour ça que je dis ça. Alors, ce serait relativement mérité par rapport à son état de forme depuis le retour des vacances, mais par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison et l'an dernier en cumulé, ce serait très rigolo de savoir que c'est Carlos Sainz qui peut avoir la seule victoire non Red Bull de l'année. Ben, en vrai, il a l'air en forme, hein, il a aligné les tours, il a aligné les secteurs. Enfin, GG quoi, enfin. Depuis quelques grands prix, je dirais peut-être la Hongrie, pas tant Silverstone, mais voilà, depuis même à Silverstone, c'était correct en qualif. Il est pas mal sur la qualif. Maintenant, sur les rythmes de course, ça reste assez fluctuant, je trouve. Mais à Monza, c'était pas un bon comparatif, je trouve, parce que il a passé toute la course à défendre alors que derrière Leclerc était dans la zone de DRS, donc naturellement il usait un peu moins ses pneus que Sainz, et la comparaison en fin de course était naturellement tout à l'avantage de Leclerc, mais on était on va dire sur l'ensemble du week-end sur un à peu près égalité. Là, on arrive à Singapour. Encore une fois, c'est à peu près l'égalité. Après, c'est vrai qu'il y a cette révision du dernier secteur qui semble assez nettement favoriser Ferrari parce qu'on enlève pas mal de virages, plus de lignes droites. Donc, on sait que c'est une section qui peut plus les avantager. Maintenant, que s'est-il passé? C'est, je pense, du côté de chez Red Bull. On a eu quelques difficultés. Enfin, déjà, dès hier, ils n'étaient pas du tout en confiance avec la voiture. Alors, hier, pour le coup, ils ont chacun, entre guillemets, perdu une séance d'essai puisqu'ils ont testé un nouveau fond plat, je crois. à tour de rôle. Donc un coup Verstappen avait le nouveau fond plat, un coup c'était Perez, et du coup pendant cette séance là ils n'ont pas forcément pu travailler sur les réglages qualif et course comme ils l'auraient fait s'ils avaient la voiture telle qu'ils l'ont eue là ce soir, enfin cet après-midi. Donc il y a un peu de ça qui explique. Après c'est vrai que même au-delà de ça, tout le week-end ils se plaignaient beaucoup. Verstappen se plaignait énormément de la conduite de la voiture, des vitesses. Il a pété un câble ce matin en FP3 sur le passage de vitesse. Ouais, il s'en plaint toujours. Mais tout le temps, tous les jours. Ouais, mais là, pour le coup, ce matin, je l'ai trouvé beaucoup plus. Alors, oui, c'est peut-être qu'il y a le cumul de tout le week-end où c'est peut-être le même problème que d'habitude, sauf que comme il a eu deux séances avant qui n'étaient pas forcément réussies, il en a eu marre, il a pété un câble. Mais ouais, il s'est énormément plaint. J'ai un peu moins entendu Perez, mais je pense que la diffusion FOM a un petit peu moins diffusé Perez parce que c'est peut-être moins bankable d'avoir Perez qui gueule à la radio plutôt que Verstappen. Mais les deux pilotes étaient vraiment pas contents, hein, et ça s'est vu pour le coup là. Je pense que la voiture a été mal réglée pour ce week-end. Ils n'ont pas réussi à trouver le bon truc, et c'est comme alors je sais plus, c'est en 2015, je veux pas dire de conneries, où Mercedes avait été complètement passé à côté de son week-end à Singapour aussi. Il y avait 2015 où Vettel avait gagné, ouais. Mais j'ai une question, j'aimerais comprendre par contre, parce que qu'est-ce qui explique que la voiture elle soit aussi déséquilibrée? Est-ce qu'ils sont vrais? Du coup, le fond plat là qu'ils ont là, actuellement, c'est celui qu'ils voulaient mettre en place et le tester Non. Les fonds plats qu'ils ont testés, ils les ont pas foutus à la poubelle, ils les ont mis de côté. Enfin, oui, c'était uniquement en test pour le vendredi. Et c'est quelque chose qui. Si je me souviens bien, parce que j'ai pas tout retenu de ce qu'avait dit, enfin de ce qu'on dit Canal sur pendant les antennes, mais si j'ai bien bonne mémoire, il disait que les pièces allaient repartir à l'usine, que ce soit une réussite ou pas, les pièces allaient repartir à l'usine, parce que c'était grosso modo pour schématiser un proto qui allait ensuite être affiné pour être apporté plus tard fin de saison, enfin courant de la saison. D'accord. Donc, je pense pas que c'est un rapport vraiment. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être un week-end sans où ils arrivent pas à régler la voiture, où la piste elle colle peut-être pas à la Red Bull, et puis il a plu cette nuit, donc ce matin tu repars sur une piste quasiment verte il faut reposer de la gomme, il faut reprendre des marques différentes de celles que tu avais hier, etc., etc. Et entre des séances d'essai de jour où il fait très chaud et des séances d'essai et une qualif de nuit où il fait très chaud et très humide, les conditions sont pas du tout les mêmes. Donc je pense que c'était un cumulé de plein de choses qui n'allaient pas. Et je pense que Verstappen, pour prendre son exemple, parce que je pense qu'on va en reparler avec les enquêtes qu'il a eues, n'était juste pas dedans non plus, sûrement la tête ailleurs ou sûrement pas concentré pour x ou y raison. Il fait des erreurs bêtes et des conneries, et je pense qu'il y a un cumulé d'un petit peu tout où personne n'est dedans ce week-end et ça flop quoi. Après, je me pose une question, ça a été parlé dans quelques médias il y a deux jours notamment, et hier. C'est la TD018, la nouvelle directive technique par rapport à la flexibilité de certains éléments. Verstappen et beaucoup du clan Red Bull disent que la Red Bull ne sera pas impactée par cette directive technique. À voir lors des prochains week-ends, lors des prochains Grands Prix, si c'est vraiment le cas ou si cette directive technique les ramène un petit peu collés au sol, si je puis dire, quoi. Ce serait quand même très étonnant que cette directive-là précisément fasse perdre 4, 5 dixièmes, voire même plus. Plus que ce qu'avait la Red Bull avant. Alors c'est forcé que. Alors, et en plus, je sais. Alors honnêtement, je ne saurais pas dire. Shira aurait été intéressant là. Mais je pense vraiment pas que ce soit Red Bull qui soit le plus à cheval sur cette réglementation-là et qui est les ailerons les plus flexibles de toute la grille. Mais si juste rendre ton aileron plus rigide te fait perdre entre une demi-seconde et une seconde, parce que c'est quasiment ce qui est compté, c'est quand même assez énorme, quoi. Bah, c'est un peu beaucoup. Puis, bah, attends, c'est déjà en place ou c'était en place Non, mais c'est... C'est en place à partir de ce week-end. Enfin, ah oui, d'accord, c'est ce week-end qu'ils mettaient en place. En fait, cette directive technique, c'est un mix entre des rappels, des précisions et quelques ajouts, entre guillemets, sur le règlement technique de cette année. Oui, en fait, c'est de toute façon, déjà, de toute façon, la flexibilité des ailerons, on en avait déjà parlé pour l'aileron. Ah oui, mais que pour l'aileron arrière, peut-être. C'était alors... l'année dernière, l'aileron arrière de mémoire, je sais plus. Ouais, non, c'est 2021, tous les ans, à peu près, que ça revient, oui. Les ailerons flexibles. De toute façon, oui, c'est quasiment impossible à mesurer, parce qu'à l'arrêt, ton aileron, il a aucune force. Et t'as beau mettre les pastilles comme ils ont sur les voitures, c'est très compliqué de calculer la vraie déformation de l'aileron quand il prend quasiment une tonne, voire même plus de charge aéro dans la gueule, quoi. Alors, sur les points qui peuvent handicaper Red Bull ce week-end, il y a notamment la réduction des zones DRS, où on sait que Red Bull ont tiré un assez bon parti en qualification avec un excellent réglage de leur DRS en général. Et aussi, la Red Bull a... une bonne voiture sur tous les aspects, mais en vitesse de pointe, dans les lignes droites, c'est pas nécessairement non plus la plus performante. Il n'y a pas vraiment de virage rapide à Singapour. On sait que c'est vraiment sur ce type de configuration où ils tirent un peu leur épingle du jeu aussi pas mal. Suffit de voir la déculottée de Spa, Zandvoort, des trucs comme ça. Et on est un peu sur un circuit un peu comme Bakou, accélération, virage à 90, freinage, virage à 90, accélération. Donc naturellement, c'est un tracé où les écarts entre les pilotes d'une même équipe sont plus resserrés, entre les voitures en elles-mêmes sont aussi pas mal resserrées, et du coup les écuries qui ont un peu plus une certaine stabilité à l'avant dans ces zones-là ou à l'arrière vont mieux s'en sortir. Et aussi, enfin, faut pas oublier que Red Bull, comme on le mentionnait, ils ont un peu galéré hier. Mais ça, compter le nombre de tours qu'ils ont fait avec les pneus rouges et le nombre de tours qu'ils ont fait avec les jaunes et les blancs, on regardera demain leur rythme de course face aux autres, parce que Red Bull, c'est toujours l'équipe qui prépare le mieux son dimanche par rapport aux autres. Donc je ne serais pas surpris si pendant les tours de recherche de performance, tout ça, où ils étaient en galère à essayer de trouver les réglages et qu'ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, l'équipe a fait « Allez, on laisse tomber, on prépare notre course, c'est ce qu'il y a de plus important. » Et que du coup, ils ont totalement sacrifié leur samedi, en quelque sorte. Maintenant, ça ne se joue pas à grand-chose non plus. Encore une fois, c'est... s'il n'y avait pas, et là, on en parlera plus tard dans l'émission, mais s'il n'y avait pas un certain Liam Lawson qui avait fait un truc inattendu, Verstappen serait passé. Si Perez n'avait pas fait du Perez, il serait aussi passé, je pense. Donc, vraiment, ce n'est pas grand-chose, encore une fois. Ce n'est pas comme sur certains tracés où on voyait les Mercedes qui étaient éliminés en Q2 à la régulière, je pense à Bakou, à des trucs comme ça. Là, il y a vraiment un moment de galère. Et pour répondre à la question, je passe pas de film derrière moi, c'est la fenêtre depuis Singapour. Oh putain! Ouais, fais gaffe quand même, hein! C'est un Jedi que t'aurais dû mettre ça l'année dernière, c'est pour Jedi de l'année dernière. Ah bah excuse-moi, mais c'est à Singapour qu'on rencontre toujours les plus gros lézards, hein! Aïe aïe aïe! Oh putain, il a attendu tout ce temps pour la placer, j'en suis sûr. Madame. Ah, mais non, mais c'est tous les ans qu'on a un gros lézard sur la piste. Bon, bah là, lui il est un peu. Ou une marmotte au Canada. Ouais, mais c'est pas tous les ans la marmotte au Canada. Pas tous les ans. Oui, pas tous les jours. Non, elle est souvent, souvent occupée à mettre c'est le pas aussi impressionnant, hein, la marmotte, hein, derrière la fenêtre, hein, on va pas se mentir. Parce que là, au moins, Godzilla, tu fais, c'est quand même stylé. La marmotte, bon, hein, on s'emmerde, quoi. Ouais, et puis si Alonso il roule sur la marmotte, bon, c'est. Oh non. Ouais, c'est moins mignon. Oh ouais, non, la marmotte, oh non. Ouais. Or que bon, le après, lézard, bon, ouais, enfin, le lézard, on va pas non plus dire encore mieux. Non, non, non. il avait qu'à pas traverser. Oui, bah, lézard, oh. C'est con, quoi. Ouais, il y a pas de sandwich dans les échappements d'Alonso aussi. Ah oui, putain, c'est vrai, ouais. C'est pas mal, ouais. C'était quand ça? C'était aussi à Singapour? Non, mais c'est à Bahreïn. Ouais, c'est. Mais il y en a. Mais y en a... Ah, pareil, à Singapour, c'est très souvent où il y a des déchets qui viennent se foutre dans les écopes de frein ou autour des suspensions des voitures ou des trucs comme ça. Bon. Au niveau des petites choses qu'on va pouvoir aborder, j'avais envie de rester sur les choses légères là, avant qu'on fasse une énorme digression sur la qualif. On va parler de Singapour. Est-ce que ça vous évoque des choses, Singapour? Oh, je te vois venir. Singapour, ça m'évoque des distributeurs automatiques de voitures. Formule 1. Oh. Formule 1. Ah, Formule 1. Un circuit. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. La première édition, en l'occurrence, peut-être, non? Tu veux peut-être parler. Oh, pas mal. Pas mal. Magnifique. Qu'est-ce que ça t'évoque, je sais pas, moi, peut-être l'histoire d'un. Attends, excuse-moi. Voilà, quand même, si, je vais prendre un peu. Il est là. Je sais pas, moi, peut-être par exemple le fait qu'il y en a un qui est encore en train de rager depuis 2008, qui se rend compte qu'il peut peut-être gratter quelque chose et du coup il essaie de faire de rassembler quelqu'un derrière lui. Enfin, du monde. On est bien joué, Strigoun. Après, je suis en train de capter que je t'ai envoyé le conducteur, donc oui, ça peut t'aider. Bah oui, mais tu m'étonnes. Mais oui, c'est exactement ça. On a eu. Bon, c'est un petit peu le fil rouge de l'été. Là, ça continue. Felipe Massa qui a officiellement lancé une action juridique pour demander à la FIA de revoir la saison 2008 en lumière des récentes déclarations de Bernie Ecclestone au mois de mars, disant que la FIA et la F1 étaient au courant de cette tricherie avant la fin de saison, mais qu'ils ont tout gardé sous silence pour enterrer l'affaire le plus vite possible, mais que normalement, encore une fois, c'est des citations de Bernie Ecclestone, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, ils ont décidé de rien faire, mais que normalement, ça aurait dû valoir l'annulation de l'épreuve de Singapour, remportée du coup par Alonso, mais surtout avec Hamilton qui était deuxième et qui a ce jour-là marqué. Non, il n'était pas deuxième. C'était Rosberg deuxième ou troisième, enfin je ne sais plus, mais il a marqué des points. Massa n'en a pas mis. Et l'annulation de cette épreuve reverrait totalement le championnat des pilotes. Et du coup, Massa deviendrait champion du monde. Alors, en fait, je peux comprendre que tu rages quand même. Tu vois, je veux dire, tu perds de 1 ou 2 points le championnat à cause d'une histoire justement de Grand Prix un peu faussée. Forcément, t'as un peu la haine. Tu te dis, s'il y avait pas eu ça, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui, voilà, il y a 15. Non mais 15 ans. Voilà. Au bout de 15 ans, c'est bon. Enfin, je veux dire, tu passes à autre chose. Mais surtout qu'en fait, enfin, juste parce que, alors, par contre, on ne va pas se mentir, c'est pareil. Je pense que Bernie Ecclestone, il aura peut-être dû, il a peut-être raté une occasion de rien dire à propos de ça. Tu vois. Enfin, ah, mais il l'a souvent fait, malheureusement. Peut-être qu'il l'a fait exprès aussi pour faire parler de lui, mais du coup, ça a donné des répercussions qui sont quand même assez colossales. Après, honnêtement, enfin, au bout de 15 ans, qu'est-ce que tu veux changer? Est-ce que les gens en auront quelque chose à faire, alors, à part lui éventuellement, et puis, son entourage, même si le titre est alors, je doute très fortement que ça arrive pour des milliards de raisons, mais admettons dans un monde où il y a une enquête et l'enquête atteste que, ok, en effet, on revoit le championnat et Massa est en fait, oui, titré champion du monde 2008. C'est sans doute, enfin, c'est pas sans doute, c'est le titre le plus laid de toute l'histoire du sport automobile. Après 2000, pas que Formule 1. Ouais. largement je pense devant que 2021. Même 2021 il fait, c'est bon, je m'avoue. Ah ouais, là 2021, mais même lui il drop le mic, hein. Enfin, il se dit bah, c'est bon, je me casse. Enfin, c'est non, là c'est et puis ça enfin bon, pour le coup l'image du beau perdant devant son public qui applaudit le Brésil entier, qui pleure pour lui alors qu'Hamilton est sous le podium en train de célébrer, là ces images là sont totalement hors de propos. Et puis, j'ai surtout envie de dire que... Alors oui, il y a ce Grand Prix-là de Singapour où il y a eu tricherie. Et ça aurait, si la tricherie avait été avérée pendant la saison, la manche aurait dû être annulée, etc. etc. Mais d'un autre côté, Massa ne perd pas le titre que sur cette manche-là. Massa, alors déjà sur cette manche-là, j'ai vu quelqu'un dans le chat le dire, s'il avait pas accéléré 5 secondes trop tôt et qu'il ne serait pas parti avec la moitié de son box accroché à la bagnole, ça aurait été autre chose. Si à Silverstone, il ne se sort pas devant le public anglais qui l'applaudit parce qu'il se met en tête à queue... Voilà, il se met en tête à queue, pas possible. Et il n'y a que ces deux-là qui me viennent en tête, mais je suis persuadé aussi qu'il y a d'autres conneries le reste de l'année. Et puis, après, je suis désolé, mais le clan Hamilton, il va débouler, il va faire bon Spa 2008. Parce que Spa 2008, je rappelle quand même, on a la super Blue Raikkonen contre Hamilton dans les tout derniers tours. On a Hamilton qui tire tout droit à la chicane de l'arrêt de bus et qui dépasse Raikkonen comme ça. Donc Hamilton, bon, hein, conditions piégeuses, tout ça, il relaisse passer Raikkonen et au freinage, il le redépasse au virage de la source juste après. Et après la course, du coup, Raikkonen se crash, Hamilton a subi je ne sais pas combien de secondes de pénalité, mais suffisamment pour donner la victoire à Massa et le faire passer deuxième. Et ensuite, on a dit Hamilton, tu n'avais pas le droit de genre laisser passer, dépasser tout de suite après, parce que tu gardais ton avantage d'avoir coupé le virage. Une règle qui n'était pas dans le règlement à ce moment-là et qui a été ajoutée ensuite. Donc là aussi, on peut l'ajouter. On peut ajouter aussi qu'au Grand Prix de Hongrie, peut-être que Massa a abandonné, mais on n'oublie pas qu'au départ, c'est Massa qui accroche Hamilton et qui lui fout une crevaison. Enfin, il y a eu vraiment un grand nombre d'incidents où même Hamilton pourra dire « Bon, allez, c'est à mon tour, tu vois, contre Uno, et c'est bon, on s'en sort jamais, quoi. » Et puis comme... alors, je vais juste retrouver le pseudo, c'est Despy qui le dit dans le chat. Ouais. Donner le titre 2008 à Massa, c'est ouvrir une boîte de Pandore incontrôlable. Oui, parce que si Massa le fait, qu'est-ce qui empêche Hamilton de le faire pour 2021? Qu'est-ce qui empêche, alors malheureusement pas Senna, mais les ayants droit ou la famille de Senna de le faire pour les fois où Prost le met dehors? Inversement, qu'est-ce qui empêche Prost d'aller voir la FIA et de dire « Eh, vous vous souvenez, il y a 30 ans, là, quand Senna il me met dehors à Suzuka ?» Enfin, et je pense que dans l'histoire de la Formule 1, des coups comme ça, il y en a eu... pléthore, et c'est en effet ouvrir une boîte de Pandore incontrôlable. Et ça déjà qu'on se plaint qu'il y ait ces choses-là qui se passent en piste, qu'on est les premiers à dire, ne serait-ce que pour 2021, de dire les gars, ça fait deux ans, c'est bon, il y a eu une connerie qui a été faite, elle a été avouée par Masi, par la direction de course, par la FIA, mais ce qui a été fait, qu'on soit pro Hamilton, pro Verstappen, pro aucun des deux ou quoi, il y a quelque chose qui a été fait, ok, ça a été reconnu, mais c'est bon, on passe à autre chose, Verstappen est champion. C'est pareil, même si sur ce coup-là, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas droit ou pas correct, Verstappen, il gagne son titre sur l'ensemble de sa saison. Là, c'est pareil, Hamilton, 2008, il ne gagne pas le titre parce qu'à Singapour, il y a eu le crashgate. Il gagne le titre parce que sur l'ensemble de la saison, il a réussi à des moments à gagner ou à mettre plus de points que Massa. Et ça aurait été l'inverse, et ben, c'est Massa qui aurait été champion parce que sur l'ensemble de la saison, il aurait pu faire. Enfin, c'est sur un. Enfin, c'est là où en fait, je trouve que c'est pas alors, correct en fait, de faire ça, quoi. La seule. La question. Qui dit l'argument, c'est de savoir si le Grand Prix était valable ou pas. Là, la réponse est non. Donc, Massa est champion du monde. J'ai une question très simple. Source. Oui. Oui. Et la seule source, c'est une citation de Bernie Ecclestone dans les médias. Je suis désolé, mais à l'heure actuelle, ça ne vaut rien. Bah, c'est surtout qu'elle actuellement, ça vaut rien. C'est juste. C'est même pas un débat. Il n'y a pas de débat. C'est un cas de justice là, dans le cas présent. Donc oui, il y aura débat devant une cour, etc. Et on verra ce que ça donne. Si la FIA décide qu'il y a eu de nouveaux éléments ou la commission sportive, je ne sais pas quoi, qu'il y a eu de nouveaux éléments qu'il faut réévaluer l'enquête, ok, on réouvre l'enquête et on revoit ce championnat-là à ce moment-là. Et puis dans ce cas-là, si cette course-là est déclarée non valable pour cette raison-là, tu as certainement une des dizaines de courses dans toute l'histoire de la Formule 1 où il s'est passé des choses, que ce soit des tricheries ou des manquements au règlement ou des coups, la direction de course s'est dit bon, tant pis, qui très théoriquement sont contre le règlement et le côté sportif, et toutes ces choses-là peuvent être remises en cause aussi. Et dans ce cas-là, tu rentres dans une spirale où ton sport ne devient que du législatif. Bref. Et juridique, c'est pas intéressant. Ouais, ouais, c'est juridique et je gagne un championnat du monde, mais par contre sous réserve que dans 15 ans il n'y ait pas un mec qui se dise finalement il faudrait peut-être annuler tel grand prix, du coup c'est moi qui gagne en fait. C'est ridicule. Il y a prescription au bout d'un moment. Oui, en plus, et puis de toute façon, je vois pas l'intérêt. En fait, je comprends pas l'intérêt de remuer ça à nouveau, quoi. Enfin, c'est surtout, oui, effectivement, moi, je vois plein dans le chat qui marquent ça. La seule chose que ça, enfin, le fait que ça a été remué, la seule chose que ça a fait, c'est que ça a décrédibilisé un petit peu Massa au regard de l'opinion publique, en fait. Les gens, ils le voient, enfin, il a une mauvaise image maintenant, il a une image de ouin-ouin, de rageux. Alors que c'est un mec qui est complètement, enfin, qui est quand même tout à fait respectable en piste. Pendant 15 ans, il avait l'image du beau perdant, et moi, 2008, au-delà des images de Hamilton qui célèbre, moi, j'ai cette image de Massa avec le drapeau brésilien en larmes sur le podium qui s'avance et qui remercie tout le public. Et je me dis. Oui. Il est pas champion, mais putain, cette image, elle est belle. Et il y a des photos qui ont découlé de ça. Il y a des trucs où tu dis, putain, c'est. Il est pas champion, il gagne pas le titre devant son public et tout, mais. Putain, il y a quelque chose de beau qui a été fait. Alors oui, c'est pas un titre, oui. Mais putain, t'as... Je vais pas dire tellement plus parce que je pense qu'il aurait préféré être champion quand même, mais t'as vraiment quelque chose qui est dans l'histoire et qui est beau. Et. Juste pour avoir cette ligne à son palmarès qui ne lui apportera rien aujourd'hui, parce que s'il l'a 15 ans après, ça ne va pas ou très peu changer sa carrière. Je pense, mais tu vas peut-être compléter, ça va juste lui rapporter beaucoup d'argent, parce qu'il y aura très certainement du dédommagement via tout ça, et on parlera sûrement en beaucoup de millions. Mais honnêtement, je vois... Je vois pas l'intérêt. Puis après, tu vas dire quoi ? J'ai été champion du monde sur une décision du tribunal. C'est... Du coup, là où je voulais en venir, les principales suggestions qui en ressortent, c'est au niveau de cet intérêt, l'intérêt de cet appel. Effectivement, tu te dis, mais t'es humainement, je sais pas, au bout de 15 ans, t'es plus... Tu peux pas célébrer un championnat de la même manière que après avoir gagné la course, quoi. Donc la satisfaction sportive serait assez étrange, je pense. Mais c'est pour ça que j'en viens à la théorie du effectivement le clan Massa veut demander des dédommagements pour tout ça. Et pour en arriver enfin à la partie cocasse. On a eu l'avocat de Massa qui a déclaré, traduction de Reuters, je cite, Le clan Massa espère donc le soutien de Hamilton dans cette affaire. Voilà. Donc l'avocat, a déclaré c'est un ambassadeur important pour la discipline. Il a toujours défendu l'intégrité sportive. Il est citoyen brésilien d'honneur et il est très apprécié des Brésiliens. J'espère donc qu'il nous soutiendra. Voilà, on joue la petite carte du sentimentalisme. Voyez, on appartient à la même patrie, vas-y, donne-nous le titre. Ouais. Donc, voilà. J'aimerais bien entendre ce que dirait ce qu'a pensé Hamilton de ça. Oui. Oh. Enfin, non, il n'a rien dû dire, il a dû rigoler, il a fait. Bon, je reviens, je vais faire un grand prix. Oui, connaissant Hamilton, c'est. Ouais, c'est bon. Ils disent ce qu'ils veulent. Et du coup, effectivement, c'est un petit peu la partie cocasse. C'est vraiment pour l'affaire en tant que telle, encore une fois, c'est devenu un cas juridique. Donc là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Un cas juridique qui, à l'heure actuelle, publiquement, la seule preuve qu'on ait, c'est une citation de Bernie Ecclestone. Flavio Briatore ne s'est pas exprimé sur le sujet, Pat Symonds non plus, et Max Mosley est mort. Donc, voilà. Et c'est, je pense, à peu près tout qu'on peut relever sur ce sujet. Une autre petite chose qui m'a un petit peu fait rire, ça revient un petit peu lors des ères de domination. Et c'est un sujet qui est un petit peu revenu ces derniers temps. On commence à envisager la théorie d'une BOP en Formule 1. Donc, je ne sais plus ce que la traduction qu'on en donne, mais c'est pour rééquilibrer. Enfin, quand on dit rééquilibrer, on veut dire ralentir ceux qui vont trop vite pour laisser ceux qui sont derrière revenir en Formule 1 avec... Liberty Media, un des représentants pardon de Liberty Media qui déclarait que effectivement à l'heure actuelle ils ont peur que sur le long terme la domination de Verstappen repousse certains fans, même si à l'heure actuelle la Formule 1 va mieux que jamais, du moins sur depuis ces 10 dernières années, parce que oui il y a une énorme communauté qui est en train de continuer à grandir autour de la Formule 1, mais effectivement il y a cette crainte de cette domination, et du coup, on commencerait à envisager, on en parlait un petit peu avec pour 2026 l'introduction des éléments aérodynamiques movibles pour forcer à ralentir, genre en ligne droite, tu ajoutes de la traînée à une voiture pour la faire ralentir, tout ça, voilà. Oui, balance of performance, mais c'est pas une traduction, ça c'est de l'anglais, balance of performance. C'est un équilibrage des performances. Oui, équilibrage de la, ouais, voilà, de l'efficacité des voitures, faire en sorte qu'en gros elles aient toutes à peu près la même rapidité. C'est la traduction, voilà. Non, mais c'est ce qui se passe grosso modo en endurance, en GT aussi. C'est que les voitures, alors surtout en GT, ça va être plus simple à comprendre. Les voitures étant des voitures de série. Modifié pour la course, forcément entre une Mercedes, une Aston Martin, une Ferrari et on va prendre une Bentley, ce sont quatre voitures qui sont totalement différentes dans la façon dont elles se conduisent et dans les capacités, les caractéristiques qu'elles ont. Voilà. Et pour que la saison ne soit pas dominée par exemple, je dis n'importe quoi, mais que des Mercedes, ils mettent une BOP pour que les Mercedes soient bridées, par exemple, pour qu'elles soient moins puissantes et qu'elles soient à peu près au même niveau que les autres voitures. L'idée, c'est que tu aies une Mercedes, une Alpine, une Aston Martin, une Ferrari, peu importe ce que vous pouvez avoir, que tu sois capable de gagner ou en tout cas de faire des perfs le week-end. Forcément, après, en fonction de la voiture, en fonction de ses caractéristiques initiales, tu es plus adapté à certains circuits, etc. Mais l'idée, c'est que toutes les voitures soient à peu près dans la même sphère. En Formule 1, c'est forcément ce qui est espéré pour que tu puisses avoir de la course très rapprochée en fait, et que je dis n'importe quoi, mais une équipe qui est dite une équipe de moteur parce qu'elle a un moteur qui gaze et qu'elle a très peu de traînée, et que à Monza par exemple elle va tout claquer, mais à Monaco elle va être ridicule, il y a une BOP pour que à Monza elle claque un peu moins et qu'à Monaco elle soit un peu meilleure, et inversement une voiture qui serait totalement overcheat à Monaco soit un peu réduite pour être moins forte à Monaco, et là où elle serait très mauvaise à Monza qu'elle soit moins mauvaise pour qu'il y ait un nivellement en fait. Voilà, grosso modo, quel est l'objectif de cette BOP. Et t'as oublié de préciser qu'ils jouent souvent surtout, alors par exemple en endurance et même aussi en GT, là où ils travaillent surtout, c'est sur le poids et sur la puissance des moteurs. Donc ils vont par exemple, comme tu disais tout à l'heure, je vais reprendre ton exemple parce qu'il était bien. Genre, on voit que les Mercedes sont vraiment trop au-dessus, même en vitesse de pointe, etc. On va les lester. On va leur ajouter 10 kg, 15 kg, ça dépend de l'avance qu'elles ont, pour essayer de faire en sorte que les autres voitures puissent essayer, tant bien que mal, de les rattraper. Et peut-être même que, à l'inverse, tu vas peut-être dire aux autres écuries, vous avez le droit d'avoir une voiture, entre guillemets, plus légère, moins enlever un peu de l'aise ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est sur ça qu'ils vont travailler, et aussi sur la puissance. Par exemple, je crois que c'était Porsche en WEC qu'ils ont enlevé un petit peu de puissance parce qu'ils étaient un petit peu trop, ils avaient un petit peu trop de puissance au niveau moteur. Et ils ont réduit un peu la puissance pour les rééquilibrer par rapport à ce que les autres voitures du plateau WEC étaient capables de délivrer comme puissance à un endroit X ou Y. À chaque course, le lest et la puissance bridée ou débridée va changer. C'est un bordel par contre à gérer, on va pas se mentir. Hein. Ah bah alors... oui, c'est un bordel. Et puis en fait, alors j'ai vu quelqu'un, je suis désolé, j'ai oublié de noter le nom dans le chat, qui disait qu'en fait, je vois pas trop. C'est O qui disait, mais du coup, en fait, pourquoi il y aurait un championnat du monde constructeur? Alors. Depuis 1950, il me semble que il y a quand même plusieurs constructeurs alignés sur une grille de départ du championnat de Formule 1, et que il y a jamais eu de BOP, qu'il y a toujours eu plus ou moins entre guillemets des aires de domination plus ou moins longues dans la temporalité. Si vraiment la FOM veut en arriver là, qu'il me fasse un GP Explorer des pilotes de Formule 1. Et puis on les met tous dans une F4 et puis on voit ce que ça donne. Et puis comme ça, tout le monde est sur le même pied d'équilibre. En plus, la BOP en tant que telle n'existe pas en Formule 1, mais elle existe indirectement quand toutes les trois saisons, tu as un changement de réglementation. Même si l'idée n'est pas de dire, OK, par exemple, en 2018-19, Mercedes 2020, Mercedes domine. 2021, on change les voitures. Il faut, enfin 2022 du coup, on change les voitures, il faut qu'on détruise Mercedes. C'est pas comme ça qu'ils le voient, mais forcément, tu as un changement de réglementation, forcément que quasiment tout le monde repart à zéro. Donc la BOP, elle est indirectement faite ici. Là, en 2026, on va avoir quelque chose autour des moteurs, forcément qu'il va y avoir du changement dans la hiérarchie, qui sera peut-être pas forcément drastique. Mais c'est comme ça qu'elle se fait indirectement, la BOP. Et même en cours de saison, quand il y a des trucs. Là, de début d'année, il y avait le truc de peut-être qu'en qualif, on va enlever le DRS. Forcément que l'idée, c'était de ralentir à ce moment-là les Red Bull. Le truc des ailerons mobiles, il y a peut-être aussi l'idée de... il y a des équipes qui sont plus agiles, que ce soit en réglage... circuit sinueux, d'autres en vitesse de pointe, et on va mettre de l'aileron mobile pour que ça puisse compenser, etc. Enfin, elle se fait comme ça indirectement la BOP en Formule 1. Mais... Je vais aller plus loin que toi, Tim. La BOP, elle existe déjà. Tu dis qu'elle est quasiment présente. Elle existe déjà avec les temps de soufflerie. Oui, et puis tout le règlement qu'il y a. En fait, comme tu disais tout à l'heure, Tim. La BOP par exemple est appliquée en GT et en hypercar parce que comme on disait, c'est que c'est des voitures qui partent de série de base. Alors les hypercars pas trop, mais c'est quand même issu de la série de base. Donc Lamborghini en GT, c'est que t'as Lamborghini, t'as Audi, machin, truc. Ils ont tous leurs bagnoles qui sont un peu plus ou moins différentes, qui n'ont pas le même empattement, qui n'ont pas la même position. Il y en a qui ont le moteur à l'avant, d'autres qui ont le moteur à l'arrière. Enfin, tout ça fait que du coup, effectivement, t'es obligé de rajouter de la BOP parce que les bagnoles, elles sont toutes différentes. Là, elles sont toutes plus ou moins similaires. Qu'est-ce qui va changer ? C'est surtout la manière de faire le châssis, mais je veux dire, elles ont toutes la même taille. C'est le travail. Elles ont toutes. C'est le travail de l'équipe qui change. Oui, voilà, c'est ça. Pour le coup, on part d'un règlement en disant, ok, ta voiture, elle ressemble à ça, elle est comme ça, et tu travailles autour de ça. Alors qu'en GT, on te dit, ta voiture, ça doit être issue de la voiture de série. Elle doit faire entre tant et tant de chevaux, vitesse entre tant et tant, les dimensions entre tant et encore. Et après, tu te démerdes, quoi. Et pour le coup, t'achètes ce que tu veux en GT, tant que ça rentre dans les critères. Alors qu'en Formule 1, tu construis une Formule 1. C'est ça. Et comme disait Mylène dans le chat, qui dit, elle a repris, tu sais, ce que Horner avait dit, change your fucking car. Et en gros, elle disait aussi, que, enfin, ça dénigre un petit peu le travail des écuries et des équipes, des ingénieurs surtout, d'avoir fait une bonne bagnole et puis qu'au final, non, en fait, bon, c'est bien, vous avez bien bossé les gars, mais en fait, plus 15 kilos. Enfin, c'est bâtard. Enfin, c'est complètement bâtard de dire que en fait, les mecs, ils ont bien bossé. Du coup, on rajoute 15 kilos à la bagnole et après la machine, ça devient un veau. À quoi bon faire une bonne bagnole en Formule 1 du coup dans ce cas. C'était au début de cette année ou de l'année dernière où il y avait des voitures qui avaient réussi à passer sous le poids, mais c'était compliqué pour d'autres et que. C'était l'an dernier, je crois, non ? Et que du coup, ils ont augmenté la limite de points. C'est tous les ans. C'est pas l'an dernier où Sauber justement était bien en dessous, ils avaient pu rajouter du poids et eux ils avaient pu répartir leur poids comme ils le voulaient dans la bagnole. C'est ça. Et après, c'est pour ça que Red Bull, ils ont commencé la saison un peu plus en difficulté parce que c'était la voiture la plus lourde. Et quand ils ont réussi à perdre du poids, c'est devenu. Twitcher s'est passé par là, ils ont perdu quoi. Ou comme j'aime. Donc voilà, c'était pour la petite note humoristique des dirigeants qui commencent à l'envisager, à le mentionner. Ouais. Mais derrière, il y a de très gros échos négatifs venant de la F1. Oui. Donc voilà. On aurait pu remettre la vidéo, Strig. Hein. Oh merde. Eh oui. Non, j'ai fait tomber des trucs, mais parce que en fait, je voulais montrer. J'ai été chercher le bouquin là parce que c'est un cadeau. Alors, je le montre parce que du coup, je peux flex parce que j'ai ce cadeau là qui vient directement d'Angleterre. Je me dis qu'en fait, ce serait dommage qu'on ait plus le droit à ça. Voilà, un bouquin pareil où en fait, le mec à chaque chapitre, il te dit que l'année d'après, qu'il a fait des prouesses de malade. Et ben en fait, le gars, il te dit bon, la FIA a rajouté telle règle pour essayer de me niquer. Bon, fait ça pour m'arranger, et puis du coup, maintenant, après, c'est le boulot de la FIA. Ton livre, il existerait, c'est juste que le UILD, il serait barré, et à la place, il y aurait écrit OP. Voilà. O to B, O to car. Et après, à chaque fois, alors on a fait une bagnole de malade, résultat, plus 20 kilos. Voilà. C'est chapitre suivant, tu vois, 2022. C'est célèbre et très réputé bouquin d'Adrian Newey. How to Build the Car, et qui est très accessible de ce qu'on a dit. Je n'ai pas commencé encore, mais on m'a dit qu'il était très accessible. Et il revient à chaque fois sur toutes les voitures qu'il a supervisé entre guillemets la construction du début de sa carrière jusqu'à alors ouais, de chez March à Red Bull. Oui, tout à fait, exactement. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'il s'est arrêté lui. Enfin, que le bouquin il s'est arrêté, je crois que c'est 2013 ou 2014, je crois. Ouais, mais de toute façon, il était déjà chez Red Bull, donc. Oui, voilà, ouais. Avec quelques, avec quelques dessins sympas, j'essaierai de les retrouver. Le livre, je l'ai dit, hein, c'est le livre de Adrian Newey, How to Build a Car, comment construire une voiture. Voilà. De temps en temps, vous tombez sur des petits schémas comme ça de lui. Yes. Ah, bah oui, oui, magnifique. Ah, merde. Merci. Ah, d'accord. Bon, attends, je vais essayer de me. Oh, je fais chier. Bon, désolé, c'est le. Voilà. On peut tomber sur des petits schémas comme ça qui expliquent comment il fait pour régler un petit peu les suspensions. Bah là, c'est en l'occurrence, c'est ça. Alors, je sais plus c'est sur quelle voiture. Je crois que j'ai vu que c'est marqué RB6 ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, en tout cas, il y a des petits dessins comme ça qui sont super intéressants et que j'ai pas trop commencé à lire dessus. J'avais juste survoler quelques passages. Et c'est vrai que finalement, c'est vachement accessible. Ça vous fait apprendre l'anglais, par contre, hein, parce que désolé, hein, le bouquin est en anglais. Mais si quelqu'un veut apprendre l'anglais écrit, bah, c'est un très très bon bouquin pour faire ça. Mais je suis très agréablement surpris et heureux d'apprendre que tu sais lire. Oui. Alors... Mais moi aussi, j'en suis surpris. Putain, je savais pas, moi non plus. Bon, on reste... Là, c'est un petit instant de loose. On est sur la Formule 1 qui essaye de faire quelque chose pour lutter contre la pluie. Ou plus exactement, contre les gigantesques sprays que les F1 actuels projettent. C'est un souci qui s'est amplifié naturellement avec l'apparition des F1 bateaux. C'est assez paradoxal de se dire que des F1 bateaux projettent de l'eau, mais c'est en tout cas bien ce qui se passe. Parce que ça naturellement, s'appelle les vagues à l'arrière. Voilà, plus la voiture est grosse, et plus ça projette des vagues. Mais aussi, ensuite, avec l'arrivée des F1 effet de sol, avec les tunnels Venturi, hein, qui sont un peu en V comme ça, à la sortie du diffuseur, forcément, les projections sont beaucoup plus hautes. Et du coup, ils avaient tenté à Silverstone, justement, de faire des premiers tests pour mettre un dispositif avec des sortes de garde-boue à l'arrière des F1. Et ça n'avait pas très très bien marché. Ils avaient essayé avec McLaren et Mercedes qui ont construit des pièces. Alors, je vais lire une déclaration de Nicolas Tombazis, qui est le directeur technique de la FIA, enfin de... Oui, le responsable technique, voilà, qui gère les règlements techniques. Ça. Il disait les dispositifs anti-projection couvraient une partie trop petite de la roue. J'imaginais qu'on n'obtiendrait pas des résultats significatifs, mais lors de prochains tests, on va essayer de couvrir complètement la roue en allant même au-delà de ce qui serait nécessaire pour comprendre à partir d'où le spray se forme et décider de ce qu'ils vont faire. Alors, c'est plus ou moins ce qu'il y avait comme dans les premières formules, un petit peu en fait. Ah oui, oui, oui, mais ils n'en avaient pas à l'arrière, je crois. Non, je crois pas, c'était que l'avant. Toute première Formule, je sais plus. Attends, je pense que... Qui regardait la Formule déjà? Moi, j'avais regardé la 2014. Les toutes premières Formule avaient... Avant et arrière. Les Gen 1 avaient... Alors, à l'avant, c'était devant la roue, que l'aileron remontait. Oui. Et à l'arrière, il y avait... Il y avait de la carrosserie qui retombait derrière. Pour les formules, je pourrais pas dire, je regarde que le e-scooter. Donc... Ah, si tu veux, attends, je vais te mettre un... Je peux merci Papa Orom, qui est membre depuis 36 mois. Rien que ça. Salut la team, voilà la contribution pour la dose de sucre glacé. On en fera bon usage dans le gâteau, ne t'inquiète pas. Très bon gâteau. Merci beaucoup. Cassandra Vanier qui a envoyé un pénis sur Twitch. Merci à Rally50 qui cumule 15 mois d'abonnement sur Twitch et qui dit le Racing Café c'est mieux. Ah. Tu t'es fait avoir, mec. Clic droit bannir. Hein. pour y être personnellement allé, je trouve pas. Ouais. Assez moche, ouais. Merci, Stig. Ah, c'est pas beau, hein, mais voilà, en gros, c'est ça de quoi on parle, quoi. L'espèce de garde-boue. Mais t'as vu, il n'y a rien à l'arrière, par contre, l'avant. Sur les roues. Non, mais derrière, oui. Derrière, oui, par contre, oui. Mais je crois que c'était purement aérodynamique, hein, là, par contre, le but. Hein. C'est de faire en sorte que, en fait, les voitures elles fassent vraiment la moitié d'un Grand Prix. Parce que petit rappel, hein, il fallait deux voitures. L'arrêt au stand, c'était un changement de voiture. Parce que la batterie n'était pas capable de faire une course complète. Voilà. Et merci Sivkran qui cumule 25 mois d'abonnement. Bon, c'est juste Twitch. Que faire une recharge de batterie pour un aérostand, bon, voilà la durée de l'aérostand, quoi. Bah disons que on s'emmerde là. Ouais. Donc c'est une dose assez positive de savoir que on va intervenir à ce sujet parce que ça devient assez pénible d'avoir des courses sous la pluie où on ne roule pas parce que les pilotes ne voient rien. Au-delà de ça, ce qui me gêne le plus, en plus de ce problème gigantesque de visibilité, c'est la stricte non-utilité des pneus pluie de Pirelli. Très concrètement, Pirelli pourrait juste amener des pneus à terre. Ce serait exactement la même chose. On a des pneus pluie qui ne sont plus utilisés depuis des lustres et des lustres, de par le problème de spray, mais de par aussi la trop grande efficacité en fait, des pneus à terre. Et depuis quelques années, parfois à tort, parfois à raison, et heureusement à raison, on se retrouve à dès lorsqu'il pleut trop, de par la visibilité et puis la dangerosité, ça ne tourne plus, tout simplement. Je pense que tant qu'à faire, ça devrait être comme aux États-Unis sur. Alors, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est le cas systématiquement en IndyCar et en NASCAR. Dès qu'il pleut, pas de course. Ouais, alors je pense que cette saison de Formule 1 serait un petit peu tronquée, comme on dit. Mais tu vois, quitte à ce que dès qu'il pleuve trop, on roule pas parce qu'on n'a pas ni les conditions de sécurité, ni les pneus, ni la visibilité, autant que ce soit inscrit dans le règlement que, alors je sais pas, pas dès qu'il y a la moindre goutte, mais que tu aies un taux de précipitation et dès que tu dépasses ce taux-là, t'estimes que ça devient trop dangereux ou que tes outils ne correspondent plus à la condition de la piste. Et dans ce cas-là, tu arrêtes la course et au moins c'est inscrit dans le règlement. Parce que là, le nombre de fois où nous, derrière notre télé, on dit « Oh non, mais là, c'est bon, ça peut rouler. » Et où on attend. Après, je ne sais plus si c'est… Condition is delayed due to the weather condition. Dans le Racing Café, ils en avaient parlé aussi, je crois, des procédures aussi. Il pleut. Il y a une éclaircie. Ok, il y a une éclaircie, c'est bon, on part. Non, on part dans 15 minutes. Oui, dans 15 minutes, donc tout le monde revient, hop, hein, et puis dans 15 minutes, hop, tout le monde est prêt, dans 5 minutes, on lance les moteurs. Dans 5 minutes, on démarre. Dans 5 minutes, on part. Et ensuite, on fait 3 tours de safety car, et là, oh putain, il repleut. Alors, je vais te répondre par quelque chose. Je vais te répondre par le départ du Grand Prix de Monza. Je ne parlerai pas de la cacophonie de l'extra formation lap qui, bref, je ne sais pas pourquoi ils ont merdé là-dessus. Mais du coup, une fois que la piste était claire et puis que la voiture de Yuki a été dégagée, on est, pour certaines raisons, notamment sécuritaires, que ce soit des personnels qui sont sur la grille de départ ou autre, de repartir sur une procédure, et même réglementairement au niveau international, on est obligé de repartir sur une procédure, notamment la procédure des 5 minutes, qui est la procédure de départ, donc 5 minutes, 3 minutes évacuation, 2 minutes, 30 secondes et 15 secondes. Ça, on peut absolument pas y couper. Par contre, là où je te rejoins, c'est le coup des 10 ou 15 minutes, justement, à attendre connement dans la voie des stands qu'il se passe quelque chose et que, voilà. Mais là-dessus, c'est vrai qu'il y a un travail à faire au niveau de la FIA pour établir, entre guillemets, des procédures accélérées, entre guillemets, pour essayer de gagner un peu de temps là-dessus. Pour les pneus pluie, il faut quand même reconnaître qu'ils peuvent servir en qualification. On a roulé avec en qualification. Non, je pense que là où c'est surtout une caricature, c'est que en course, le moment où ils deviennent utiles, c'est le moment où justement on peut pas rouler parce que y a pas assez de visibilité. Et c'est un peu là que c'est assez ridicule. Je me rends compte que j'ai été un petit peu médisant. Les pneus pluie, s'ils sont utilisés, j'ai plus le terme. Lors des Ils sont utilisés pour aller à non, la non, pause. Non, ils sont non, non, pour, le, non, le, pour faire les essais journées d'arrêt au stand. Ils sont utilisés non, pour les journées oui. test. Ils sont utilisés pour les démonstrations dans les villes. Ils sont utilisés pour plein de choses. Pour le fraude. Attends. J'ai plus le terme. Les journées de tournage là où ils ont le droit publicitaire. Oui, les journées d'installation. Les filming day. Ouais, mais non, c'est pas filming day, c'est un autre nom. Putain. Plus au secours, mais tu l'as dit, Tim. En plus, c'est non, les journées de c'est un nom anglais, les shows, je sais plus quoi. Il y a les media day, les non, c'est pas media day. Non, Gardel, le terme, c'est pour... Allez, dans le chat, allez, dans le chat, on veut celui qui trouve... Donc, bah, il a droit à une moustache de... Je sais plus exactement le nom, mais c'est ça. De Nigel Mansell. Shakedown, voilà, merci. Merci, Shakedown. Voilà. Shakedown, ah oui, d'accord. On m'entend pas ? Si, si, on t'entend. Malheureusement, mais on t'entend. Et félicitations, Altosec, qui a gagné son poids en CO2. C'est, ça ne s'appelle plus les jours de film parce que ils ont pris conscience que toutes les équipes s'en servaient de ça pour mettre la voiture, pour la faire rouler la première fois et vérifier que tout fonctionne bien, tout ça. Patate, ça c'est joli, ça c'est joli. Ça. Bref, je ne sais plus où j'en étais avec ces bêtises. On parlait de la pluie. Oui, et des pneus pluie inutiles, du coup. Et des garde-boue. Bon, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Oula. C'est pas censé être une émission pas sérieuse, du coup. Il faut avoir un visage grave, parce qu'on attaque les choses sérieuses. Ah, moi, je peux faire que des visages aigus. Je peux... Ah. Circonflexe. Ah, comme ça. Circonflexe. Faut que je mette une lunette de soleil ou pas pour le regard grave ? Non, j'ai dit les choses sérieuses, hein, pas les choses graves. Ah bon. Les upgrades qui sont arrivés ce week-end. Oh, il y en avait trop. C'est grave. Est-ce qu'on peut juste parler du schéma de McLaren qui présente ses upgrades ? Oui, alors déjà, il y a eu un upgrade sur la livrée. Oui, ah oui, ils ont enlevé le bleu. Dégueulasse. Est-ce que quelqu'un a là, ce schéma de McLaren je sais pas du tout. Je l'ai vu passer. Pas du tout, sous les yeux comme ça. Non. Ça me dit rien là. Mais grosso modo, en fait, quand les équipes présentent à la FIA les améliorations qu'ils apportent, il y a des dessins de la voiture de profil et de face. Et ils entourent sur les dessins les endroits où ils ont apporté des améliorations et après il y a un tableau avec qu'est-ce qui a été apporté, pourquoi, etc. Et McLaren sur les dessins des voitures de profil et de face ont entouré toute la voiture. C'est littéralement, il y a sur la voiture, la photo de profil, il y a l'aileron avant d'entouré, l'aileron arrière d'entouré et tout le corps de la voiture est entouré. Attends, je devrais le trouver, je sais où. Voilà. Bon. Du coup, bah, McLaren a porté du coup des améliorations que seul Lando Norris aura ce week-end. Piastri devrait les avoir pour le Grand Prix du Japon. Donc, c'est la prochaine, non ? Oui, c'est la prochaine course. Voilà. On a Red Bull qui a apporté un nouvel aileron arrière. Inspiré de ce qu'on voit chez Alpine, McLaren ou Alfa Tauri, justement, avec le flap arrière qui est un petit peu plus creusé. Alfa Tauri qui a rapporté beaucoup de changements aussi, notamment au niveau des carénages, du carénage des suspensions et le fond plat, le plancher qui a été beaucoup changé. Et à suivre à Austin, donc dans quelques semaines, Haas reste encore la dernière équipe à avoir le modèle des pontons, je ne sais plus si c'est downwash ou upwash, mais avec les pontons un peu baignoires. Donc voilà, ils vont abandonner ce modèle et passer... au modèle Red Bullien à partir de Austin. Donc voilà, Haas apporte des améliorations significatives. Est-ce qu'on a déjà vu ça ? Bah, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ils sont repartis à la voiture du début de saison parce que c'était catastrophique. Donc, Bon, bah là, ils vont revenir à la voiture 2022. Voilà. Mais c'était pas quand Grosjean, la dernière saison de Grosjean, ils n'étaient pas revenus justement à la voiture de 2020, parce que celle de 2021 était... C'est en 2019. Si, si. Ou 2019. En fait, c'était parti tellement en couille au niveau des améliorations qu'ils sont repartis à zéro et puis qu'ils avaient fait une voiture totalement améliorée et une voiture 2020, remise à zéro. En 2020, c'est Romain Grosjean qui a trouvé la solution au problème de la Ferrari. Puisqu'ils avaient les mêmes systèmes de suspension arrière et ils avaient remarqué que, ils avaient constaté que en fait leur problème de dégradation pneumatique venait du fait que la charge arrière était super importante et que les suspensions refroidissaient pas suffisamment et que du coup au cours du week-end les suspensions se déformaient. Et ce qui faisait que c'est pour ça que d'une séance à l'autre, ils avaient l'impression que la voiture avait changé, même sans changer les réglages. Et ils savaient ça chez AS et chez Ferrari. Puis c'était, je rappelle la saison 2020, hein, c'est quand Vettel et Leclerc jouent la P12 à la rivière. Donc oui, c'était assez drôle que ce soit la sous-équipe qui sous-traite de chez sous-traite qui est dernière du championnat, qui comprennent le problème de l'équipe qui a une usine de plus de 1500 personnes. Voilà. Mais quand tu ne sais pas vers où, vers où te diriger, voilà ce que ça donne aussi. Ouais, c'est ça. Si tu as 1500 cancres dans ton usine... Bon, après, j'exagère quand je dis ça, mais voilà. Quoi. De suite. C'est comme si moi, je demandais à Michael Duforest comment faire un bon live. Ah. Oh non mais là Oh merde. Oui voilà, j'avoue que pour le coup oui. Ça fait mal. Qu'on y va et puis qu'on lui casse du sucre sur le dos. Ouais, les mecs qui sont tous passés. Non. Attends, mais moi je suis plus illégitime en plus à ouvrir ma gueule parce que pour une fois, j'étais invité quelque part. Ils t'ont déroulé le tapis rouge, t'as été reçu comme un roi et tout. Ah mais le café, tout, laisse tomber. Strigoun, t'as sûrement jamais vu, je te montrerai un jour un film qui s'appelle Le Dîner de Cons. toi, t'étais du côté de celui qui invite pas le dîner. Oui, merci. Toi, t'étais celui qui faisait la tour Eiffel en allumette, tu vois. Quel connard. Désolé d'avoir à te le dire, mais c'est la seule raison pour laquelle on t'a invité dans le Racing Café. C'est peut-être pour cette raison aussi que je suis encore là ici. Après, on est tous autour des connards les uns envers les autres. Donc, oui, là, c'est quand même dommage qu'on ait qu'il en manque un. Quoi. L'expression on est le con de quelqu'un tient tout son sens ici dans cette émission. Ah oui, oui. Je suis le con du mec au-dessus de moi, qui est le con du mec à côté de moi, qui est le con du mec en-dessus de moi, qui est le con du mec. Moi, je suis ça continue comme ça. Je suis le con de personne, moi je suis trop intelligent. La modestie. Il y a quoi dans le conducteur là après? Il a même pas de volant. Il y a une histoire de limbago apparemment, une histoire de limbago. Ouais, mais avant de changer de sujet, du coup, j'ai l'impression que tu voulais changer de sujet. Quel sujet ? Non. Il y a une émission là. Alors, concernant parlant de choses graves, effectivement, bonne remarque dans le chat. C'est vrai qu'actuellement, il y a toujours Godzilla qui est en train de détruire Singapour. Mais du coup, Mick, tu habites à Singapour ? Non. Nous sommes à Singapour, Tony. Bah oui, Mick. Tony. Nous sommes dans nos studios mobiles. Depuis le début de l'année, on ne fait que ça, bouger. On ne fait que ça, déjà oublié, dis donc. C'est les 3 semaines de vacances là qu'on a eues. C'est un peu trop long là. Bien sûr. Alors, effectivement, une histoire de limbago. C'est Lando Norris qui, on a récemment appris, il a déclaré que depuis l'an dernier, il a énormément de douleurs au dos. Alors, on avait pas mal de pilotes qui en parlaient suite au problème de marsouinage, mais visiblement, on a toujours ces problèmes pour certains pilotes. Et Lando Norris fait partie de ceux qui sont un peu, qui en ont un petit peu parlé, disant qu'il avait dû, entre autres, abandonner le golf. Bon, désolé d'avoir à le dire, mais si tu n'avais pas autant de thunes, tu n'aurais pas à faire du golf parce que c'est un sport de riche. C'est ce que je pensais. Ah, ouais, c'est tellement bon, c'est tellement des problèmes de riches. Oh, j'ai mal au dos, je pourrais plus aller au golf maintenant. Voilà. Oh, j'ai mal au dos, je peux pas faire de golf. Oh, bah, excuse-moi, hein. Ah, zut, ma grand-mère, alors. Elle peut pas marcher. Alors, elle peut pas faire de golf non plus. Ah, gamin de riche, là. Non, mais voilà. Il disait, entre autres, certaines activités comme le vélo ou même disant qu'il pouvait même plus le simple faire de faire les tours des circuits de reconnaissance à pied. Il n'arrivait plus à les faire parce qu'il avait trop mal au dos. Donc, c'est fou, assez. C'est quand même. Enfin, on rigole là, mais en vrai, c'est grave là. Non, on parle quand même. De sportifs qui sont à un niveau athlétique super entraîné, le mec il marche, ça lui fait mal au dos, quoi. C'est le cas malheureusement dans beaucoup de sports aujourd'hui où on demande aux sportifs de surfaire des efforts constamment. Le fait là de vouloir passer à 25 grands prix par saison, c'est l'équivalent d'un grand prix toutes les deux semaines, et il y a certains grands prix qui sont entre guillemets cool, même si quand t'es dans une bagnole qui est en moyenne à 250-300 pendant 2 heures, il y a des définitions de cool qui sont différentes. Oui, mais quand t'as des grands prix comme Singapour, comme la Malaisie, comme le Japon, qui sont ultra physiques, c'est véritablement des épreuves sportives. Et si tu les répètes, le corps humain est pas fait pour tourner sous je sais pas combien d'humidité et perdre 5 kilos sur un condensé de 2 heures en ayant des forces G et en faisant un effort physique continu et en étant quasiment en apnée pendant 1 minute 30 à chaque fois. Donc le corps est vraiment pas prévu pour ça, donc c'est évident qu'il y ait des soucis physiques. En moto, on en a parlé très brièvement ici, je crois, quand ces escrocs du Racing Café sont venus. Mais c'est le cas aussi en moto où on multiplie les courses. En foot, on multiplie les matchs et c'est pareil, il y a plus de blessures que ce qu'il pouvait y avoir avant. Et pourtant, d'autant plus dans ces sports-là qui sont vraiment des sports d'élite, les mecs sont ultra chouchouté par un nombre de kinés pas possible, par des physios, par les équipes qui elles-mêmes ont leurs propres services médicaux qui sont là pour prendre soin de leurs pilotes, etc. Et malgré ça, ça suffit pas. Donc il y a ce problème de j'ai envie de dire surproduction, mais c'est pas le terme, mais voilà, c'est l'idée de on en fait, et puis les organismes compétents qui sont à la tête de tout ça ne prennent pas en compte le fait qu'il y ait... Oui, c'est vrai. Et j'ai dit con aussi. ces organismes-là ne prennent pas en compte, je l'ai redit, qu'il y a des hommes et des femmes, mais qu'il y a des êtres humains qui sont là et qui sont nécessairement... la machine... Enfin, comment dire, les maillons de cette chaîne, en fait. C'est ce dont se plaignent les équipes depuis pas mal d'années, parce que à la limite, et vraiment à la limite, le pilote il peut poser son cul dans la bagnole le vendredi, faire ses trois jours et rentrer, et encore je dis vraiment la limite parce qu'il y a du simu, il y a tout ça, mais pour le coup les équipes ça arrive le mardi, ça monte les stands, ça monte tout. Il y a tout le week-end, tu travailles, et après, il faut tout démonter, etc., etc. Et c'est invivable pour les organismes. Voilà. Et pour rappel, Lando Norris a 23 ans. Oui, non, mais c'est ça qui est inquiétant, voilà. En fait. C'est qu'il est plus jeune que nous. Oui, Tim, tu es plus vieux que... Oui, ouais, t'as 24, toi, 25. 25, il est plus jeune que moi, Lando Norris. Ouais, non, mais il est plus jeune que nous tous ici. Nous tous réunis. Heureusement. ça dépend si on parle d'âge mental ou tout ça. Ouais, c'est pareil aussi, c'est ça le problème. Mais quand tu entends un gars, enfin, je dis gamin, il a que. Mais je veux dire un jeune de 23 ans qui te dit j'ai des problèmes de dos à cause de mon sport. C'est chaud quand même. Hein. Après, il y a problème de dos et problème de dos. Je pense qu'ici, Et dans le chat, pareil, on est surtout, nous, c'est très cliché, hein, mais on est des hommes, passé la vingtaine, dès qu'on se lève, on fait... Vivement la retraite. Tous. Est-ce que Michael Dufort est là parce que... Vous vous rappelez, je suis tombé dans les escaliers quand j'étais chez lui et parce que les escaliers étaient de mauvaise qualité. J'espère que tu as mis un étoile au Airbnb. Alors, merci monsieur Ludo. Salut tout le monde. J'ai pas encore regardé la qualif, mais je voulais dire juste GG Astrol et putain, Sainz, il est chiant à bloquer tout le monde en qualif. Je sais pas si c'est applicable, mais bon, hein, eh oh. Bon, le pauvre. Oui, alors, regarde pas la qualif, Ludo. Tu vas avoir mal à ton Stroll. On en parlera plus tard de Lance Stroll, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de lui. Hein. On apprécie le tennis comme n'importe quel passionné de sport. Du coup, là, ce qu'il a fait, c'était l'équivalent d'un ace, c'est ça, non ? C'est pas un truc comme ça ? Oui, oui. C'était un beau service, en tout cas, on va pas se mentir. Voilà pour Lando Norris. Un petit point pour retour, puisqu'on a pu essayer pour la deuxième fois cette année la nouvelle allocation pneumatique de Pirelli à Monza, avec 11 pneus à la place de 13 sur l'ensemble du week-end, et la qualification qui est faite avec les pneus durs en Q1, pneus médiums en Q2 et pneus soft en Q3. Déjà, bon, avant de parler des premiers retours, Tony, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as suivi un peu de près ? Est-ce que tu penses que c'est un plus, un moins pour le sport ? Suivi un peu de près, non, mais il y a des choses à essayer. La location de pneus, ça fait longtemps qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui sont enlevées, qui sont modifiées. Avant, les équipes pouvaient choisir leurs pneus. Maintenant, c'est Pirelli qui choisit les pneus. Maintenant, les pneus de Q1, Q2, Q3 sont prédéterminés pour certaines manches. Avant, tu avais des pneus, enfin, un jeu de pneus sur deux qui était obligatoire en course. Il y a des choses qui sont essayées. Après, clairement, les équipes en difficulté restent toujours plus ou moins les mêmes équipes en difficulté, que ce soit avant ou après, entre guillemets, ces qualifications. Hein. C'est pas ça qui va changer la hiérarchie sur une qualif, hein, que tout le monde soit en dur, en médium ou en soft. Après, ça change pas grand chose de mon point de vue. Là où avant, lorsqu'il y avait la règle de les pneus de Q2 doivent être les pneus utilisés en début de la course, là il y avait certaines équipes, notamment le haut du classement, qui se permettaient de mettre du médium plutôt que du soft pour faire de la stratégie décalée. Là, clairement, je ne pense pas que ça change pas mal de choses, mis à part peut-être pour l'écologie, pour la planète, d'avoir 8 pneus en moins par voiture chaque week-end. Donc, voilà mon point de vue. Mm-hmm. Tim, alors, le point écologie, je pense, est premier degré à prendre en compte. Ah, bien sûr. Absolument. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de pneus qui sont apportés sur chaque week-end, et que la Formule 1, étant donné qu'ils veulent très drastiquement réduire leur impact carbone, je crois même être neutre d'ici 2030, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. On en voit partout de ça. C'est une promesse. Donc oui. Voilà, donc ça passe par alors des grosses actions, mais aussi des petits ou moyens gestes, et emmener moins de pneus, qui du coup, par conséquent, veut dire fabriquer moins de pneus, et un de ces gestes. Sur le côté spectacle, même si j'aime pas vraiment le mot, mais pour le coup, c'est assez cool, parce que la Q1 n'a rien à voir avec la Q2, qui n'a rien à voir avec la Q3, et il y a certaines surprises, parce que des voitures sont plus à l'aise en hard, en médium, en soft, que d'autres, etc. etc. Après, je reste très vieille école, on va dire, sur ma conception de la Formule 1 et de la course, où pour moi, je veux que ce soit le meilleur et le plus rapide qui gagne, et en y mettant toutes les conditions possibles et inimaginables. C'est pour ça que le côté de budget capé, même si je le comprends et que aujourd'hui je trouve que c'est une très bonne chose. Si demain on me dit qu'il saute, je suis le premier content parce que ça veut dire que les équipes vont investir pour avoir la meilleure voiture possible avec les clous qu'il y a dans le du règlement. Là, c'est un peu la même idée avec le pneu. Je me dis, même si c'est en Q3 et ça reste le cas où on va chercher la performance ultime, Williams ou Haas ou Aston Martin, Alfa Romeo et Aston Martin, une voiture sur deux, n'a pas souvent l'occasion d'aller en Q3 et donc de tenter de d'avoir cette performance ultime. Et je trouve qu'elle est importante de l'avoir en fait tout le long de la qualif pour que voilà, les mecs qui sont derniers et mettre le maximum avec la voiture optimale, les pneus optimales, optimaux, le mode moteur optimal, etc., pour que leur voiture à l'instant T soit la plus rapide possible, et après aux autres autour de s'adapter. Si la voiture si la Red Bull est dans tous les cas une seconde plus rapide, il roule le bras à la portière, il sera plus rapide, il s'en fout, il roule en soft, ou pour le coup il peut mettre des médiums, ce sera quand même bon. Donc ça, bon, ça c'est juste mon idée de vieux con qui est comme ça. Donc t'inquiète. Mais pour le coup, si on enlève cette idée de vieux con, globalement je trouve que c'est relativement ok. Et de tout ce qu'ils ont testé ou qu'ils ont proposé comme idée, c'en est une qui me pose aucun problème dans l'application en tant que telle. Donc ok, pourquoi pas. Ouais, les premiers retours que j'ai lus, effectivement. Il y a effectivement ce côté écologique qui est assez positif. Hein. On rappelle quand même, on peut défendre autant qu'on veut le sport automobile sur son aspect écologique qui n'est pas aussi terrible que ce que certains peuvent le croire. Il faut quand même accepter le fait que les pneumatiques, c'est catastrophique en termes de. C'est une aberration, même au niveau du. Rien que le. Donc, la fabrication, déjà, c'est un process qui est très, très coûteux en termes de consommation d'énergie, de conception. D'impact carbone. D'impact carbone, tout à fait. Et en plus, au-delà de ça, même une fois que les pneus sont fabriqués, il n'y a pas encore que. Il y a aussi le stockage. Parce qu'il faut garder les pneus maintenus à une certaine température, et une fois qu'ils sont montés sur la jante, tu peux pas faire n'importe quoi avec. Par exemple, typiquement, c'était pour le Grand Prix Australie, je me souviens en 2020, quand il y avait eu le Covid, et puis qu'ils ont annulé le Grand Prix, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire des pneus, parce qu'ils avaient déjà été montés sur jante et tout ça, et donc, merde, on fait quoi là? Alors, soit on les gardait pendant X temps conservés, à température régulée, alors je crois que c'est 20 degrés, quelque chose comme ça, qu'il faut les maintenir, ou je sais plus comment, ou 40 degrés, je sais plus. Il y a une température de stockage, je sais plus, j'aurais pu donner, je veux pas dire de conneries, donc je vais pas m'avancer trop là-dessus. Mais je sais que normalement, ils sont obligés de demander voilà, une température, etc. Et tout. Et au final, je crois qu'ils étaient partis à la poubelle. Bon, on va dire que l'événement était quand même assez exceptionnel et assez extrême. Parce que c'était quand même le Covid à l'époque qui avait foutu le bordel, mais en dehors de ça, je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis, ah oui, d'accord, dans un Grand Prix, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. Et puis on parle aussi d'un objet qui a une durée de vie d'une heure maximum, quoi. Oui, c'est ça. C'est un truc qui coûte énormément à la fabrication et qui, à l'utilisation, c'est une heure et après, c'est poubelle. Et après, t'as la moitié de la gomme qui est. Et puis, tu as la moitié de la gomme sur la piste, c'est ça en plus? Oui. Ah, dans l'environnement en elle-même. Alors, on voit les marbles, ce qu'on appelle les marbles, donc les morceaux de gomme qui s'échappent et qui se mettent sur le côté sale. Ça, c'est la phase visible de l'iceberg, quoi. C'est la phase visible de l'iceberg, exactement, parce que tu as aussi tout ce qui est émanation de micro-particules, ce qu'ils appellent micro-particules, justement issues de la dégradation des pneus, mais qu'on ne voit pas, qui est invisible, puisqu'en fait, il est vraiment, c'est vraiment des petites micro-particules qui sont aussi, on n'en parle pas énormément, mais on commence aussi à en parler d'ailleurs, même pour les voitures de série que l'on conduit tous les jours, tout ce qui est disque et plaquettes de frein surtout, qui par exemple sont très polluantes. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est pareil, ça émane énormément de micro-particules dans l'atmosphère. Et on essaie de plus en plus de faire en sorte que ce genre de pièces, on va dire de pièces consommables qu'il y a dans des véhicules, dans des voitures, demain ce soit plus le cas. Et donc c'est intéressant, c'est le genre de choses qui est super, qui est cool à voir quand même, parce qu'au final peut permettre de réduire un petit peu, on va dire, l'empreinte carbone de tout le monde, de chacun. C'est ça, hein, le but, de toute manière, de la Formule 1 et du sport automobile. C'était ça aussi, c'était trouver des solutions pour les voitures de série de demain. Et bah là, en ce moment, le contexte, c'est ça. Après, ils ont déjà fait quand même un sacré bond en avant, à pas se mentir. C'est quand même... Quand on passe de un moteur par session à un moteur tous les 3000 km, c'est quand même énorme. Même si, pour nous, 3000 km, ça reste quand même une aberration pour le commun des mortels. Ça reste quand même une belle prouesse, on va dire. Non, mais là, du coup, on est à 13 trains de pneus sur un week-end. Ça fait plus de 250... Non, mais sur l'ensemble des équipes, ça fait plus de 250 trains de pneus x 4. Là, ça te fait près de 1000 pneus qui... Alors, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Ah, moi non plus. Attends, elle rajoute. Attends, on va voir si notre théorie se confirme, Tim. Oh là, j'ai pas de théorie. Ça fait 1000 pneus, au fait, hein, 1040 pneus par jour, pas par Grand Prix. Bonsoir, Chira. Bonjour. Comment ça va? Salut, Chira. Ça peut aller, petit passage. Ouais. Là. Bon, pas en forme. Écoute, avec Tim, en fait, on avait une petite théorie. On savait que ça allait être compliqué pour toi ce soir, mais on s'est dit, il y a peut-être moyen qu'il déboule avec son kebab, qu'il nous regarde, il ne dise rien de la soirée, alors, il repart. Alors, aujourd'hui, c'est même pas kebab, aujourd'hui, c'est pizza en plus. Oh, ah, tu te renouvelles. C'est la rentrée pour tout le monde, il y a du changement. Il faut se renouveler. Et du coup, la pizza, c'est une pizza kebab ou une pizza salade tomate oignon, c'est ça? Pizza kebab, tu veux que les Italiens m'envoient des assassins ou c'est... Tant qu'il n'y a pas d'ananas dedans, écoute. Non. Une pizza normale, ouais. Parfaitement classique. Bon, effectivement, donc, on était en train de faire un petit point sur cette nouvelle réglementation qui est essayée actuellement avec les allocations pneumatiques. Donc, je disais effectivement, dans les plus, il y a le côté écologique qui est vraiment positif. Donc, ça fait 2 trains en moins par pilote. Donc, tu multiplies pour tous les pilotes, x 4 et tout, ça fait vite une réduction qui est quand même assez importante. Certains pilotes disaient que c'est un nouveau challenge qui pouvait aussi être assez intéressant. De présenter les choses, le déroulement du week-end, la manière dont ils dont ils préparent leur course, tout ça. Maintenant, et là, ce sont les mots de Max Verstappen, qui disait que ça, en plus, ça allait quand même favoriser les meilleures équipes, parce que, selon lui, les équipes les plus lentes sont celles qui galèrent généralement le plus avec les pneus durs. Et quand on commence en Q1 avec les pneus durs, ça ne fait qu'au final creuser l'écart encore plus. Ça ne change pas grand-chose du côté sportif. Et là, un autre point qui était soulevé par un ingénieur, je ne sais plus qui, j'ai oublié de le noter, c'était la réduction du temps de roulage en essai libre. Donc là, on pense naturellement à ceux qui pètent et qui viennent voir tout ça. Qui viennent voir les séances et qui voient moins de voitures du coup. Donc peut-être que ça se couplerait avec, sur le moyen terme, il y a clairement, je pense, il va y avoir une refonte, je pense, du déroulement des week-ends de Formule 1, hein, parce que, qu'on le veuille ou non, le format sprint, sans dire qu'il n'y aura que des sprints, il encourage un petit peu à diversifier les week-ends de Formule 1. Donc, si on a moins de roulage, peut-être que aussi ça peut être quelque chose de positif ou négatif, si on n'arrive pas à en faire quelque chose. Enfin bon, de ton côté, Chira, est-ce que t'as médité un peu cette question à Monza de cet essai lors des qualifications, de la réduction des allocations pneumatiques, tout ça, le nouveau format. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi que je posais la question. Oui, j'ai compris, mais juste que la co est pas ouf, donc peut-être qu'on m'entendait pas en fait. Ouais, ok. Ah, ok. ça me rassure, je sais que tu m'as pas posé avant. Non, je disais en gros que pour moi ça change pas grand chose parce qu'au final, bon, je rejoins ce que je dis. Si certains galèrent avec le pneu hard, ou avec les pneus tout court, changer de cette manière, ça y a pas vraiment de révolution en fait. Ce qui change en plus plutôt, c'est que ça va forcer les équipes à essayer, au lieu de concentrer sur un seul type de pneu pendant toute la séance d'essai, à se forcer du coup pour pouvoir sortir de Q1, à tenter d'autres les trois types de pneus et peut-être accessoirement aller élargir un peu aussi les stratégies parce que du coup ça fait qu'on utilise des pneus pendant les qualifs, donc ça fait moins de pneus qui sont possibles à être exploités pendant la course. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui rentre en jeu. Et c'est pour ça que je pense, dans un sens, ça ne changera rien par rapport à la qualif, parce que s'ils pensent qu'ils essayent de vouloir faire ça dans l'optique de redistribuer les cartes, on va dire, ça ne changera rien. Mais par contre, ça peut légèrement changer la façon dont les dimanches sont abordés, par contre. Parce que si tu as, par exemple, eu du mal à sortir en Q1, il fallait utiliser le hard, et que le pneu hard est justement le pneu efficace pour la course, et du coup, tu te retrouves avec des pneus hard qui sont usés. Donc, il faut essayer de faire une autre type de stratégie, donc peut-être tenter un double médium, mais un médium, et peut-être changer la fin, ou ça va changer carrément la façon de faire sa stratégie, quoi. C'est un autre point qui serait sympa aussi, auquel je pense, c'est effectivement au niveau de la course, il y a énormément, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi 2-3 trains de pneus qui peuvent parfois servir à rien sur le week-end? Et comme le disait tout à l'heure Strig, c'est vrai que des pneus pas utilisés, ça finit aussi à la poubelle et c'est autant du gâchis. Oh oui, tout à fait, mais après le problème qu'on a, c'est toujours le mieux vaut en avoir trop que pas assez, parce que tu sais jamais comment ça peut... Le nombre de fois où on pensait qu'une stratégie allait être ceci, et qu'on réalise que le pneu, soit il s'use beaucoup trop, soit au final il s'use pas assez, donc on peut prolonger le relais. Enfin, il y a toujours cet inconnu qui fait que avoir des pneus en rab, ça peut toujours être... c'est ce qu'ils vont demander de toute façon. Hein, donc, Tim, Strigoun, ça va, vous avez fini là? Non, parce qu'il y a les deux qui s'engueulent sur le chat privé depuis une demi-heure. J'ai mais balance pas, vas-y, bâtard, là. Non, mais c'est bon. Écoute, moi, je pense au bien du live. Il y a un connard qui tabasse son clavier depuis 20 minutes. Mais je vois pas de quoi tu parles. Hein. Moi, j'écris normalement, je tabasse pas. Je dis juste que pour nos auditeurs, ça doit être un calvaire d'entendre le bruit de ce clavier mécanique. Répétez pas la... Voilà. Mais clavier mécanique, il ferait pas ça, il ferait clic. Oui, non, mais on s'en fout. Abruti, incapable. Retourne à la PS4. Attends, et j'avais en plus... on en reparle dans un mois, Strigoun. Oh, le mec, il va s'acheter la PS5. Oh putain, on est dans la merde. C'est un point marrant que j'ai oublié. Il n'aura pas la thune pour. Il va jouer à FIFA avec en plus. Alors, tu sais, pendant nos semaines de vacances, là, quand on était aux îles Caïmans, le nombre de fois où mon banquier m'a appelé pour me dire « Monsieur Ouin-Ouin, vos comptes sont... plein jusqu'à la mort, il faut en ouvrir. Il faut investir, monsieur Ouin-Ouin. Le pire, c'est que c'est vrai. Oui. Voulez-vous un placement, monsieur Ouin-Ouin? Alors, est-ce que je vais retrouver ce lien? Voilà. Je voulais parler d'un truc tout à l'heure, mais vu qu'on n'avait pas Shira, je me suis dit, je ne vais pas faire de bêtises. Il faut juste que je le retrouve. Et là, ça va être le point marrant, parce qu'évidemment, j'ai tout effacé. Au fur et à mesure que le live avance. Alors là, c'est la merde. Contrôle Z. Ah, mais c'est ce que je suis en train de faire depuis une demi-heure. Avant même que Shira arrive. Non, c'était un article que j'avais trouvé intéressant sur Motorsport. On va le partager. Ah, je pensais que c'était F1i que t'allais... Non, c'est... Non, ils sont. Partage. Alors, c'était concernant Alpine qui a essayé quelques nouvelles choses, ou plutôt quelques très anciennes choses, lors des essais à Monza. Ils n'ont pas ramené de la peinture Flovis comme toutes les équipes le font. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais suivi, Sachira. Je l'ai découvert après le Grand Prix. La pub. Dégagez-moi ces pubs. Et on fait un petit coucou à monsieur. Oh, voyez que ça. Oh là là. Quelle horreur. Ah, je l'ai vu qu'après. Moi. Oh là là, mais sérieusement, ces pubs de jeux, mais ça devrait être illégal. Non, mais motorsport.com et leur pub, c'est un enfer. Ouais. Et le pire, c'est que bah, si tu laisses l'adblock, tu peux pas lire l'article. Oh. Oh, ils sont malins. Sérieux? Ouais. Donc voilà, ils ont rapporté ces petits, ils ont collé ces petits fils à l'arrière des éléments aérodynamiques au lieu de mettre de la peinture Flovis. Hein, vous voyez ce que c'est la peinture Flovis, c'est peinture verte, jaune de toutes les couleurs que les équipes foutent sur la bagnole. Ils la font rouler et ils voient l'écoulement de l'air des. Et là, c'est une autre technique qui est apparemment un peu plus ancestrale, qui consiste du coup à mettre ces petits fils et avec une caméra juste derrière qui permet de voir comment aussi ces petits fils bougent pendant les tests. Donc, tu es en train de me dire que tu as un gars qui a pris du scotch, qui a pris du fil, qui a scotcher des bouts de fil sur un élément aérodynamique et que derrière il y a une caméra pour filmer ce que font les fils. Oui. Voilà. D'accord. Bah oui. Okay. La théorie de la peinture, je la trouve meilleure quand même que. Je préfère ma peinture. Voilà, c'est pour ça ce que ça nous dit. Une méthode bien plus old school qui a été testée. Donc voilà, c'était un petit peu surprenant et je trouvais assez intéressant. Mais c'était dans les années 70-80 qu'ils faisaient ça déjà, je crois. Oh, certainement. C'est pas, enfin, moi ça me choque pas, c'est pas. Non, mais justement, c'était il y a. C'est choquant dans le sens où c'est. Je veux dire, même Felipe Massa, il réclamait pas son titre à l'époque. Voilà. Voilà ce que c'est la peinture Flovis. En fait, il y a une très bonne raison d'utiliser cette méthode-là et pas le Flovis, parce que c'est pas non plus magique. En fait, ça dépend de ce qu'ils essaient de chercher. Bon, attends, deux secondes, je vais fermer la fenêtre parce que là, je sais pas ce qui se passe dehors. Il y a des gens qui hurlent. C'est la guerre chez lui à chaque fois. Le pauvre. Non, mais c'est. On l'aime pour ça. Oh, ouais. Motorsport, moi, c'est pas chez Gazoo. Non, c'est. Gazoo, c'est France Racing. Motorsport, c'est. Nous avons en rédacteur Fabien Gaillard, nous avons monsieur Aurélien Atter de Formule Moyen qui vient de temps en temps, à qui on fait un bisou et avec qui j'essaye de faire une petite vidéo aussi. Donc c'est bon. Yes. Donc en gros, le Flovis, vous connaissez, hein, donc c'est cette peinture fluorescente, c'est également utilisé en soufflerie. C'est des méthodes de détection quand on fait de la détection de l'instrumentation en mécanique des fluides, il y a plein de méthodes. On peut utiliser du Flovis. Non, je parle si on prend par exemple dans une soufflerie, on peut utiliser bien sûr le Flovis. Ça marche également dans un tunnel. Il y a aussi des méthodes de détection laser, des méthodes par analyse vélocimétrique. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont valables. Et en fait, chaque méthode qu'on utilise, il y a un objectif. Par exemple, le Flovis, c'est bien. Parce que ça permet justement de voir à peu près, pas extrêmement accurate, mais c'est quand même assez bien de voir à peu près comment l'air circule sur les pièces qu'on veut étudier. Mais ça se limite à ça en fait. Ça va vraiment juste vous dire, ok, donc l'air, il a pris les lignes de courant du fluide, ils ont pris telle direction, ils ont passé de telle façon, et ça va du coup de visualiser à peu près ce qu'on veut. On peut faire ça du coup dans le tunnel, ou alors c'est ce que font les équipes en les emmenant sur le circuit. Ça permet du coup de regarder à peu près suivant où la voiture se trouve. Donc on va accélérer plus ou moins à certains endroits du circuit pour regarder du coup comment ça se comporte à certains endroits. Donc, imaginons par exemple, on a un souci dans les virages lents par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le virage plus lent qu'on est censé le prendre. Comme ça, on peut avoir une idée à peu près de « Ok, l'air s'est comporté comme ça, donc si je veux essayer de prendre le virage un peu plus rapidement, on peut essayer par similitude de tenter quelque chose. » Alors qu'avec cette méthode-là, qui est une méthode plus ancienne, mais qui fonctionne aussi, c'est une autre méthode de détection, on appelle ça des tufts. Et en fait, ici, le principe, c'est de fabriquer une espèce de grillage. En gros, quand on a collé les trucs là sur la voiture, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que ils vont faire un tour, ou pas forcément, ça peut être juste sur une section. Et sur la section, on va étudier le fluide. Ben, vous voyez, comme on voit sur le truc là, ça a pris, ça va dans tous les sens. Et en fait, avec ces sens-là, on va faire un grillage. Donc, vous voyez, par exemple, vous en prenez une tige là, ça suit une direction, c'est votre ligne de courant de fluide. Et on va faire ça pour chaque truc. Donc, ça va former une espèce de quadrillage. Et ce quadrillage-là, on peut l'étudier. Parce que du coup, ça peut donner un tas d'informations assez intéressantes sur justement comment se comporte le fluide sur cette partie-là précise. Voilà, la différence du flow vise qui va vous du coup donner sur toute la surface. Ici, on va vraiment fixer à juste ici là. On va vraiment étudier le fluide à l'endroit où on a mis les machins et on peut faire des tests comme ça. Ça se fait plus effectivement, ça se fait moins de nos jours parce que c'est un peu archaïque, mais ça marche quand même en fait. Ça dépend clairement de ce qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont précisé qu'est-ce qu'ils ont voulu faire exactement, mais ouais, ça marche assez bien comme technique. Ouais. Non, il n'y avait visiblement pas d'explication hein, dans ce que j'ai lu. Il expliquait simplement un peu les différences, un peu comme tu viens de le faire. Et voilà, j'ai mis le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Et je viens de voir aussi dans le chat, visiblement, c'est on le voit dans Le Mans 66. Donc, c'est, voilà. Ça. Exact. J'ai toujours pas regardé ce film. Le Mans 66, c'est celui de Steve McQueen ou celui de... Non, c'est Ford versus Ferrari. Oui, voilà, c'est ça. Puis un autre, le dernier point aussi qui est intéressant avec ça, c'est que avec le Flovis, vous allez regarder du coup sur une certaine durée qui sera, c'est plus ou moins fixe. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on va regarder sur une certaine portion du truc. Et quand la voiture va revenir au stand, ça veut dire que l'air s'est écoulé à tel endroit parce qu'on a fait un test pour telle condition. Alors que moi, avec vos petits machins là, là au moins on n'aura pas besoin du coup de renlever à chaque fois la peinture et de repartir sur un autre truc. On aura juste qu'à renvoyer la voiture et dire cette fois-ci j'en fais le test sur tel endroit et ça fait gagner du temps. Après, petite question, Chira, par rapport à ça, est-ce que cette technique des fils permettrait pas entre guillemets. Attends, je ne t'entends plus parce que mon casque n'a plus de batterie, donc 2 secondes. Ah. En tout cas, merci pour ça. Ma question est tombée. Allô. J'ai plus de batterie. Ah, il a plus de batterie. Mais putain, encore un gars qui, s'il avait roulé un permis, tu vois, il aurait. Pour pas me faire avoir de la même manière que Chira. C'est pour ça que j'ai un moteur moi dans mes écouteurs comme ça. J'ai un moteur. Il a un roue électrogène. C'est ça le petit bruit de scooter à chaque fois qu'on entend. Oui, c'est ça. Ça me coûte cher en essence. Bah oui, tu m'étonnes. Mais pourquoi Odès met des batteries dans des casques? Ça sert à rien ça. Quel fabricant? Odès. Odès. Odès. Je connais pas. Bon. Pas du tout. Du coup, tu nous entends? Là, c'est bon. Ah, ok. Ouais, du coup, je disais, ces fils, je te pose la question, est-ce qu'ils permettraient pas d'avoir aussi un visu en 3D, entre guillemets, du flux d'air, là où le Flovis ne permet que d'avoir un visu en 2D sur la pièce, là où il y a le Flovis, justement? Non, dans les deux cas, ça sera de la 2D, parce que tu fais une étude de surface, donc dans tous les cas, c'est... Dans tous les cas, ça sera du... ça sera de la 2D, mais maintenant après ça c'est une question en fait d'efficacité, genre c'est l'autre aussi point qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder les détachements et rattachements aux couches limites des lignes de fluide. Et là je ne vais pas faire un cours de méca flux parce que ça commence à être un peu compliqué. les mots commencent à faire un peu peur, mais non, c'est déjà ça aide un peu à comprendre. Et puis je trouvais ça juste super intéressant d'avoir une démonstration que même l'équipe qui a terminé dernière et au-delà du dernier à Monza, ils sont quand même avec des ingés qui dépassent le quota moyen de l'utilisateur Twitter ou Facebook. c'est toujours un bon rappel à faire. Il y a aussi un truc qui est important à savoir, c'est que souvent, les méthodes nouvelles ne sont pas forcément les meilleures. Il y a des techniques d'instrumentation qui datent d'il y a 100, 150 ans et qui marchent encore. Hein. C'est parce que c'est ancien que ça ne marche plus. Ouais, très bon exemple avec la météo. Et encore le meilleur exemple pour savoir s'il y a du vent ou... Moi, c'est un... La vitesse et l'orientation, puisque tu as... Ah oui, bah là, t'as imparable. Imparable. Et c'est pareil, pour la pluie, tu tends le bras derrière le... Voilà, derrière c'est le ça. Ouais, si la main est trempée, c'est bon, il pleut. Hein. Moi, j'allais simplement mentionner... N'est-ce pas Ferrari Adrian Newey et ses techniques de l'effet de sol des années 80 face à la version moderne de 2020, où on voit que le mec a compris mieux que n'importe qui comment faire ses manières. L'effet de sol, c'est l'effet de sol, hein, que ce soit il y a 50 ans ou pas, la physique n'a pas changé. Donc. Alors là, je sais pas. Hein. Est-ce que tu étais là dans les années 80 pour témoigner, hein, ça se trouve. T'es en train de dire que la relativité générale n'existait pas avant Einstein. Non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, avant Newton, découvre la gravité, tout le monde volait. je l'ai vu sur une photo sur Facebook. Bon, allez, on va rester dans la petite zone des connes. Oui. Helmut Marko a fait des excuses publiques. Oh putain, alors là, c'est le... C'est le choc. C'est le choc. Je le vois un peu du mauvais œil quand même. Hein, ce voilà, dit, c'était hein. Ça. Oh, oui, non, mais j'ai l'impression que si on m'annonce que Marko prend sa retraite à la fin de l'année, je serais surpris. Il sort des dingueries sur dingueries depuis quelques semaines. Là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Là encore aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, mais Marko a dit que ce serait bien que Massa récupère son titre avec son avec sa procédure là. Enfin, il est en roue libre. Christian Horner est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie, le mec. Et oui, parce que c'est papy Zinzin, tu sais. Tu sais comme ils avaient Mamie Zinzin dans les guignols de l'info à l'époque, et ben là c'est papy Zinzin. Et tu sais, c'est oui papy. Bon papy. Ah, attends, papy. On parlera après. Laisse, oui. Non, papy, parle pas de. Non, parle pas de Pérez. Voilà. Helmut Marko, il a pas vu venir la chose, quoi. Ce corner, lui, il l'a vu, quoi. C'est... Donc, voilà, il y a quelques semaines, il disait que si Pérez était moins bon, c'est parce qu'il n'avait pas une bonne éthique de travail comme Verstappen ou Vettel, parce qu'il vient d'Amérique du Sud. Donc, révisez vos continents avec un Autrichien dans les années 40-50. Il était artiste, non, ton Autrichien là. Désolé, mais bon, le Mexique en Amérique du Sud, bon, pourquoi pas. Ouais. C'est moi, pareil, ils parlent tous portugais, c'est la même chose. C'est ça. Ils parlent portugais, mexicain, voilà. Donc, il y avait ça, il disait voilà, que c'était propre à sa culture. Et vous rappelez, à Monaco, je crois, c'est après Monaco, il avait balancé il avait bu trop de tequila la veille de la course. Voilà, alors, ouais. Moi, je vais être honnête, entre potes, c'est très drôle. Oui, c'est ça. Ça, c'est le genre de blague entre que tu potes. Fais entre, ouais, tu fais entre pas potes. Des déclarations comme ça. Tu dis pas à la presse. Ouais, non, voilà. Non, tu le dis pas à la presse parce que tu sais tout de suite. Tu sais pertinemment qu'est-ce qui va se passer si tu le sors. Alors, je sais que pas. Le gars est juste tellement sans filtre qu'il s'en foutait complètement. Et puis bon, on va pas normaliser une stigmatisation plutôt qu'une autre, mais il est que mexicain. C'est, je pense, moins touchy de faire des remarques comme ça sur les Mexicains, même si c'est pas plus acceptable, hein, que si c'était sur... sur des Maghrébins, sur des Hamilton qui aurait pu prendre, si c'était le même cas, des remarques racistes aussi. Enfin, c'est des sujets qui sont encore plus touchy, je pense. Tu m'étonnes. Et je suis surpris qu'il n'en ait pas déjà balancé sur Tsunoda au cours de ces trois dernières années quand il se crachait. Hein. Oui, oui, c'est vrai que... On a pas encore eu le droit. Ah, oui. Après, j'en ai deux, trois qui me viennent en tête, justement, où je me dis, c'est rigolo qu'il n'ait pas sorti fait, encore. Peut-être qu'il l'a fait et que ce n'est pas sorti. Hein. Tu sais, au moment où il allait la faire, il y a Christian Horner qui a déboulé. Non, au sol. Ah oui, un plaquage. Un RKO. La gueule. Bah bon, voilà, et là c'était un petit peu extraordinaire parce que on a eu des excuses publiques de Helmut Marko, ce qui n'était jamais arrivé, et de Red Bull. Et on a appris que la FIA a indiqué qu'il lui avait adressé un avertissement formel pour lui dire allez, ça suffit maintenant. Tiens-toi à carreau. Encore une fois, en citant Motorsport. On t'a à l'œil. Allez, c'est 200, c'est, bon, c'est jamais 203. Il y a eu les 3, c'est bon. Maintenant, tu arrêtes. Je vais essayer. Quand on voit ce qu'il dit dans la presse, je peux même pas imaginer ce qu'il essaie en off. T'imagines Moi, j'aimerais bien l'entendre, justement. Mais voilà. Donc voilà, la FIA qui déclarait « Nous sommes en mesure de confirmer que Helmut Marko a reçu un avertissement écrit et que lui ont été rappelées ses responsabilités en tant que personnage public en sport auto, conformément au code d'éthique de la FIA. » Donc, FIA voilà. Qui se transforme en œil de Moscou. Non, oh, c'est bon, c'était déjà... On a déjà fait le quota des blagues sur l'œil ce soir. Ah, bon. Et voilà, et Christian Horner, quand on lui en a parlé, il a pas manqué de rappeler qu'il était pas que Helmut Marko était pas engagé par Red Bull Racing pour bien dire non, mais j'y suis pour rien. C'est pas notre problème. C'est pas nous. Papy Zinzin est pas avec nous. Il est là, mais moi j'ai rien demandé. Hein. Il garde le déambulateur dans le paddock, mais c'est tout. C'est tout. Nous on n'a rien à voir avec lui, voilà. Ouais, non, mais moi je pense à des Gasly, des Vettel qui disaient que Marko c'était un très bon gars, mais que fallait apprendre à le comprendre et qu'il avait un humour particulier. Je pense que peut-être il faisait référence à ça, ou alors c'est peut-être totalement autre chose. Mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus malin à dire publiquement. Et voilà, c'était la petite note cocasse. Helmut Marko, ça y est, il est au pied du mur, il doit maintenant s'excuser et arrêter de trop l'ouvrir pour rien dire. En plus, quand on sait que Red Bull Junior Team va commencer à déchirer quelques contrats et limiter les places dans son académie, tonton Helmut, il va peut-être commencer à devoir aussi... ressentir un peu la pression, peut-être. Marko, c'est pas seulement le. C'est ça qui est un peu particulier avec son rôle, c'est qu'il gère le Red Bull Junior Team et en plus de ça, il a. Il n'y a pas de Red Bull Racing sans Helmut Marko, en fait. Donc, il a une position qui est assez particulière dans le chemin public. Donc, c'est lui qui partira ou rien. C'est lui qui prendra la décision un jour de se barrer ou. On peut, je ne pense pas qu'il soit virable. Il peut être suggéré de démissionner. Oui, voilà, c'est oui, ça. Voilà. Ça peut arriver. Si tu peux me donner ta démission, s'il te plaît, hein, de plus tout jeune. Voilà. Non, pas bizarre. Mais, ouais, non, mais. Papy, il faut signer là. Juste là. Mine de rien, je pense qu'il prend 81 ans cette année, je crois. Ouais, et puis. Ouais, sa place, c'est plus dans un EHPAD que sur le bord d'un circuit. Hein. Helmut Marko, 80 piges, ouais. Né le 27 avril 43 à Grasse. En fait, ils sont en train de faire un concours entre tonton Bernie et puis papy Helmut. Hein. Ouais. Non, et puis, Marko, il était aussi là parce que c'était un bon ami à Matej Schitz, qu'ils ont un peu formé Red Bull Team ensemble, tout ça, et qu'il est là depuis toujours dans l'académie Red Bull. Donc voilà, je pense qu'il y avait un peu de ça, mais maintenant que Matej Schitz est plus là, il y a une nouvelle direction qui est en train de se mettre en place au sommet de Red Bull. Et encore une fois, on ne parle pas de Red Bull Racing, qui est l'équipe de Formule 1 de Christian Horner. On parle vraiment de la marque Red Bull. Donc, voilà, c'est... pour la petite information, il n'y a pas que Yuki Tsunoda et Esteban Ocon qui reçoivent des avertissements. Bon. D'ailleurs, est-ce qu'on a parlé de la qualif du jour ou pas encore? Rapidement, mais si tu as quelque chose à... Ah non, non, non, non, pas suffisamment. Je super. Juste, rien passé. Ça m'arrange pour Watch Time. Pendant la qualif. Tout va bien. C'est passé non, des choses. Indirectement, parce que je voulais déjà commencer à faire un petit point transfert. Un petit point sur les contrats, ce qu'on sait. Ce qu'on sait pas. Alors, on sait que Red Bull a déjà son line-up confirmé pour l'an prochain, Verstappen et Pérez, jusqu'à ce que les choses changent à la dernière minute et que... On va avoir Verstappen, Lawson, tu ne vas rien comprendre à ta vie. Ah. chez Ferrari, on sait que les deux pilotes sont sous contrat. Mercedes a récemment annoncé à Monza, justement, la prolongation jusqu'à fin 2025 de Hamilton et Russell. Norris est aussi sous contrat jusqu'à fin 2025 et Piastri était venu sur un contrat de plusieurs saisons, donc on devine. C'est pas, 2000, c'est pas 2024, Norris à vérifier, non, moi j'ai noté 2025. 25, hein, Norris. Ah, alors c'est moi, alors je pensais que c'était 24. Parce que je sais que l'année prochaine, la saison, ça sera le bordel absolu. Oui, mais de toute façon, vu comme ça saute les contrats. T'inquiète que si t'as Mercedes ou Red Bull qui démarquent pour choper Norris et que McLaren continue à faire des résultats en Dancy. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme il y a tellement de pilotes qui ont des contrats qui finissent en 2024, je pensais que c'était le cas aussi pour Norris. Ouais, mais attends. Je vérifie. Ouais, j'ai bien 2025 pour Norris. Ah, ok. Donc ça doit bien être ça. Bon, à vérifier. Alonso est sous contrat Lance Stroll. Voilà, Lance Stroll. Gasly et Ocon sont sous contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine. Chez Alpha Tauri, on ne sait rien. Bottas et Joe viennent d'être annoncés, ils sont prolongés. Bottas, c'est sur plusieurs années et Joe, c'est que pour l'année prochaine. Hülkenberg, Magnussen, ça a été annoncé. Et chez Williams, Albon sera là jusqu'à l'an prochain et Sargeant n'a pas de contrat. Donc à l'heure actuelle, les baquets qu'on regarde sont les deux chez Alpha Tauri, la place de Logan Sargeant, pardon, et j'ai envie de le mettre sur le tapis parce qu'il nous a fait plaisir aujourd'hui, celle de Lance Stroll. Non. Il est encore là, Ludo, dans le chat ou pas là? Concrètement, en début de saison, je pense qu'il y avait moyen de dire ça passe. Mais est-ce que depuis peut-être Silverstone, le Canada, il a encore des excuses défendables, Lance Stroll, parce que là, je ne vois rien de sauvable, vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de c'est médiocre. Pour moi, il n'y a rien à garder. Du tout. Non, mais c'est terrible. Encore le générique du Canada Horror Show ou pas? Je voulais me sortir. Voilà. Bah, allez, c'est le moment parce qu'on va, bien sûr, en parler. Avec un crash au début de la Q1, alors que son coéquipier se qualifie encore une fois en Q3, Lance Stroll fait plaisir à ses détracteurs. Nous constatons que depuis Silverstone, c'est deux entrées dans les points, une dixième et une neuvième place sur les cinq derniers Grands Prix. Si on regarde son coéquipier, c'est septième, neuvième, cinquième, deuxième, neuvième. Moi, ce qui m'énerve avec Stroll, c'est que déjà tu regardes tous les mecs qui lui trouvent des excuses. Non, il y a eu ceci, non, il y a eu la stratégie, mais ça marche pas en qualif, c'est abyssal. C'est assez ironique qu'il était meilleur. Ça marche sur trois Grands Prix, quoi, pas sur une saison. Surtout, ce que, oui, voilà. Et puis, c'est un peu ironique, c'était en début de saison avec un poignet cassé qui performait mieux que là avec tous ses moyens. Je sais pas c'est quoi cette magie noire, mais... C'est un peu étonnant. Et puis, en fait, ce qui est frustrant avec lui, c'est que j'imagine aussi que c'est son statut qui fait ça, mais le gars n'a strictement aucune pression, en fait. Donc, ce qui fait que il est pas comme les autres qui doivent toujours prouver leurs résultats. Ça, pour le coup, c'est ce qu'on pense, nous, vu de l'extérieur. En interne, on ne sait pas si c'est le cas. Non, mais attends, regarde les déclarations simplement qu'ils font par rapport à Lance Stroll. C'est de la déclaration média. Je suis tout à fait d'accord, mais dans un sens, si vraiment, vraiment, ils voulaient... que Lance Stroll saute, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais quand t'as Mike Rack qui vient dire qu'il faut qu'Aston Martin fasse des efforts pour aider Lance Stroll, enfin, mais non, c'est censé être le contraire. C'est pas l'équipe qui doit redoubler d'efforts parce que lui, il n'y arrive pas. Enfin, c'est ce genre de petites déclarations qui a par-ci par-là qui font que j'ai pas l'impression qu'il va faire grand-chose. Enfin, si vraiment il voulait changer Lance Stroll, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Là, on est à la fin, on est quasiment à la fin de la saison. Enfin, il va prendre sa 8e l'année prochaine. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Quand je dis qu'on n'est pas en interne et qu'on voit pas, le fait que, alors c'est très raccourci, mais c'est le fils du patron. Le fait que ce soit le fils du patron fait que même si tu as 99% de la boîte qui est contre et qui dit non mais les gars c'est bon, il nous crache les bagnoles, il est à 3 secondes de Alonso et tout, faut qu'il dégage, si derrière le patron il dit non, bon bah c'est ça. Bon bah on est baisé quoi. Donc c'est très schématisé, ça se passe pas comme ça de façon aussi binaire, mais l'idée c'est un peu ça. Pour le coup, les déclarations... Alors, je suis d'accord avec toi, hein, Shira. Je pense pas qu'il soit très en danger non plus, mais c'est uniquement du ressenti. On n'est pas en interne, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe. Ça se trouve, toutes les déclarations qu'il y a, c'est uniquement de la langue de bois médiatique. Il y a peut-être aussi un peu de pommade qui est passée par les membres de l'équipe parce que c'est le fils du patron et qu'on ne va peut-être pas dire directement en mondiovision que le fils du patron, c'est un raté et qu'il fait n'importe quoi. Et qui a forcément voilà ce côté mise en beauté entre guillemets, pas forcément le beau terme, mais il y a des problèmes, mais bon, on va essayer de s'améliorer. Puis là, il y a des circonstances atténuantes là et là et là et là, etc., etc. Mais ça veut pas dire qu'en interne il est pas sous pression, et ça m'étonnerait même pas que venant de Lorenz directement il soit sous pression en fait. Ce serait même assez cohérent que ce soit directement Lorenz Stroll qui le mette sous pression en disant bon, écoute fiston, t'es bien gentil, mais au bout d'un moment il va falloir commencer à te bouger le cul et à arrêter de faire de la merde quoi. Surtout qu'il y a peut-être des résultats aussi, il y a le nom Aston Martin quand même, donc oui, et puis moi c'est ce que je pense depuis le début où Lorenz Stroll est arrivé dans cette structure là, c'est que c'est certes son fils et son salarié, mais avant tout, Lawrence Stroll est un chef d'entreprise. Et alors, je dis, je refuse de croire. Ma situation personnelle fait que voilà. Tu crois. Mais mon esprit cohérent refuse de croire que un patron s'enfonce dans la merde, dans la merde, dans la merde, dans la merde, juste parce que il y a une personne qui veut sauver. Tu es si naïf. Non, je suis pas naïf. Ah, c'est génial. On te pousse des grosses barres parce qu'on connaît la situation professionnelle. Ah oui, voilà. On la connaît et on rigole. Tout le monde rigole, c'est pas pour rien. Cela ne nous regarde pas. Et je me dis, au bout d'un moment, Lorenz Stroll a besoin, et pour le coup, là, il n'est pas tout seul, il est patron, mais ce n'est pas le seul patron, et dans le board d'Aston Martin, s'il n'y a que Alonso qui rapporte des points, et qu'il y a possibilité de jouer très gros, mais qu'il ne joue pas très gros, parce que le deuxième pilote, alors que ce soit Stroll ou que ce soit n'importe qui d'autre, est à la traîne, même si le deuxième pilote dégage. Lui va dire, oh, les gars, quand même, c'est mon fils, si tu as tout le board qui appuie en disant ouais mais il n'y a pas de résultat, ça va forcément mettre la pression sur le clan Formule 1 qui là va devoir prendre un choix, donc c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas ce qui se passe en interne. Il faut pas imaginer la table ronde comme ça se trouve, et je termine juste là-dessus, comme ça se trouve Lance Stroll a véritablement un CDI et ils se disent bon ben voilà, tu tous les ans tu as ton baquet, et puis on verra le jour où tu as envie d'arrêter ou le jour où nous on pète un câble, et puis on verra, on sait pas pour le coup. Écoute, avec un cas concret, Aston Martin, ils ont 7 podiums cette saison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 14 courses. Donc, sur la moitié de la saison, ils ont fait 50% de podiums. Ferrari, qui viennent de monter sur leur quatrième podium, leur passe devant au championnat des constructeurs. Pour 11 points. Pour 11 points. Et là, j'ai fait le calcul. Donc, depuis les 7 dernières courses, donc encore une fois, moitié de saison, donc c'est depuis le Grand Prix du Canada, Stroll a marqué 12 points. Alonso, 71. Et c'est vraiment depuis le Canada et l'Autriche que l'Aston Martin galère. Et il y a un moment, il n'y a pas photo, 71 à 12. Je te dis, moi je suis d'accord avec toi, Chira, sans abandon ou quoi. J'ai pas le ressenti qu'il soit véritablement en danger, mais paradoxalement, si à la fin, là, si lundi je vois une news passer, ou même à la fin de la saison, je vois une news qui dit que Lance Stroll n'est pas reconduit l'an prochain, ça me choque pas du tout d'un autre côté. Et au-delà du côté sportif il mérite pour ce qu'il a montré cette année et quelques autres choses qu'il a montré les autres années, il mérite de que sa place saute. Mais même d'un point de vue gestion de l'équipe et politique interne, etc., ça me choque pas qu'il saute en fait. Pour moi, le choix logique, ce serait qu'il saute parce qu'en 7 ans de F1, revoir les mêmes choses qu'on voyait quand il a commencé, c'est toujours comme ça en fait. Ça va être pendant une, deux courses, il y a une bribe de talent, mais au final, on dirait qu'il fait des saisons rookies tous les ans. C'est ça, parce qu'il y a le talent, c'est indéniable, mais s'il n'arrive pas à le mettre à chaque fois bout à bout. Il y en a qui ont quitté la F1 pour bien moins que ça. Bah oui, c'est pour ça en fait, ça commence à se voir un petit peu. Je regarde là, et je soulève un point qui est énormément soulevé dans le chat. Beaucoup qui disent que. Qui en fait il avait l'air de s'en foutre total à Monza quand il a fait sa P20 en qualif. C'est vrai qu'il a pas non plus il donne pas une image de quelqu'un qui est impliqué ou qui est en mode déjà Lance Stroll a cette air désinvolte quoi qu'il arrive tout le temps, oui, mais c'est sûrement qu'il est juste comme ça en fait. T'as l'impression qu'il s'en fout, mais c'est pas forcément le cas, c'est juste comme il est. Voilà, c'est comme ça, t'as l'impression qu'il a cet air... mais il a cet air désinvolte. Ça veut pas dire qu'à l'intérieur, lui, il s'en fout ou pas. Oui, bien sûr. Il faut prendre en compte quelque chose aussi. C'est que je suppose beaucoup de retours qu'on fait sur l'attitude de Stroll sont faits via les médias français. Or, il y a des relativement... Alors, mauvaise, c'est un grand mot, mais relations... un petit peu conflictuel entre Stroll et les médias français. Avec les médias anglophones, il n'a pas vraiment la même attitude. Alors, ce n'est pas le jour et la nuit non plus, mais ce n'est pas vraiment la même attitude. Bah, déjà, les médias français se trompent 99% du temps dans la traduction de son nom. Jusque-là, ça peut se comprendre. ça, c'est les copier-coller. Lance-promenade. Ouais. Lance-promenade. Oui. Non, mais alors, je ne suis pas du tout. Il y a aussi le fait que quand tu regardes, par exemple, les médias. Pardon. Non, mais je voulais juste dire que j'ai le problème de parler pendant que je démarre. Tu sais, t'es pas invité, String, hein, tu peux juste la fermer et puis laisser passer l'autre. Oui, c'est vrai. Non, mais il a pas tort avec l'histoire de médias francophones quand tu vois qu'on l'insulte d'autiste. C'est vrai. Ça, c'est un cas à part. Et puis en plus, c'est les Belges, donc c'est même pas. Oui, mais c'est francophone. Oui, mais c'est. Comment je veux dire, du français. Coup. Lui-même est francophone. Oui, c'est vrai que ça reste une théorie qu'il faudrait prouver. Oui, c'est en tweet. Désolé. Non, X. Bisous à Gaëtan. Oui. Mais pour parler, je ne suis pas les médias francophones du tout. Moi, Lance, je l'entends dans les débriefs sur F1 TV, des trucs comme ça. Je trouve que peut-être on le trouve désinvolte. En attendant, on voit la différence de quand il fait un mauvais résultat et qu'il tire la gueule et quand il est normal. Lance, c'était pas un super grand prix, non. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non. Ouais, on a essayé une stratégie comme ça, ça n'a pas marché. Ok, vous pouvez en tirer des positifs ? Ouais, on va voir ce qu'on peut en faire. Ça, c'est quand il a eu une journée de merde. Quand il a eu une journée normale, il parle normalement. Et donc, voilà, il faut accepter que le gars, il est comme ça. C'est tout. Hein. Après, c'est Lance Stroll, il a souvent des journées de merde. Quoi. Voilà. Bah, on compte plus souvent le nombre de journées de merde que le nombre de... Non, le nombre de journées qui vont bien, on peut les compter. Et le nombre de journées de merde... Et maintenant... Alors, désolé, je suis un peu loin de mon écran, donc j'ai du mal à lire ton pseudo. Caliblister, voilà. Stroll a toujours été critiqué, mais je trouve que c'est depuis qu'il est dans l'équipe de papa qu'il est autant à la rue. C'était pas un si mauvais pilote avant. Je conteste cette information parce que, bon, avec les moyens qu'il avait quand il était en problème de promotion, c'était la moindre des choses qui performe, quoi. Lorenz Stroll avait quasiment racheté Prima. Il avait des ingés attitrés Mercedes pour le suivre depuis qu'il était en F4. Enfin, le gars avait un suivi de malade par rapport aux autres. Donc les résultats, c'était normal, en fait. Là-dessus, j'ai envie de dire, c'était le minimum requis. C'était vraiment le minimum requis. Après, il y a quand même un minimum de talent à avoir. Oui, t'as beau avoir le pas... T'as beau avoir tous les outils, si t'es une tanche, t'es une tanche. Hein. Je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que ça joue quand même. Ça joue, quand t'as tout Préma qui est déjà qui en plus est dédié à toi. Spoiler alerte, hein, depuis l'existence des formules de promotion, dès qu'il y a un pilote qui est en vue, le cercle autour de ce pilote fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ce pilote soit, entre guillemets, avantagé dans l'équipe dans laquelle il est. Le nombre d'histoires, et surtout chez Préma, tiens, comme par hasard, machin a un moteur un petit peu plus boosté qu'un autre. Tiens, machin a un peu plus de problèmes mécaniques que l'autre. Tiens, machin, bizarrement, lui, ses stratégies, elles sont beaucoup plus efficaces que l'autre. Voilà, sans vous parler forcément de complot ou de ci ou de ça, ça a été pour le coup avéré, et ça l'est d'ailleurs, magnifique transition, avéré dans ce livre. Attends, il faut pas... voilà. Alors, je ne sais plus avec qui c'était, mais notamment les très excellents Loïc Schoenvapol et Thomas Volok, le racontent que quand Vettel était en... Formule 3, je ne sais plus laquelle exactement, il y a eu justement des moments où sa voiture était moins performante que la voiture d'un de ses coéquipiers, alors que c'était exactement les mêmes voitures, les mêmes moteurs, les mêmes mécanos qui travaillaient dessus, mais que le gap vitesse était abyssal. On a vu ça il n'y a pas très longtemps avec Schumacher Tiktum, et il y a eu même d'autres cas encore avant. Donc c'est pour le coup, voilà, oui, il avait tout autour de lui pour réussir, mais c'est pas quelque chose d'unique qui fait que une raison, entre guillemets, pour décrédibiliser ce qu'il a fait, parce que pour le coup, il y en a eu tellement d'autres avant qui ont eu le même traitement, plus ou moins le même traitement. Donc. Voilà. Non, mais oui, c'est sûr que si on veut faire un dossier sur toutes les rumeurs qu'il y a eu du passage de Stroll en catégorie promotion, que ce soit ce que tu disais sur les ingénieurs, sur les journées de tests privés aussi, sur ce que Nick Cassidy aurait témoigné sur le fait qu'il avait pas trop le droit de terminer devant son équipier et qu'il sentait qu'il y avait effectivement des avantages techniques en interne. Bon, tu peux en faire un dossier, mais je pense qu'en Formule 1, il a prouvé qu'il était capable d'avoir un rythme, tout ça. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'il y en a qui sont partis pour bien moins que ça. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est évident. Ce qui est important de savoir, et pour clarifier ce qu'on cherche à dire, c'est que tous les pilotes qui passent en Formule 1, globalement, sont tous très bons. Il y a aussi eu Latifi qui est passé ces dernières années, mais globalement, ils sont tous très bons. Maintenant, ce qui va manquer, c'est que tu les mets tous à voiture égale, ils vont se tenir en 3-4 dixièmes grand max. C'est juste que ce qui va manquer, chez certains, ça va être ce petit truc. Il va peut-être réaccélérer plus tard, freiner trop tard ou freiner trop tôt. Ça va être des petits riens. Ça va être une question de finition sur tel ou tel détail et qui vont faire qu'au final, tu auras toujours la même hiérarchie et ce sera toujours les mêmes au fond. Et au bout d'un moment, pour moi, le début de saison s'explique très simplement. C'est qu'en début de saison, il y avait une hiérarchie qui était assez claire. C'était Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Aston Martin avait un excellent rythme de course. Ils géraient très bien leurs pneumatiques. Et forcément, quand tu as des écarts qui sont plus grands, ça joue à l'avantage des pilotes. Ensuite, quand à partir de l'Espagne, ça a commencé un peu à se resserrer avec toutes les améliorations, tu passes... quand tu es à 2/10 de ton équipier et que tu finis une place derrière lui en qualif, ces 2/10 se transforment à 5 places d'écart, 6 places d'écart. Et c'est pareil en course. Et pour moi, c'est ce qui justifie l'écart qui n'a fait que grandir et que d'un côté... Aston Martin doivent être très contents d'avoir un Fernando Alonso dans la voiture parce que justement, par exemple, enfin aux Pays-Bas, il y a très peu de pilotes qui t'auraient sorti la P2 dans l'Aston Martin ce jour-là. Quoi. Très peu de pilotes qui l'auraient fait, c'est parce qu'ils avaient un Alonso dans la voiture, c'est tout. Mmh. Et derrière, Stroll, il n'a pas mis un point. Alors que, il y avait rien pour les différencier maintenant. C'est un petit rappel, j'aime bien. Alors, Schumacher a été viré pour moi. C'est quand même Schumacher... vraiment pas les mêmes situations au sein des équipes. C'est juste que ça me rappelle un peu ce que disait Chira tout à l'heure. C'est tout. Oui, honnêtement, Stroll, moi je trouve que, en fait, je dirais juste, ça ferait un très bon pilote de WEC. Oui, parce que les pilotes là-bas sont pas bons, mais c'est pas. Honnêtement. Honnêtement, je sais même pas. Je pense que c'est vraiment un pilote de sprint, mais de sprint très court. Tu as gagné. Ouais, karting, pour moi, éventuellement de karting. Non, mais pour le coup, dans du tourisme ou dans un truc comme ça, pour moi, ce serait sa place. Après, tu vis pas forcément aussi bien en tourisme que ce que tu peux vivre en WEC ou en. Ou encore moins en Formule 1. Mon royaume pour que la prochaine fois que Michael Duforest va à Indianapolis, ce soit remporté par Lance Stroll. Parce que la dernière fois qu'il y allait, c'était gagné par Marcus Ericsson. Oh, t'imagines le truc. Mais je pense que là, il arrête d'y aller. Je pense que là, il s'exile carrément des États-Unis. Tu vois. Tout ça pour dire que effectivement. Dans notre panel d'experts autoproclamés, il y a une unanimité pour dire que ça ferait pas de mal à Aston Martin d'aller recruter ailleurs. Maintenant, c'est pas comme s'ils avaient personne non plus quoi. C'est sûr que là, les places, elles vont un peu se bousculer. C'est pas non plus une équipe ridicule là, Aston Martin, et qui semble en plus avoir un projet moyen termiste assez bon. Je voyais ressortir Drugovic dans le chat. Pourquoi pas le tenter quitte à avoir un rookie dans l'équipe tous les ans, autant essayer. Autant que ce soit un vrai rookie, quoi. Oui, voilà, autant que ce soit un vrai rookie. Oui, maintenant, Drugovic, moi, je l'ai beaucoup aimé en catégorie, en F2 surtout. Mm. Après, est-ce que je le verrai au niveau? Je sais pas, pour être honnête, mais moi, je pense qu'il a mérité d'avoir une chance. J'aurais rien manqué au niveau transition, mais je pense peut-être à un autre pilote qui a pas de contrat, c'est Yuki Tsunoda éventuellement, mais surtout là je pense à un pilote qui qui nous a tous mis sur le cul, c'est Liam Lawson. Extraordinaire. Oui, le gars finit Q3 à sa troisième course, c'est incroyable. Le mec, première course, il arrive aux essais libres 3, il passe en qualif, il est dernier, c'est pas grave. En course, rien à dire. Mais il s'en sort bien. Rien à dire. C'est le premier pilote de la saison à doubler Verstappen. Oui. Il double Verstappen, il double Leclerc. Et oui, bon, hein, c'était dans des conditions spéciales, mais il est quand même allé faire les manœuvres. Hein, c'est quand même et c'était des belles manœuvres en plus. Et puis ensuite, bah, il bat Tsunoda en qualif deux fois, du coup, si je dis pas de bêtises. Non, il l'a peut-être pas battu la fois d'avant, mais il était pas loin. Là, par contre, il le bat. Et la dernière fois, Monza, il est à une position des points. Hein. Il finit 11e, je crois, ou 12, mais enfin, il n'est pas loin des positions à points. Je crois que c'était 12. Et là, Q3, honnêtement, grandement séduit par Logan Sargeant, Tim. Oui, bah après, alors ça m'étonne pas, oui et non, parce que ça reste quand même le saut en Formule 1, et comme je le répète très souvent, la Formule 1 et les autres catégories de sport auto, ça n'a absolument rien à voir, même la Formule 2 et la Formule 1, il y a un gouffre abyssal, donc il y a forcément une adaptation importante à avoir quand tu arrives en Formule 1. Mais pour le coup, Lawson s'est toujours très bien adapté partout où il est passé. Quand il est arrivé en DTM, sa première saison, il finit deuxième, sachant que il aurait pu, voire même dû être champion si l'évolution sportive et l'application du règlement avait été plus correcte. Le pilote Mercedes, l'avait pas, je ne me souviens plus de son nom, qu'il avait envoyé dans le mur volontairement. Oui, mais c'est pour ça, voilà. S'il y avait eu quelque chose de normal, on va dire, il aurait dû être champion de DTM pour sa première année. Là, il est en Super Formula, il est deuxième, et il est toujours en lice pour le titre. Alors, je ne sais pas, du coup, avec les circonstances de la Formule 1, etc., s'il aura l'opportunité d'aller jouer le titre, ouais, ou si ça fera comme Gasly. Il l'a dit qu'il y aura possibilité, ouais. Bon, mais c'est parfait. C'est parfait, parce que pour le coup, ça évite une situation comme Gasly quand il était arrivé en Formule 1 et qu'il avait du coup manqué la dernière manche pour le titre et qu'il n'avait pas été titré en Super Formula justement à cause de la Formule 1. Bon, après, quand tu rates un titre mais que tu roules en Formule 1 derrière, ça compense, je pense, relativement bien. C'est intéressant de noter que... Il a 8 points de retard sur Miyata en tête du championnat. Et 2 points d'avance sur Nogiri, et ensuite les autres sont à une trentaine de points derrière. Donc il est clairement en lutte pour la dernière course. Et puis l'autre point qui est intéressant à noter avec Liam Lawson, c'est qu'il a gagné toutes les premières courses partout où il est passé. En F2, il est arrivé rookie, il gagne sa première course. En DTM, il arrive, il gagne la première course. En Super Formula, il arrive, il gagne la première course. Donc le gars a quand même une sacrée capacité d'adaptation. Il doit bien l'aider là aussi en F1. Et puis, voilà. Au-delà de ça, c'est un parcours junior très solide qui patinait un petit peu en Formule 2, mais voilà, au final, là où je suis rassuré, c'est qu'en Formule 2, il patinait un peu et que aller voir ailleurs, ça a permis de montrer que le problème n'était pas forcément le pilote, c'était peut-être le contexte de la Formule 2, des plateaux qui depuis quelques années sont vraiment plus ce qu'on a eu l'habitude d'avoir avant. Voilà, le fait est que Liam Lawson a vraiment ce quelque chose et que depuis 3 courses qu'il est là, comme tu le disais Mick, Zandvoort il a une heure avant les séances officielles et il arrive à être loin d'être ridicule. Il fait à Monza un très bon week-end. Bon, après, c'est Monza, c'est, on va dire, facile parce qu'il n'y a quasiment que de la ligne droite. Mais là, il arrive à Singapour sur le circuit le plus physique de l'année, l'un des circuits les plus techniques de l'année. Et il te sort une prestation comme ça qui est absolument magistrale. C'est limite poétique que ce soit lui qui sort Verstappen de Q2, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit symbole. Et pour le coup, je pense honnêtement que... avec cette qualif, il vient d'écrire son nom sur le contrat et que si demain il fait une aussi bonne course qu'il a fait une aussi bonne qualif aujourd'hui, je pense très sérieusement qu'il peut signer un contrat en quittant Singapour. Est-ce qu'il sera annoncé ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Je ne sais pas. Mais vu comment Red Bull a l'habitude de fonctionner sur du coup de cœur et sur des décisions comme ça, Et le fait est qu'il le prouve. Je pense très sérieusement qu'il peut partir de Singapour en sachant son programme de pilotage 2024 et qu'il peut être en Formule 1 l'an prochain. Et ce serait pour le coup totalement mérité. Et je pense que ça peut être qu'une très bonne chose pour AlphaTauri, qui déjà aurait un pilote, déjà un nouveau pilote qui serait qui a un potentiel et qui pourrait peut-être prétendre d'ici 2 ou 3 ans à avoir éventuellement une place chez Red Bull aussi, et c'est ça qui va être important pour Red Bull aussi. Alors, pour répondre à Mylène, je crois qu'il a jamais roulé à Singapour. Hein. Non, il a jamais roulé à Singapour. Généralement, c'est que les F1. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Tsunoda en Q2? Je sais même plus, honnêtement. Il était nul. Voilà. Non, il a pas bouclé son tour. Il a, en fait, premier tour, Verstappen l'a gêné. L'a gêné, ouais. Et la seconde fois, il a bloqué les roues. D'accord. Voilà. C'est petit. Il est rentré direct au stand et il est pas ressorti. Maintenant, je vais dire un truc. C'est un peu pour faire chier le monde, mais je le pense un peu. Est-ce que ils sont pas précipités en foutant Ricardo là-dedans? Parce que je trouve que... Ah, mais après, Ricardo était mis là pour faire de l'intérim, hein, en soi. Pour moi, le truc, c'est l'équipe surtout. Alors oui, en fait... c'est un intérim de luxe, je suis d'accord. Mais théoriquement, il a été mis là parce que De Vries a été foutu dehors et que derrière les pilotes de l'académie et que derrière les pilotes de l'académie sont pas encore assez matures dans leur pilotage pour avoir le niveau Formule 1. Donc Ricciardo, c'est très clairement de l'intérim, hein, qui faisait. C'était de l'intérim, et puis je pense qu'il y avait aussi ce côté de vouloir voir ce que valait vraiment Tsunoda face à quelqu'un qui était un peu plus compétent que De Vries. Et d'ailleurs, j'ai l'impression même que voir la performance de Lawson, ça met encore plus de... Je sais pas quel mot utiliser, mais ça décrédibilise encore plus De Vries, parce que quand on voit ce qu'il fait avec l'AlphaTauri, et par rapport au passage de Nick, c'est un peu triste. Pour revenir sur Ricardo, si quand il revient, il performe et que... il fait une fin de saison très bonne, il peut lui aussi gagner sa place pour 2024, et à ce moment-là, c'est Tsunoda qui va être mis de côté. Oui, bien sûr. Pour le coup, là, à l'heure actuelle, j'aimerais pas être chez Red Bull, chez AlphaTauri, mais parce que tu as 2 volants et 3 pilotes, et il faut que tu fasses un choix, et pour le coup, sur les 3, il n'y a pas forcément un choix qui est déconnant par rapport à un autre. Ouais, les 3 choix sont crédibles, en fait. Voilà, les 3 sont crédibles, les 3 ont leurs points positifs, leurs points négatifs. Même si, voilà, je reste sur mon idée, et surtout avec le père Marco derrière, que si Lawson termine son week-end aussi bien qu'il l'a commencé et que son bilan de Singapour est excellent, Marco va tout faire... Enfin, en tout cas, va largement conseiller AlphaTauri en disant « Voilà, il y a lui l'an prochain. » Et dans ce cas-là, il y aura combat entre Ricciardo et Tsunoda pour savoir qui aura le deuxième baquet. Mais ça peut très bien être Ricciardo-Tsunoda, ça peut très bien être Lawson-Ricciardo, Lawson-Tsunoda. Donc, voilà. Oh, à ce stade-là, tout est possible. Hein, mais au moins, ce qui est au moins intéressant, c'est que imaginons que même si Lawson n'a pas le baquet pour l'année prochaine, si, parce qu'il aura encore, je crois, jusqu'au Qatar, parce que Ricardo va sauter le Qatar, ils avaient dit. Donc, ça devrait quand même. S'il continue sur cette lancée-là, même s'il n'a pas le baquet pour 2024, je pense que pour 2025, il est quasiment assuré d'avoir sa place. Donc, pour. Il y a Isaac Hadjar qui est derrière aussi. J'ai tendance à penser que chez AlphaTauri, Ricardo devrait rester parce qu'encore une fois, il y a la volonté de vendre le nom à des grosses marques. Là, on parle notamment d'une marque de vêtements potentiellement, mais bon, rien n'est fait. En tout cas, commercialement, Ricardo, c'est un pilote qui fera vendre l'équipe très cher pour 2024. Maintenant, si AlphaTauri conserve Tsunoda, je disais plutôt dans le chat que Red Bull ne laissera pas partir Lawson. Je le conçois, mais rien n'empêche de faire un prêt, comme ils l'ont fait pour Albon, par exemple, justement, pour continuer à le garder, tout en le faisant rouler, acquérir de l'expérience, pour le préparer. Je pense que c'est tout à fait faisable. Par exemple, justement, Aston Martin, ce serait un très gros coup pour, je pense, et pour Red Bull de placer un pilote comme Lawson dans une équipe qui est performante. Et en plus, pour Aston Martin, d'aller shipper un pilote qui a du potentiel, qui a un peu d'expérience, et de le foutre dans sa bagnole en attendant de dénicher sa perle rare pour être le futur Alonso. En partant du principe qu'ils veulent se débarrasser de Stroll. Shira, tu voulais dire quelque chose ? Ah non, je voulais juste dire que bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Ricardo d'ailleurs. Il avait commencé chez HRT et ensuite il est passé chez Toro Rosso. Et quand bien même après, si libère Tsunoda, je pense que Tsunoda, il peut avoir des options encore une fois chez Aston. Oh putain, transition ! Williams. Puisque, étrangement, l'ex-coéquipier de Liam Lawson, Logan Sargeant, ne s'en sort pas aussi bien pour ses débuts en Formule 1. Je pense que quand on met en parallèle les deux, encore une fois, ils sont coéquipiers l'an dernier, Carlin, non, c'était pas Carlin, c'est... je ne sais plus où ils étaient. Si, mais... c'est Carlin, non Si. Ouais, c'est Karine, Avant ça, il faut quand même qu'on affiche le message de Ludo, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, oui, vas-y. Merci Ludo incroyable. Pour les 5$ canadiens que je vais tenter de lire sans insulter toute une nation. Salut les gars, je regarde la qualif et Stroll, sacrement hostie d'incompétence de marde. moi, j'ai eu l'accent dans ma tête. Hein, quand je l'ai lu, j'ai eu l'accent. Bon, ben merci pour ces 5$ canadiens qui seront reversés directement au mémorial Lance Stroll. C'est pas vrai, ils vont directement dans la poche de Formule Blabla. Ils vont dans le tas de farine. Carline Motte, ouais, c'était bien Carline. Et c'était chez Hightech qu'il était avant, c'est pour ça que j'avais un doute. Ok, donc oui, Sargeant, pour sa première saison, il a fait qu'une saison de F2. Il finit juste un point derrière Lawson, ou un point devant, je ne sais plus dans quel ordre ils ont fini. Mais concrètement, il a fait, sur une saison de Formule 2, il a fait jeu égal avec Lawson. Et là, ça déboule en Formule 1. Après, on met en avant le fait que Lawson avait beaucoup plus d'expérience que Sargeant. Et là, on arrive en Formule 1. Bah, est-ce que c'est l'expérience ? Est-ce que c'est la pression ? Ou est-ce que c'est juste... une révélation des talents. Je laisse la parole à notre expert Junior dans notre émission. Tim, bonne question. Merci Tim, c'était Junior avec Tim. Transition. Non, honnêtement, je saurais pas dire... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pose la question à Tony, pose la question à Strigoun et peut-être que je rebondirai sur leurs arguments. Transition. Oh, trop bien. Putain, j'étais en train d'allumer VoiceMod justement, moi aussi. Ah, mais oui. Ah, oui, t'étais pas là. Oui, effectivement, on a une nouvelle, un nouveau jingle transition. Oh, trop bien. Attends, il est où dans la vidéo? Ouais, un seul tout dernier. Effectivement, la situation de Logan Sargeant se complique quand on voit que bah, y a un rookie comme Lawson qui déboule et qui satisfait à peu près tous les observateurs. On est sur une grosse dose d'insuffisance de sa part, hein, globalement, à Sargeant. Moi, j'ai clairement envie, pour moi, il fait partie de ces pilotes à qui faut laisser une deuxième ou une troisième saison. Maintenant, je comprendrais que Williams veuille s'en séparer. Bah, pourtant, ça, je ne saurais. Ce sera un peu étonnant parce qu'il y a James Wolff lui-même qui avait dit que Williams est parfaitement au courant qu'ils ont rushé Sargeant parce qu'il fallait remplacer Latifi à tout prix. Et que normalement, il devrait avoir une seconde saison. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est sous-entendu. qu'en tout cas, il voulait laisser à Sargeant une seconde saison parce qu'ils avaient conscience qu'actuellement, on ne pouvait pas lui en demander trop parce qu'eux-mêmes ont fait l'erreur de l'avoir mis en F1 trop tôt. Il l'a dit lui-même. Donc, ce serait assez étonnant, étonnant qu'après avoir dit ça, il le dégage. Donc, on ne sait pas. Mais... C'est ce qu'on s'est plus ou moins dit aussi. Pardon, Tim, que McLaren vire Ricardo après avoir dit qu'ils allaient le garder. Pardon, excuse-moi, Tim, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est comme disait Shira, même nous, on l'a remarqué quand il est arrivé en Formule 1, on s'est dit, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt. Et je comme toi, Mick, je pense qu'il lui faut au moins une deuxième saison pour voir... en fait, juste voir si cette année, les Dancy qui proposent, les prestations de Dancy qui proposent, si c'est parce que juste il est comme ça, et ça fera un stroll, et sur 10 ans, il fera du bon, du moins bon, du bon, du moins bon, et c'est pas rentable pour une équipe. Ou si c'est tout simplement sa période d'apprentissage et qu'il va s'améliorer et qu'à la fin, il va être meilleur. Et en un an, tu peux difficilement voir ça. Alors forcément, les ingénieurs, les équipes ont de la data, on le travaille directement avec lui pour savoir si... c'est tout con, mais s'il est motivé, comment il comprend les data, comment il peut travailler avec les ingénieurs, ce qu'il peut proposer ou pas, etc. etc. Mais dans le pilotage pur, je ne pense pas que tu puisses voir en un an comment un pilote va évoluer en Formule 1. Et c'est, je pense, pertinent d'avoir au moins ces 2 ans pour avoir tout simplement une comparaison. En fait, c'est ce qu'on a voulu avoir dans la même équipe, enfin, pas la même équipe du tout, chez AlphaTauri avec Tsunoda, où la première année, il faisait connerie sur connerie, mais d'un autre côté, c'était pas mauvais. Bon, là, c'est la deuxième année, il a fait connerie sur connerie, et c'était pas mauvais d'un autre côté, donc on s'est dit, bon, on va le laisser une troisième année. Et là, la troisième année fait que, bon, ok, il y a du mieux, il y a de la progression. Alors... là ça s'est étalé sur 3 ans, ça vaut le coup, je pense, avec Sargent de tenter le coup sur 2 ans. Et puis même au-delà de ça, il y a un capital commercial, parce que c'est un pilote américain dans une équipe qui a elle-même un capital majoritairement américain, avec le développement de courses aux États-Unis, etc. Je pense que c'est une bonne chose de le garder un an de plus, en attendant que les pilotes de la filière Williams se développe suffisamment pour avoir le niveau Formule 1. Et puis un truc que je remarque avec Sargent, c'est que quand la Williams marchait, il était plus ou moins là. Hein. Bon, après, il a enchaîné. Par exemple, la course, c'était Monza, où il passe en Q3. Bah, bon, après, il se plante, mais. La course où il était crashé, c'était la voiture qui était défectueuse. Oui, Williams c'est ça, avait. Zandvoort, c'était un problème hydraulique. Ok, voilà, c'est ça, il y avait un problème sur la... C'était un problème sur la voiture, mais moi, en tout cas, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que quand la voiture marche, il est là. Maintenant, après, évidemment, c'est un rookie, ça peut pas être parfait, mais ce serait effectivement intéressant de voir l'année prochaine ce que ça donnerait. Si c'est pareil, bon, bah là, il y aura pas d'excuses, mais s'il y a une progression, bah, ça peut être intéressant de voir. Bon, on va pas tarder à revenir sur vos questions, mais on va quand même... conclure avec l'annonce de ce week-end qui est du côté de Alfa Romeo Sauber, qui deviendra juste Sauber l'an prochain. C'est la prolongation de Zhou Guanyu aux côtés de Bottas l'année prochaine. Est-ce qu'on est sur un choix par défaut dans l'écurie, ou alors est-ce qu'au contraire on essaie de construire un peu quelque chose? Non. Voilà, j'étais sur un scepticisme sur cette option parce que... C'est du choix par défaut. Est-ce que tu as vu l'article qui est sorti dans la presse suisse? Non. En gros, je crois que c'était hier ou ce matin, je ne sais plus exactement, mais il y a un quotidien suisse très sérieux qui a fait justement qui avait sorti un article qu'en gros, à la base, il voulait dégager Bottas, mais le fait que son contrat aurait coûté trop cher de le résilier, et que il voulait également choper Hülkenberg. Sauf que Steiner a dit non. Steiner n'a pas voulu. Donc c'est pour ça que du coup, ils ont fait, bon, bah, dans ce cas-là, on garde le line-up. Et, tu me retrouves le nom Attends, je vais te retrouver ça tout de suite. Je pense que du coup, ça sera en allemand, mais attends. J'ai vu passer ça aussi, oui, le coup d'Hülkenberg, ouais. Et que pareil pour Zhou, au final, il y avait eu des rumeurs, à ce qui paraît qu'il y avait des défauts de paiement, mais ça n'a jamais été confirmé, donc des rumeurs, hein. Mais qu'au final, pour Zhou, ils ont voulu garder la stabilité, mais que de ce qu'on dit la presse suisse, Sauber voulait se séparer de Bottas, mais qu'au final, le contrat faisait que ça aurait été compliqué. Et j'imagine également que, en vrai, je pense que là, pour le coup, Alfa Romeo ne sera plus Alfa Romeo à partir de l'année prochaine. et que en réalité Sauber et Audi qui prend du capital d'année en année, parce que c'est ce qu'ils font, hein, ils prennent des parts dans l'équipe tous les ans. Là, ils avaient déjà pris des premières parts maintenant, ils vont augmenter l'année prochaine, et jusqu'à 2025, jusqu'à 2026, pour avoir ensuite le contrôle total. J'imagine qu'ils sont en train de tabler sur la silly saison absolument folle de 2024, pour justement, là, commencer à faire leur course, en fait, et vraiment commencer la transition Audi, parce que 2024, il y a beaucoup de pilotes qui sont en fin de contrat. C'est Audi qui arrive, donc c'est une écurie constructeur, ça sera des gros moyens qui seront engagés. Donc un pilote comme Norris, comme un Sainz, qui peuvent être tentés par être le centre d'un nouveau projet, bah je pense que c'est ça que Audi du coup essaye de faire. Donc ils sont dit que là, bon, 2024, on va pas trop essayer de changer quoi que ce soit, et ensuite l'année prochaine, que là, ça pourra être le moment où on fera les courses, quoi. Et effectivement. Alors, je suis vraiment surpris pour le coup parce que j'avais pas lu ça, mais effectivement, de très loin, hein, encore une fois, moi je regarde ma télé, c'est très très loin, et j'essaye hein, bien sûr de regarder le plus près possible tout ce qui se passe dans la voiture, tout ça, mais bon, encore une fois, on regarde tout ça de très très très très loin, mais... Joe, j'ai pas de problème à ce qu'il continue en soi, considérant qu'il y a un aspect marketing, des raisons politiques, et qu'en soi, le pilote n'est pas non plus catastrophiquement mauvais, il fait des choses correctes, tout le monde loue son éthique de travail, qu'il a eu un travail très positif et qu'il apporte des choses à l'équipe, et que ça l'aide à s'améliorer lui-même, donc ok. Mais... effectivement, Valtteri Bottas. D'accord, Mylène, le truc le plus choquant, c'est qu'il garde Bottas. Voilà, je suis donc pas le seul à le penser. Après, il avait un contrat, donc. Oui, mais comme le disait Chira. Oui, après, c'est les contrats sont faits pour être cassés, rachetés, tout ce que tu veux. Mais en soi, il a un contrat qui. Alors, je crois que c'est une année en option, là, du coup, 2000. Enfin, c'était l'année en option initialement dans son contrat, ouais. Je crois. 2024. Ouais, c'est l'année en option, ouais. Donc, en gros, là, c'est sa dernière. C'est sa dernière année sur l'option, après. Mais le fait est que bah, c'était quand même dans son contrat et c'est juste le respect du contrat jusqu'au bout. Donc, ça aurait été plus choquant s'ils avaient reconduit Bottas en disant « Ok, il arrive à la fin de son contrat, on lui en refait un nouveau ». Là, ça aurait été plus problématique peut-être, ou en tout cas plus questionnable sur le pourquoi du comment. Là, c'est juste qu'ils vont au bout du contrat, quoi. Oui. Bon, en soi, mais encore une fois, un peu comme Ricardo, tu te dis bon, si le truc marche pas et si on a les moyens, on casse. Après, effectivement, si ça coûte cher à casser, ça coûte cher à casser. Mais pour moi, c'est un nouveau signe inquiétant d'apprendre que même chez Sauber, on n'est pas convaincu par le boulot de Bottas. Et que moi, de mon côté, je ne sois pas convaincu, bon, c'est effectivement une chose, mais d'apprendre que l'équipe n'aurait pas été convaincue non plus, c'est encore plus inquiétant pour lui, parce que ça aide pas à renforcer un peu sa crédibilité. Regarde dans le chat privé, j'ai envoyé l'article. Ouais, mais j'ai trouvé la traduction. Ok. Nice. Ah bah super, tu as mis. Mais ouais, ça vient du coup de Blink. Merci à la personne dans le chat qui m'a dit que c'était de Roger Benoît. Voilà. Donc j'ai pu retrouver grâce à ça. J'ai partagé l'article et j'allais. On va aller zioter. Si vous le voulez bien, parce que effectivement, je trouve ça intéressant parce que là, Hülkenberg a été dans l'écurie suisse. Et faut dire que s'il y en a bien qui cette saison a séduit, c'est Hülkenberg, paradoxalement. Alors, Sauber mais Benoît affirme qu'il y a eu de vives discussions et disputes en coulisses depuis des semaines au siège de Sauber à Inwil. Il y avait même des voix qui voulaient remplacer les deux pilotes. Le duo est devenu trop harmonieux, s'entendant si bien, se louant et disant toujours la même chose. Et c'est du poison quand une F1 n'avance pas aussi vite que prévu. Ah, c'est intéressant, d'accord. Benoît affirme que Sauber avait contacté Hülkenberg, mais malheureusement, le patron de Haas a activé son option pour 2024 sur l'allemand. De plus, mettre fin, d'accord, aurait coûté trop cher. Et c'est intéressant, ouais, effectivement, ce côté d'avoir un duo qui est très harmonieux et qui dit toujours la même chose, mais qu'à côté, la voiture n'avance pas. Et effectivement, c'est Bottas, Joe, depuis que les deux sont là, il semble effectivement y avoir une très bonne harmonie. L'un qui essaye de donner toute l'expérience qu'il a aux jeunes, le jeune qui donne son maximum pour apprendre sans orgueil derrière. C'est une éthique de travail très positive. Mais derrière, ça résulte en rien de positif pour l'équipe, hein, on le voit. Enfin, il galère à marquer un petit point par-ci, par-là. Alors, il gravite autour des points, mais quand tu vois que Williams, qui a débuté la saison avec la voiture la moins compétitive, et que là, si je ne dis pas de bêtises, au championnat, ils sont devant. Hein, est-ce qu'ils sont devant ? Williams, ils sont devant Alfa Romeo ou Williams, oui. Voilà, avec de un seul pilote. 21 points, Williams. Alfa Romeo, 10. Avec un seul pilote, c'est quand même... C'est quand même... Bon, après, il y a aussi le côté opérationnel, hein, je pense, qui aide pas, parce que chez Williams, c'est clairement ce qui les a sauvés. Hein. C'est de très bonnes stratégies, une excellente exécution par Albon. Puis chez Alfa Romeo, j'ai l'impression que le fait qu'on arrive sur une période de transition, je ne sais pas si les moyens aussi engagés sont vraiment conséquents. Parce qu'ils parlent des pilotes, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils font quelque chose? Ça, j'en douterais. Oui, c'est un tout. On le voit, enfin encore une fois, je prends l'exemple de Williams, qui depuis des années est une équipe de fond gris. Quand tu avais Russell et ensuite Albon, et ben étrangement, tu avais des résultats de temps en temps. Quoi. Oui, mais t'as le pilote, mais t'as aussi le fait que l'équipe évolue et dans une certaine direction. Williams, c'était des problèmes d'argent qui ne sont plus là, parce que maintenant, il y a des fonds qui rentrent. Il y avait aussi des problèmes de gestion. Claire Williams et sa gestion à ses mains de fer. Maintenant, on est passé d'abord par Capito, puis ensuite dans James Wolff qui font du bon boulot là-dessus. Enfin, il y a tout ce côté les problèmes qu'ont eu récemment Williams ne sont plus là. Donc maintenant, c'est reprendre petit à petit, comme ils sont en train de le faire depuis 2021, une place plus respectable. Chez Alfa Romeo, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui est fait. Et Alfa Romeo, justement, le naming s'en va. Là, on est en train de rentrer sur toute une nouvelle transition avec Audi qui est en train de prendre l'équipe. Donc, j'ai quand même pas l'impression que là, pour le moment, ils n'investissent pas maintenant pour vraiment mettre les efforts sur ce qui est important, c'est-à-dire concevoir le nouveau moteur pour 2026, la voiture de 2026, et que les efforts sont là, et que pour le moment, 2024, 2025, en plus, il n'y aura pas encore officiellement Audi, c'est juste Sauber. Donc, est-ce que financièrement, déjà aussi, ils ont les moyens de faire quelque chose de conséquent? C'est même pas garanti. Donc, leur situation est assez particulière, je trouve. Ils sont dans une grosse transition jusqu'à 2-3 ans, à la différence de Williams, qui est en train de reprendre petit à petit son galon dès maintenant. Donc, je trouve les situations assez différentes à comparer. Et bien évidemment, tout le monde en parle dans le chat. Donc, on va parler du futur double vice-champion du monde de Formule 2, Théo Pourchaire. moi je suis désolé, mais moi je suis à sa place, je fais tout pour donner le titre à Mince. Oh, que c'est mauvais. Vesti, c'est Vesti. Oui, Vesti, oui. Exact. Merci, oui. Shira. Heureusement qu'on a l'expert junior qui est là, merci Shira. Je l'ai sorti en premier, mais oui. Frédéric Vesti, je fais tout pour lui donner le titre. Non, mais voilà. Pourchaire, hein, qui s'engage bien pour gagner le titre actuellement, en sortant de Monza, il a une avance assez confortable. Quasi 30 points, ouais. Donc voilà, hein, Vesti, il faut vraiment qu'il se sorte les doigts pour ne serait-ce que combler l'écart. Et Pourchaire peut s'assurer d'avoir des points moyens pour prendre le titre. Mais bon. Quelques citations de Aluni Bravi de chez Sauber qui parlait de Pourchaire justement, qui disait il faut étudier quel est le meilleur programme pour lui puisque l'an prochain on va essayer de le placer quelque part bien évidemment. On veut qu'il reste proche de l'équipe de Formule 1 car cette année nous lui avons demandé de se focaliser complètement sur la F2 et il se débrouille bien. Malheureusement, ce qu'il souligne, c'est que contrairement à d'autres équipes, bah, Alfa Romeo Sauber n'a pas d'ancienne monoplace à lui mettre à disposition pour faire des essais privés, comme Aston Martin l'a fait pour Drugovic, comme McLaren le fait pour ses 53 pilotes en IndyCar et ailleurs. Donc, c'est une difficulté. Niveau budget, ils sont un peu plus limités, évidemment, que ces équipes pour lui trouver un autre programme. Mais, à première vue, les premières déclarations démontrent que chez Sauber, on a l'intention de le conserver pour l'an prochain, déjà en tant que toujours pilote d'essai, et en plus d'essayer de lui trouver un programme quelque part pour... voilà. J'ai juste une réaction justement qui était passée pendant qu'on parlait de Alfa Romeo et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'avait dit Mylène. Faut encore attendre un petit peu pour voir le pour cher encore pilote numéro 3, faudra attendre pour voir Intermarché en F1. On y croit. Ça donne envie en vrai. on veut Leclerc et Intermarché en F1. Ah oh, ouais. Pour peu qu'il y en ait un qui se ramène avec Cora. Non, le mieux serait que Pourchaire déboule chez Ferrari, que Ferrari soit sponsorisé par Intermarché et que tu aies un Leclerc sponsorisé par Intermarché. Et qu'il se crache à un carrefour. Ah putain. Ou sinon qu'il atterrisse dans un champ, c'est ça? Oui, au champ, ouais. Allez, humour... Où sont passées les anciennes Sauber demande Josué dans le chat. Alors, je pense que c'est plus une manière de parler pour dire qu'ils n'ont pas de vieilles voitures qui peuvent faire rouler comme ils veulent. Quoi. Parce que derrière, ça demande des thunes de faire rouler une bagnole. Les quelques fois où Alfa Romeo avait fait rouler bah, pour cher, justement, oh, ils vont renommer Spa-Franck Auchan. Très, très bien joué. Quand bah, Pourchaire avait eu des tests cette année, je crois, ou l'année d'avant, c'est parce que derrière, il y avait... Ça y est, Chira, il l'a eu avant que je le dise. C'est parce qu'il y avait Raghunathan qui a roulé le même jour, et tu devines lequel des deux a financé le test. Oui, comme par hasard. Oui. C'était pareil, avec Calderon, si je ne dis pas de bêtises, qui... Il n'a pas partagé une journée test avec Calderon pour cher. Je sais plus. D'ailleurs, Avir avait fait, je crois, deux tests avec Alfa Romeo en plus. Hein. C'était pas un seul. Ah, il y a bien moyen, ouais. Donc, voilà. C'est juste pour dire ça, quoi. Petit aparté, Tim, est-ce que tu sais d'où vient la fortune de ce mec? Parce que comment il fait pour se payer des tests Raghunathan? Ouais. Aucune idée. Il est riche, hein, j'imagine. Maëver, Raghunathan. Ravir. Leclerc, Intermarché, Herta, il y a un truc. Lidl, Aldi. Non, mais Colton, Herta. Oh, une Formule 1 Lidl. Ah ouais, je veux voir Leclerc sponsorisé par Intermarché. Jouer le titre contre Colton Herta, sponsorisé par Lidl, par exemple. Ce genre de multiverse. Mais ce serait génial. Qu'est-ce qu'on rigolerait aussi, putain. On s'amuse comme on peut, hein, les gars. Tu me dirais, il y a déjà les baskets, il y a déjà le short de bain Lidl, il y a la serviette Lidl. Moi, je dis la Formule 1 Lidl. Go. Et encore une fois, n'oubliez pas les claquettes Lidl. Oui, absolument. Absolument. Et comme on avait discuté l'autre fois avec Gazou, il y avait aussi l'équipe de cyclistes Lidl. Attends, quoi? Oui, vraiment, ouais. Au Tour de France, ils y étaient. Ouais. Tu tapes Lidl Tour de France sur Google, tu verras. C'est... Bon. La F1, oui. Oh, joli. Attends. Là, je suis obligé de la mettre au stream. Ok, vas-y. Lidl. Lucal Di Grazzi avec duo avec Leclerc. Ouais. En duo avec Leclerc. T'inquiète pas, Mylène, on sortira tes jeux de mots à l'occasion. Elle m'a préparé plein de super montages. J'attends juste qu'on ait un peu plus de monde pour les sortir. Déjà, je n'étais pas sûr que Strig et Shira soient là parce que l'un était malade et l'autre pas très très sûr. D'ailleurs, ça va, Strigoun ? Mieux, ouais. Je ferme ma gueule, quoi, disons. Voilà. Tu coupes le micro quand il faut. Oui, genre... Voilà. Voilà. Bon, quand vous voyez Vettel passer sur sa caméra, vous savez ce qui se passe. Bah, c'est juste que je suis en mode à l'aide. Oui, non, c'est pas parce que je suis aux toilettes. Hein, c'est rien à voir. Bon. On a fait le petit tour. On va passer à vos questions dans quelques instants. Je fais un appel de Mylène. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Viendez tous pendant les lives. Il n'y a jamais ma rubrique. Sinon. si quelqu'un a ajouté quelque chose à dire sur... Au pourcher, ses plans, le désespoir. Moi, je veux juste, juste répondre à pas mal de gens dans le chat qui disaient que ça aurait dû ou qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre pourcher, etc. Plusieurs choses à nuancer, c'est que pourcher est de la Sauber Academy et pas de Alfa Romeo Academy. Et jusqu'à présent, Alfa Romeo étant... même si c'est juste un autocollant qui est mis sur la bagnole, il y a de l'argent qui est investi et donc ils sont décisionnaires. Le fait est que il était aussi très soutenu par Vasseur n'est plus là et que oui il va très certainement être champion, oui il fait une saison très très solide, même s'il a fait des erreurs, mais bon voilà, il est encore jeune en soi, donc on peut le lui pardonner. Mais comme je le vois passer dans le chat, il n'a pas été étincelant. Il fait des bons résultats, mais ce n'est pas des résultats qui tapent aux yeux où tu te dis « Waouh, il faut absolument qu'on le fasse monter ». D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas gagné de course principale depuis Bahreïn. Hein, il a gagné qu'une seule course cette saison. Oui, il a gagné qu'une course cette saison. Donc, c'est, ouais. Alors, c'est très bien parce qu'au moins, ça montre qu'il est régulier et qu'il construit son championnat sur la longueur. Avec une seule victoire, c'est quand même. Oui, vrai. Donc après, il y a aussi ça. Je pense que c'est ça qui est parti avec Pourcher, c'est aussi le fait que c'est sa troisième saison. Donc je pense que les observateurs qui prennent les décisions prennent également ça en compte. Ouais, et puis ouais, c'est pas aussi étincelant que ce que ça aurait, enfin ce qu'ils auraient voulu peut-être que ce soit. Et puis le fait est que je pense que dès le départ, en fait, Alfa Romeo ne croyait peut-être pas tant en fait en le projet Pourcher, et que c'était vraiment plus quelque chose de Sauber et surtout de Vasseur, et que quand il y a eu Vasseur qui a quitté le navire, et ben Pourcher s'est un peu retrouvé dans l'académie là comme ça. Quand on voit comment est gérée l'académie Sauber, ça me choque pas trop que Pourcher soit victime de cette académie. Et puis d'un autre côté, c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais Pourcher ne cède pas non plus parce que il refuse de devenir officiellement pilote professionnel dans d'autres championnats pour absolument avoir accès à la Formule 1, là où c'est totalement bouché et où ses chances de réussite, enfin de réussite, quand je parle de réussite, c'est d'accès à la Formule 1, étaient d'entrée de jeu très réduites. Même si là à l'heure actuelle il y aurait aucun débat pour virer Bottas et mettre Pourcher à la place, le fait est que il était Bottas sous contrat, que Pourcher arrive là à sa troisième année et que s'il y a une quatrième année, alors très certainement il y aura pas puisqu'il sera champion, mais s'il venait à y avoir une quatrième année, ce serait un échec cuisant et ce serait un aveu de faiblesse total. Du clan Pourcher, et ça fait énormément de choses cumulées qui font que malheureusement c'est un peu l'équation qui fait mauvais endroit, mauvais moment, avec les mauvaises personnes et qui fait que ça ira pas plus loin en Formule 1, en tout cas du côté de chez Alfa Romeo, je pense, parce que 2024, donc ce sera pas lui. 2025, Audi prend beaucoup plus de parts et aura un mot à dire, je pense, plus que important, notamment pour construire leur projet à partir de 2026. Et que si tu es une équipe comme Audi qui arrive pour gagner, tu ne vas pas mettre un rookie dans ta voiture. Tu vas essayer d'avoir un line-up de deux pilotes, même s'il y en a un jeune, mais de deux pilotes expérimentés qui vont pouvoir accomplir ton objectif de gagner. Parce que je doute qu'Audi prévoit de rester en Formule 1 pendant 20 ans et de gagner à la 20e année. Je pense qu'ils ont envie d'arriver, de gagner, de faire 5, peut-être 10 ans, et puis claquer la porte et dire « Ok, on a fait ce qu'on veut ». Comme ils ont fait partout d'ailleurs, hein, quand ils sont passés n'importe où, ils sont arrivés, ils ont mis les moyens, ils ont gagné, ils ont dit « Ok, c'est bon, on a fait ce qu'on voulait faire ensemble ». Voilà, c'est ça, exactement. Et pour le coup, le projet pour Cher ne rentre pas, je pense, dans le projet Audi. Donc, voir pour Cher en Formule 1 dans cette filière-là, Sauber, Audi, Alfa Romeo, pour moi, c'est mort, c'est bouché, et c'est impossible. C'est pas impossible qu'ils trouvent une option ailleurs, cependant. Même si, à l'heure actuelle, toutes les offres ou tous les pilotes qui gravitent autour de la Formule 1 ne sont absolument pas... Enfin, pour Cher ne rentre pas, je pense, dans ces cases-là pour avoir un baquet dans une autre équipe non plus. C'est juste mauvais endroit, mauvais moment, et il va falloir que lui et surtout toute l'équipe qui l'entoure se résout à se dire bon ben la Formule 1 c'est pas pour maintenant, ça peut arriver plus tard. De Vries est un parfait exemple, mais c'est pas pour maintenant, et ben on va aller voir ailleurs et on va arrêter de faire les idiots à refuser de la Formule I, à refuser de la Super Formula, à éventuellement refuser des discussions avec des teams en WEC, etc. Et on va se pencher sur ces options-là et on va essayer de performer là-bas, de peut-être gagner là-bas. Déjà, d'un côté, pour vivre et devenir pilote professionnel, parce que c'est derrière, je pense, l'objectif quand même de Théo Pourchaire et de n'importe quel pilote. Et surtout, pour potentiellement se réouvrir les portes de la Formule 1 ensuite. Donc, voilà. Alors, j'allais répondre à pas mal de remarques dans le chat, même si visiblement tu as déjà mentionné la Super Formula comme quelque chose de pas intéressant pour lui. Moi, j'allais surtout dire... Ah si, si, ah, si, totalement. Enfin, que de son point de vue. Ah oui, oui. En fait, ça a été avéré qu'il a refusé l'an dernier... un test. Enfin, déjà, une opportunité de rouler chez Nissan en Formule 1. Et oui. Cette année, il a refusé de partir au Japon faire la Super Formula. Enfin, quand je dis il, c'est le clan Pourchaire, que ce soit lui ou son équipe ou l'Académie Sauber aussi, mais qui ont préféré dire on met tout sur la Formule 2. Et le fait est que c'est entre guillemets gagnant parce que il va très certainement être champion et qu'on peut pas dire que c'est une saison ratée s'il a le titre, mais que c'est pas fructueux dans le sens où je pense qu'ils ont fait ça pour éventuellement le garder dans la boucle Formule 1 et essayer de le faire flashy et sexy pour éventuellement avoir ce rôle-là en Formule 1 après, qui au final n'arrive pas parce qu'il n'est pas aussi sexy que ce qu'il aurait, que ce que Sauber voulait qu'il soit en fait. Et du coup, pour aborder la question de même envisager du coup la Super Formula, quand bien même il y a une opportunité, tout ça, faut un budget pour y aller aussi. Même si tu as une équipe qui accepte de te prendre, te payer, tout ça, ça reste aussi déjà premièrement un investissement pour pouvoir y aller, pour pouvoir sécuriser les bases pour pouvoir y aller. Et c'est des choses qu'Alfa Romeo ne prendra certainement pas en charge. Prendra difficilement en charge. Quoi. Alors qu'ils lui ont payé sa saison en Formule 2 cette année. Et c'était exceptionnel, hein, parce que les deux années d'avant, ils n'ont rien financé. C'est juste parce que Pourchaire n'avait plus d'options. Et je pense, avec l'appui de Vasseur derrière, que Stauber a financé sa saison en F2. Quoi. Mais... les financements de Théo Pourchaire sont minuscules à l'échelle de ce qui est suffisant en catégorie de promotion, quoi. Bon. Continuez à laisser vos questions. On va y revenir dans quelques instants. Grâce à votre chat fucker préféré, Strigone, qui prend les questions pour la foire ultra questionnée, qu'on démarre tout de suite avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, fuck-moi. Allez, fuck-moi! La foire ultra questionnée, c'est tes questions et on y répond tout de suite au hashtag fuck. J'ai toujours ça faisait le longtemps. Tableau. J'ai toujours le tableau, moi, du mec qui écoute en podcast. On le salue, hein, évidemment, au passage. Et qui est dans sa bagnole, tu sais, qui l'a mis à fond. Et d'un coup, t'as le « Allez, fuck-moi !» Pendant qu'il zoome la camion sur l'autoroute. Véhicule. Ah, qu'est-ce que vous écoutez, monsieur? Bon, ça, j'ai lu le sub. Attends, je vais me mettre ici, comme ça, je serai plus en face de mon micro. Nutellica qui demande, mais Wolf a dit que ce sera un précédent. Est-ce que ça va venir à 2021 après? On parlait de quoi à ce moment-là? Ah oui, je pour Massa. Oui, Massa. Absolument. Bon, et ben écoute, on verra les résultats de cette action en justice. Non mais j'espère vraiment que ça aboutira pas parce que sinon ça va ouvrir la boîte de Pandore pour bah, 70 ans d'histoire. Il y aura « Ah, mais il s'est passé ça tel jour, donc moi aussi je veux mon titre », et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça sera ouais, le bazar c'est, absolu. C'est exactement, on en a exactement ce que c'était dit, ouais. Et surtout, enfin, que ce soit vu comme quelque chose d'extrêmement spécifique, je l'entends, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne le verront pas comme quelque chose d'extrêmement spécifique, un incident très spécifique. Les gens vont dire « Ah, parce qu'il y a eu un truc contestable cette année, ben on va tout contester ». C'est comme ça que les gens vont le voir. Et oui. C'est pour ça que... voilà. Et c'est comme ça que ça va être appliqué si c'est validé. Hein, voilà. C'est un bordel. De Spi, donner le titre 2008 à Massa, c'est ouvrir une boîte de Pandore incontrôlable. Il ne faut surtout pas que ça arrive pour le bien de c'était tous. C'était qui avait dit, ouais. Oui, bon bah écoute, merci Strigoun de l'avoir noté. Med, encore si ça avait été McLaren qui avait provoqué le crashgate, j'aurais compris, mais là Hamilton n'y est pour rien. Ouais, c'est les déclarations d'Ecclestone. Hein. Bon, ça aussi, c'est à peu près les mêmes remarques. Alors, Fowl qui disait « Personne ne parle qu'un garde-boue remettrait l'eau sur la piste et donc causerait un autre problème vu que la piste galérerait à sécher. Bah, » écoute, bah, de toute façon, l'eau finit toujours par retomber sur la piste. Hein. Encore une fois, on parlait d'un certain Isaac N. un peu plus tôt. Oui, oui, absolument. Il disait un truc du genre « Tout truc en l'air finit par retomber par terre. » À peu près, ouais. Après, c'est un moyen de mnémotechnique. Ça, on va pas commencer à y rentrer trop dans les détails, mais. Ouais, y a un truc comme ça, genre. Ouais, genre, ouais. Si j'avais de l'eau, par exemple, et que je la jetais en l'air, bah, elle me retomberait dessus. C'est physique. C'est comme quand tout corps physique composé de tech pro s'approchant d'un Lance Stroll est automatiquement attiré vers le Lance Stroll. c'est une loi physique. C'est la force gravitationnelle. Strollesque. Strollesque, ouais, voilà. Ça remettrait de la flotte en piste, mais c'est surtout réduire la hauteur des projections. Après, ce serait très drôle que ça fasse Cannonball, tu vois, que genre ça fasse des... non pas des projections, mais que ça envoie des un flux d'eau dans la gueule des pilotes. Non, ou tu sais que derrière les pneus, ça te fasse des traînées de flotte, mais vraiment, tu sais, des mini-rivières là derrière les voitures et que... C'est les trucs comme dans les bateaux. Ils soient obligés de rouler en quinconce à chaque fois pour pas être sur les mêmes traces et pas faire de l'aquaplaning, tu sais. Ouais. Ce serait du Mario Kart à ce stade. C'est trop bien. Ok, ça c'est lu du coup. Alors, Mazakrune qui demande, c'est quoi la Race F1 Kids? Alors, est-ce que c'est pas un truc de la F1 pour les gamins là, pour leur enseigner ce qu'est la F1? Je sais pas du tout. Si. C'est un broadcast pour les gamins. C'est le broadcast de la... Broadcast avec, avec Overlay et tout ça, ouais, de la Sky pour... même de la F1. C'est la Fox ? Super Sport en Pan-Africa, Bein Sport Pan-Asia, Fox Sport en Australie, Bell au Canada. Écoute, je sais pas ce que c'est, mais dis-toi que c'est pas pour toi. En gros, c'est Sky en Angleterre. C'est un overlay pour les gamins, en fait, si on veut aller par là. Alors, c'est une manière de leur expliquer un peu plus ou moins le... Pas que, parce qu'il y a aussi des mini-animateurs. T'as une petite équipe de, je crois qu'ils sont 4 ou 5 gosses. Et, Alors attention, et ils font des petites interviews, ils se baladent dans le paddock, ils font quelques interventions comme ça et tout. Et vrai, j'avais vu passer des extraits de la Hongrie. Et alors si ce n'est l'overlay qui pour le coup est vraiment... vise vraiment les enfants en fait, c'est vraiment, ça te met des gros trucs avec les personnages, c'est des dessins tout lisses, tout ronds, mais pour le coup le fait d'avoir les enfants dans le paddock, il y a certains trucs qui sont relativement cool, il y a certaines questions qui sont, alors entre guillemets, très bêtes, mais qui sont très primaires en fait pour des trucs tout cons de pourquoi on s'arrête au stand, pourquoi on change de pneu, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est du propre chef des enfants ou si c'est poussé derrière par une équipe de prod ou quoi, mais des enfants qui vont poser des fois des questions très sérieuses aussi aux pilotes, aux membres des équipes, etc. Et c'est, ça peut être très intéressant. Et je vois Quentin dans le chat qui en parle. Il n'y avait pas eu un drama avec Rosberg en Hongrie. Si, il y a eu un petit qui a appelé Nico Rosberg Britney. Et, et Nico Rosberg qui lui a dit c'est pas très réglo et tout. Enfin, c'est pas très respectueux, évite et tout. Ouais, et le gosse lui a dit ok, pardon Britney. Ouais, mais il l'avait bien mis à sa place, Rosberg. Oui. J'ai bien aimé. Genre, mais attends, ok, machin, mais je suis pas ton pote, mon boîte. Je suis pas ton pote, mon gars. Je suis pas ton gars, mon mec. voilà, j'allais dire, attention, je vais vous montrer la vision d'horreur. Moi, j'en ai des cauchemars. C'est... Après, non, voilà, moi, c'est... les visions... Alors je sais, que c'est la norme de... Non, mais mec, c'est juste la norme des dessins dégueulasses de nos jours, je suis désolé. Oui, call me a boomer if you want, hein, mais... C'est dégueulasse. Botox, je trouve sympa. Bah, disons que les Toons McLaren. Là, voilà, moi j'allais montrer ça. Voilà. Ça, il y a des bons, il y a des super cara design. Ça, c'est des bons cara design. Les personnages sont dynamiques, ils sont drôles. Tu vois, enfin, la tronche de Button est à mourir de rire, quoi. La tronche des mécanos aussi. Les mécanos, ils sont super drôles. Ils sont tous pareils. Super drôle, les mécaniciens, la tronche de l'ingénieur à la James Bond, enfin, c'était génial ces trucs, Toons. Donc, c'est vraiment très regrettable que cette série soit arrêtée, mais voilà. C'était qui déjà le gamin là, je sais même plus. Je sais plus honnêtement. Je sais plus. C'est pas de Direst. Non, c'est pas de Direst. On dirait De Vries. Non, pas De Vries. C'est De Vries. Oui, c'est De Vries. C'est De Vries. C'est Nick De Vries. Ah, De Vries. Regarde. Et il l'appelle Nick dans le truc. Et le casque. Ouais, ah, j'ai pas vu le casque. Mais oui, tu vois, il l'emmène. Il y a une taille minimum et tout. Donc, c'est bien De Vries. Non, mais voilà, ça, c'était formidable. Et puis... voilà, tu reconnais les personnages en voyant leur gueule, tu vois. Helm, Hunt, Loda, direct, tu vois. Alors que honnêtement, ce genre de cara design, si t'as pas la combi, tu reconnais pas. Enfin, par Bottas, mais là où ce qu'on est. Bottas, tu vois, regarde en plus, c'est le mulet et la moustache, quoi. Enfin... Mais là, je suis désolé. Si Hülkenberg avait la barbe, tu le différencierais pas d'Hülkenberg, quoi. Ah non. Et là, pareil, en haut. t'as pas la combi, tu peux pas savoir qui c'est, quoi. Tu peux faire une liste, ça peut être Sainz, ça peut Leclerc. Être s'il n'était pas là, ça peut être Leclerc, enfin voilà. C'est... Mm-hmm. Mais bon, là, c'est... je suis désolé, hein, c'est mon côté un peu trop artiste. Bah, tu vois, la première, il y en a plein qui demandent c'est qui en haut. Voilà, bah, c'est Magnussen, non, Albon, Perez, hein Alonso et Bottas. Voilà. Bah, Sainz, là, on sait pas. Bon, on sait pas. Bah, ça peut être Sainz, ça peut être De Vries, ça peut être Leclerc. Voilà. Tu détectes un peu de rouge de combi, tu vois, mais c'est tout. Parce que il y a zéro inspiration. Alors mais il y avait un visu, je crois qu'il y avait moyen de trouver des visus. Regarde la tronche de Coulthard. T'as pas besoin de voir son nom, tu sais que c'est Coulthard. Tu sais que c'est Coulthard. Oh, la tête en carré comme ça. Mais oui, c'est fabuleux. J'ai Hunt derrière, tu vois, Hunt. Fittipaldi, putain, ils t'ont fait un putain de nez, tu vois pas ses yeux, tu vois ses rouflaquettes, c'est Fittipaldi, quoi. Akinen, enfin, voilà. Non, mais tu vois Akinen au fond. Ah oui, Akinen, en plus, c'était un super, super héros par endroit. Je sais pas si tu veux retrouver l'épisode. Ouais, mais de toute façon, voilà. Mais si vous avez pas de mal avec l'anglais, les Toons, c'était vraiment excellent ce qu'ils avaient fait à l'époque, bordel. Voilà, du bon dessin animé. Bref, pardon pour l'énorme digression, mais voilà, comme ça on a répondu à la question et on a appris des trucs. Un retour de Vettel dans les prochaines années, vous y croyez ou pas, et est-ce que ça vous hype? Alors, pour répondre dans l'ordre, bof et non. Est-ce qu'on y croit bof? Est-ce que ça me hype? Non. Un retour d'Alonso à l'époque, j'aurais dit oui, parce que je savais que le mec... Il avait beaucoup trop de trucs encore en caboche. Vettel, on a vu des étincelles de Vettel les dernières années, mais c'était pas le Vettel, quoi. C'est ça. Ah, Vettel, je le verrais plutôt dans un rôle de consultant, dans un rôle dans une équipe, mais pas pilote, quoi. Ouais, j'y crois pas beaucoup. Et honnêtement, je pense que Vettel, il est en train de faire des trucs de son côté avec son Race Without a Trace, ses carburants bio, enfin, mince, ses biocarburants, voilà. Il a l'air d'avoir un vrai projet, il développe des vraies idées. Je pense que c'est là que Vettel va vraiment créer quelque chose d'intéressant. Et ça, pour le coup, ça m'intéresse vraiment parce que c'est le seul, enfin, c'est à son échelle, c'est le seul acteur vraiment qui fait des choses pour. Bah, pallier à tout ce qui est énergie fossile, tous ces trucs, trouver des alternatives. En sortant plus des vieilles voitures, genre la Williams à Silverstone, en disant, bah, regardez, même ces bagnoles-là, qui pourtant ont de l'âge, on arrive à les faire rouler à l'éthanol ou en tout cas avec des... Mais même l'Aston Martin de 1920, je ne sais pas quoi, il l'avait fait rouler avec ce biocarburant quand il avait roulé avec... Oui. Et là, au NURB, c'est pareil. Avec Red Bull, il a fait la promo de son biocarburant, quoi. Non, mais c'est un mec qui est vraiment impliqué dans le truc et tu dans le délire. Et même aussi, par exemple, pas que pour ça, tu vois, je me souviens quand ils avaient fait le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite, qu'il avait été faire un karting avec toutes les pilotes saoudiennes, enfin plusieurs pilotes saoudiennes, ils avaient fait un karting ensemble et tout pour promouvoir. Des pilotes féminines dans ces pays où c'est pas évident pour les femmes de s'imposer. Ben, du coup, il avait été faire un karting avec elles, il leur avait discuté. J'imagine qu'il avait dû les épauler pour telle ou telle chose. Ouais. Mais c'est un mec qui est impliqué, quoi. Quand il fait un truc, il le fait, quoi, vraiment. Mais c'est une leçon pour tous ceux qui veulent s'investir dans n'importe quelle cause. Les actions parlent toujours plus que les mots. Et que les tweets, voilà. Absolument. Oui. Si tu veux faire un truc, alors faut en parler forcément, mais montrer que tu agis plus que tu ne parles, c'est toujours plus efficace et c'est très, enfin ça aide beaucoup. Et puis je dois avouer que Vettel qui se met aux réseaux sociaux après avoir terminé sa carrière et qui montre des trucs, enfin, je sais pas si vous suivez un peu, mais il publie plein de photos un peu de sa jeunesse, de sa carrière, tout ça, c'est super intéressant. Et pour rester avec Red Bull, Rally 50 qui demande comment serait la F1 si Red Bull n'était jamais venu, et surtout sans la Red Bull Academy. Bah, tu rajoutes des titres à Mercedes. des gars qui seraient arrivés en F1. C'est vrai, en vrai, je me dis dans un certain sens, ils ont été quand même vachement visionnaires, Red Bull, dans la façon d'amener la. Ils avaient 20 ans d'avance. Par exemple, quand je regarde, quand ils sont arrivés, tout ce côté très commercial, essayer de rendre ça plus jeune et moins un sport pour les darons de 45 ans le dimanche, ben, ils ont amené ça très tôt. Hein. Quand ils ont débarqué avec l'Energy Station, au début, tout le monde disait, mais c'est quoi ce délire? Maintenant, tout le monde a des motorhomes. Enfin, les gars avaient ça en 2006. Et aussi ce côté également donner de la chance aux jeunes, parce qu'avant, quand on regarde le cas de Raikkonen à qui on voulait pas donner une super licence parce qu'on le trouvait trop jeune, Alonso aussi on trouvait ça indécent de le mettre dans une F1 à son âge, et que à cette époque-là on essayait plutôt de c'était le contraire, c'était plutôt on essayait de prendre des pilotes qui étaient déjà expérimentés quelque part et de les amener en Formule 1, parce que du coup c'était pas rare de voir des carrières qui commençaient à 25, 26 ans, 27 ans, c'était la norme. Par contre, Red Bull a cassé ce délire-là avec en faisant le contraire, c'est-à-dire regarder dès le karting les jeunes, voir comment ils font, et justement les apporter, leur donner un suivi pour les amener jusqu'à la F1. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec Vettel, c'est ce qu'ils ont fait avec Ricciardo. Il y a eu bien sûr des ratés, il y a eu les Scott Speed et d'autres gens dont on n'entend plus parler, mais au moins la tentative a été là. Et je trouve que c'est intéressant de se demander à quoi ça ressemblerait s'il n'y avait pas eu Red Bull, parce que j'imagine que les choses se seraient faites quand même, mais peut-être pas de la même manière. Genre. C'est évident, comme le dit Mick, que les Vettel, Verstappen et les très gros pilotes qui sont arrivés via cette filière-là seraient arrivés d'une façon ou d'une autre en Formule 1 quand même, sauf en erreur vrai, de parcours. Mais ces pilotes-là... En vrai, regarde Vettel, est-ce que tu penses que... parce que Verstappen, je pense que oui, il serait arrivé de tous les cas, parce qu'il y avait eu des trucs avec Mercedes et Red Bull avait coupé le chemin pour qu'il aille chez eux. Il y avait BM à ce moment-là. Ouais. Il y avait BM, et après, il a eu des super ouvrages où on apprend plein de choses de Loïc Chenvapol et de Thomas Wolok. Il y a eu aussi contact ou en tout cas intérêt avec Honda, etc. etc. Donc, okay. Pour le coup, ces pilotes-là de ce niveau-là auraient... je dis sauf erreur de parcours, parce que peut-être qu'à un moment donné, dans l'équation, il y aurait un truc qui aurait changé et il ne serait jamais arrivé en Formule 1. Mais je pense que dans la majorité des scénarios, il serait arrivé en Formule 1. Après, c'est évident qu'il y a plein de pilotes moyens ou en tout cas qui se sont révélés plus tard dans leur ascension qui, eux, ne seraient peut-être pas arrivés en Formule 1. C'est évident. Après, je pense que on aurait quand même vu une explosion des filières, parce que c'est pas Red Bull qui a inventé ça, ça existait bien avant. Red Bull existait, mais c'était pas de la même manière. Là, c'est pour ça que je dis que le nombre de pilotes Red Bull par rapport aux autres filières. C'est pour ça que je dis que Red Bull n'a rien inventé. Red Bull a juste, quand il y a eu les filières qui existaient avant, ça a perdu de son aura et de son importance dans les années, on va dire, 90, tout début 2000. Et Red Bull est arrivé à ce moment-là avec ses trucs de filière, en prenant ce qui se faisait avant et en modifiant pour adapter ça à un contexte beaucoup plus actuel. Avant, alors le sport auto a toujours coûté cher, mais avant c'était des coûts bien moins élevés et les structures n'avaient pas besoin d'avoir autant d'argent que ce qu'il faut aujourd'hui pour traîner un pilote de la F4 jusqu'à la Formule 1. Et grosso modo, les filières servaient plus à mettre en avant les pilotes quand ils étaient jeunes pour qu'ensuite il y ait des teams de F3, alors F2, pas à l'époque, parce que la F2 n'existait pas, en tout cas comme elle existe aujourd'hui, mais de F3000, de Formule 3.5, de Formule Renault, de tout ce que vous voulez, pour attirer ces jeunes-là qui ensuite allaient en Formule 1. C'est là où Red Bull a été malin, c'est qu'ils ont pris ce qui existait et qu'ils l'ont juste remodelé pour les besoins contemporains de cette époque-là. Je suis totalement d'accord avec toi, mais moi ce que je me dis, c'est que est-ce que du coup... c'est à quel moment, en fait, les autres auraient pris ce virage-là? Parce que quand Red Bull est arrivé, on les a critiqués très fortement, hein, sur tout ce qu'ils ont... Et c'est au moment où on a commencé à voir, dès 2009, donc c'est-à-dire au bout de 4 ans, que bah, au final, ce qu'ils ont fait, c'était pas débile. Bah, c'est là qu'il y a eu un énorme shift à partir des années 2010. Pour moi, je pense que si Red Bull n'avait pas été là, c'est au moins au début... Mercedes qui aurait eu le monopole des juniors pour la simple et bonne raison que année 2000, non. 2010 et encore un petit peu non 2020 non mais 2000-2010 la Formule 3 était à 50% motorisée par Formule 3, je parle la Formule 3 avec la prise d'air sur le côté, la Formule 3 classique, motorisée à 50% par Mercedes, et que Mercedes aurait, comme ils l'ont fait, hein, finalement, pris des pilotes en disant, OK, lui, on veut l'emmener avec nous, et bien, il va rouler sous un moteur Mercedes, on va le placer dans une équipe, et on va voir après pour l'emmener. Ferrari aurait emboîté le pas très rapidement et aurait développé la FDA comme ils l'ont développé. En fait, je pense que la seule différence, c'est peut-être que ça aurait pris 2, 3, 4 ans de plus à se mettre en place et que beaucoup de pilotes qui aujourd'hui sont estampillés Red Bull auraient été estampillés Ferrari, Mercedes, éventuellement McLaren, éventuellement d'autres académies qui, étant donné que tu n'aurais pas eu la concurrence Red Bull, auraient peut-être eu plus de place aussi. Je pense que c'est par là qu'il serait... Que ces pilotes-là seraient arrivés, et je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose en tant que tel, en tout cas dans les grandes lignes, après certainement qu'en détail, tout ce que montre Mick là actuellement, toutes ces vidéos promo, tous ces trucs-là, peut-être que ça aurait été différent, très certainement même que ça aurait été différent, parce que ça pour le coup c'est Red Bull qui a emmené ça. J'ai arrêté d'écouter ce que disait Tim à partir du moment où j'ai vu les BM, j'étais en giga extase. Mais c'est là où, pour terminer, où Red Bull est très fort aussi, c'est que c'est une entreprise qui se sert de toutes ces investissements dans les sports extrêmes pour faire énormément de pubs sur la marque en tant que telle Red Bull. Et ils sont c'est génial là-dessus, parce que voilà, comme on le voit sur les images, t'as des Formule 1, des voitures de drift, des mecs de motocross, de freestyle, ils font des courses de bateaux, ils sponsorisent dès qu'il y a un mec qui veut faire un truc fou, ils le sponsorisent. Et forcément, la Formule 1, c'est un sport extrême. Et quoi de mieux pour mettre en avant ta marque que d'aller dans le pinacle du sport auto et l'un des pinacles du sport extrême? C'est là où je te rejoins, Chira, visionnaire et extrêmement malin de leur part d'allier en fait les filières et les volants qui se faisaient à tout le côté économie, marketing et vente de produits, et de faire les deux, ça a été magnifique, quoi. Paris Energy, en effet. Mais oui, tout à l'heure, on en parlait sur... j'ai trouvé une autre vidéo sur la Red Bull Content Poll que je viens de vous montrer, du coup. Red Bull Content Pool, la piscine de contenu Red Bull, qui sont donc des extraits de cette journée au NURB. Donc, on voit Coulthard, Vettel qui participent. Évidemment, tu as les Formule 1, il faut les montrer. Et tu avais tout. Ils ont même montré, il y avait Mattias Loda qui roulait dans la Ferrari de son père. C'est celle de 75, si je ne dis pas de bêtises, qui a l'œuvre. C'est pas 512T ou quelque chose comme ça, celle-là? Ouais, mais c'est 312 A, B, C, D, T. Il y en a 50 000. Oui, c'est ça le problème avec eux. C'est pas évident. Si je te montre Michael Pitt. Voilà, et ensuite, là, le moment qui me détruit comme pas possible, c'est quand ils te font passer les bikers. Il y avait Ralf Schumacher dans la Williams BMW, Voilà, là, s'il te plaît. Mais quoi. Ça, il y a pas plus Red Bull comme image. Ça, c'est Red Bull. C'est Red ça Bull. Pue le Red Bull, ça pue le Red Bull. C'est quoi, c'est des NASCAR. T'as l'odeur de Maladar là dans le nez là, tu vois, dès que tu vois ça. Ça, c'est une forme électrique. C'est des NASCAR là qui driftent. Non, c'est des Formule Drift. C'est des Formule Drift, d'accord. Ça. Formule à Drift, pendant que tu as des motocross qui sautent. Ouais. c'est juste incroyable, quoi. Même moi, je suis pas sensible à ces trucs, mais voilà. Et puis, évidemment, la star de l'événement, c'était Vettel. Donc, il a son petit moment à la fin. Et puis, regarde, tu reconnais. Alors, je ne vais pas tous les reconnaître, mais bon, là, tu as Mathias Loda au premier, enfin, dans la tenue de Gerhard Berger. Je ne sais pas pourquoi il a la tenue de Gerhard Berger, d'ailleurs. Tu as Yuki Tsunoda, David Coulthard. En fond, il y a Martin Brundle. Qui qu'on a ? Bah, il y a Jos Verstappen derrière Tsunoda. On a Gerhard Berger et Ralf Schumacher. Derrière, du coup, qui sont un peu cachés. Donc voilà, c'est des gros noms quand même. Et je reconnais pas tous les autres sportifs parce que je suis pas tout. À côté de Coulthard, il me dit quelque chose. Je sais pas trop, mais sûrement un biker, j'imagine. Ça manque peut-être, de Tesla. Ça manque de Tesla. Voilà, Martin Brundle. Voilà, c'est effectivement ce genre d'événement, c'est absolument incroyable. Et abattre Ralf Schumacher, enfin. Donc, c'est formidable ce qu'ils ont réussi à faire parce que ça dépasse, comme le disait Tim pendant ce beau monologue, ça dépasse le cadre sportif, c'est complètement le cadre du divertissement qui a été sublimé. Divertissement ! Wouh ! Achète ! Ma mère ! Ma mère ! Achète ! Ma mère ! Non, ça c'est sous droit d'auteur, ça on va avoir des problèmes. Ouais, droit d'auteur. Bon, voilà. D'autres questions. Franck, qui demande, vous le trouvez vraiment convaincant pour Cher, point d'interrogation ? Moi, je suis séduit, honnêtement. Depuis qu'il est en Formule 2, je dis oui, et je trouve que il faut arrêter de se concentrer sur les pilotes qui mettent le feu partout où ils passent, parce que ces pilotes sont des anomalies. Et surtout, je prends l'exemple de Esteban Ocon, par exemple. Esteban Ocon n'a pas mis le feu partout où il est passé. Pourtant, c'est un mec qui faisait des saisons incroyables. Pendant sa saison en Formule 3, quand il gagne le titre, là, je crois qu'il a une série genre de 6 deuxièmes places consécutives. Enfin, un truc de malade. C'est en course sprint, grille inversée et tout. Hein. C'est ce genre de résultat qui, pour moi, prouve qu'un pilote a un potentiel. Et tu prends, par exemple, le cas de Zhou Guanyu aussi. Ce n'était pas un pilote qui était étincelant en catégorie inférieure. Il était juste régulier et constant. Et pour Cher, c'est... Oh là là, c'est déjà sa troisième saison, mais il vient juste d'avoir 20 ans. Ce qui est quand même extrêmement jeune. Il n'a pas beaucoup de saisons de monoplace par rapport à d'autres pilotes de son âge, pas autant de courses. Et en plus, 3 saisons en Formule 2, c'est 5e pour sa première saison, c'est quand même pas mauvais. En plus, c'est la saison Covid là, avec les 3 Grands Prix par week-end qui étaient horribles. Deuxième en 2022. Alors on disait que Drugovic a éclaté le championnat en 2022, c'est vrai, mais pour Cher a éclaté tous ceux qui n'étaient pas Drugovic, parce que il termine avec je sais pas combien d'avance en deuxième place, et sachant que il a eu que des ennuis sur les 4 dernières courses. Voilà, donc moi de mon côté, je suis vraiment convaincu par le pilote. Et il fait partie de ces gens qui ont affiché une belle maturité au fur et à mesure de leur carrière, je trouve. Je sais pas si quelqu'un va ajouter. Ok. J'ai retrouvé. Ah non, c'est Esteban Ocon, voilà. J'ai retrouvé, donc c'est sa saison de 2014 en Formule 3. Hockenheim, il gagne la deuxième course, il finit deuxième à la dernière. Et ensuite, je vous lis les résultats. Prenez en compte qu'il y a trois courses par week-end. Évidemment, c'est un GOAT parce qu'il gagne à Pau. Ensuite, ouais. Il fait deuxième-deuxième. Donc, voilà. Hongrie, deuxième-premier-premier. Spa, abandon, deuxième-deuxième. Ensuite, Nürburgring, là, je ne sais pas comment ça oui. se prononce. Deuxième, 14-deuxième. En Russie, premier-premier-premier. Bon, il n'a pas gagné autant de courses que Verstappen cette saison-là, mais c'est quand même des résultats de malade. Et c'est à peu près ça sur sa carrière. Et aujourd'hui, je trouve qu'en Formule 1, bah, il a pris des années à se totalement se confirmer tout ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, Ocon, pour moi, c'est un des, il fait partie des meilleurs pilotes du plateau. Alors, je n'irai pas les mettre dans la catégorie des Verstappen, Hamilton, tout ça. Mais je pense que si tu le mets aux commandes d'une très bonne voiture, il peut faire des choses extrêmement solides. Et il a fait de belles choses actuellement dans sa carrière. Esteban Poulidor. Enfin, voilà. Moi, pour Cher, me fait beaucoup penser à Ocon, justement. C'est pour ça que je fais ce parallèle. Pour Cher, en Ferrari, avec en WEC de Mandrali 50. Ça inspire personne. Je suis pas assez le VEC. Mais Non. Bah, bof quand même. Enfin, je veux dire, c'est un jeune, quoi. Le pauvre. Ouais, on va pas le mettre avec Dorian Pain quand même. Faut pas voir le WEC comme une catégorie de garage où on met les reclus. Hein. C'est pas parce qu'il y a Giovinazzi, Kvyat, Hartley. Enfin, ils ont quand même eu une certaine carrière quand même en Formule 1 avant de terminer en WEC. Après, souvent, c'est le WEC, c'est un petit peu la prolongation de la carrière, quoi, on va dire. C'est pas non plus l'endroit où tu vas par défaut parce que t'as été refoulé en Formule 1. Ça, c'est l'IndyCar, ça. Ah, j'allais dire la Formule 1. Mais c'est vrai aussi. Que c'était avant. Mais non, maintenant, depuis deux ans, c'est l'IndyCar, ouais. La Formule 1, c'est quand tu as été refoulé par la F1, par la F2 et l'IndyCar. D'Antictum. Et par le WEC aussi. Ouais, c'est la voie de la fin de tout. En fait, je pense que surtout le critère pour être en Formule 1, avec tout le respect que j'ai pour certains des pilotes qui y sont, c'est d'être un peu un gros con en même temps. Non, si je peux me permettre. Non, mais je me fais la réflexion en mentionnant d'Antictum. Et non, mais... me dis, c'est vrai qu'il y a quand même un beau plateau en Formule 1 quand même. Non, mais alors, quand tu vois les actions en piste en Formule 1, c'est terrible. Ils n'ont pas de place pour les chiottes en plus. C'est dégueulasse. Il y a un dépassement, mais le problème, c'est qu'il y a la place pour deux bagnoles déjà au niveau de la largeur de la piste. Ouais. Enfin, c'est déjà rien que ça. Ensuite, après, tu vas. Alors, la radio. Ouais, non, mais c'est... On dit que je suis salé, mais alors, putain. C'est quand même assez impressionnant. Ah non, mais c'est une mentalité de gamin, j'ai l'impression. Ah, ouais. Ah bon, et puis ils passent leur temps à taunt les autres catégories sur les réseaux sociaux. C'est... Oui. Et puis ils ont Luca Di Grassi, donc ils gagnent la catégorie des plus cons. Non, mais c'est, j'ai l'impression que c'est tous les gars. Je sais pas si c'est du déni ou s'ils essayent de s'auto-rassurer qu'au final c'est pas si mal, mais quand tu les vois tout le temps critiquer, ah, mais les gars en Formule 1. S'ils viennent en Formule 1, ils vont se faire ratatiner. Je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que je sais plus si c'était Verne ou Di Grassi, c'était un des deux. Enfin, à chaque fois, ils trouvent toujours une raison pour... À chaque fois, ils trouvent toujours une raison pour cracher sur notre catégorie. Ils sont tellement insécures, c'est bizarre. Bah parce qu'ils sont Formule 1. Pour ça, ils sont insécures. Julien qui demande, Tim, comment juges-tu la rumeur Antonelli pour Préma en Formule 2? C'est pas ici, non, c'est au Racing Café quand on avait parlé, mais tu as raison de poser la question parce que je vais le réexpliquer bien mieux ici que là-bas. Ah oui, je sais que là-bas tu t'es retenu pour alors la rumeur me choque pas tant que ça. Sauter la F3 est pas la catégorie la plus pénalisante de l'échelle de la monoplace. Donc en soi, c'est pas déconnant. Et il a le. Je pense. Alors le niveau, je saurais pas dire. Je pense, mais je saurais pas dire exactement. Mais en tout cas, le potentiel pour arriver en Formule 2 et pouvoir s'épanouir en Formule 2. Donc en soi, c'est pas déconnant. Je pense pas que ce soit un mauvais choix et que ce soit une bêtise non plus. Donc pourquoi pas, à voir. Même si personnellement, je reste persuadé que l'échelle de la monoplace est faite de telle façon à ce que on doit passer par tous les échelons avant d'arriver en Formule 1 et que chacun des échelons apporte quelque chose dans l'apprentissage de la course, d'une voiture, des pneus Pirelli, de la course en peloton, de la pression que tu peux ressentir, etc. etc., etc. Et même si bah, sur cette échelle-là, la Formule 3 est celle où tu apprends peut-être le moins de choses, ou en tout cas, si tu la sautes, est moins pénalisante que, l'Africa, qui par exemple, elle est. Pour moi, les pilotes qui font le saut F4, F3, c'est une aberration totale. Faire le saut Freka F2, c'est pas tant une connerie. Et avoir, honnêtement, c'est avoir en piste, ça se trouve, s'il le fait, peut-être que dans un an, on me repose la question et que je dis non, non, mais j'ai toujours dit que c'était une idée de merde et qu'il fallait pas faire ça. Et que, voilà, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée, même si. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que je n'ai pas le niveau d'aller ne serait-ce qu'en F4 déjà, mais si j'avais un pilote, en tout cas, je l'aurais conseillé de passer par l'F3 quand même. Mais ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une connerie, je pense. Et d'ailleurs, moi, je clipperais les deux moments pour prouver que tu as dit que c'était une bonne idée et que ce n'était pas une bonne idée. Comme ça, j'aurais un argument pour dire que j'avais raison dans les deux cas. Alors, pas ce temps mal de dos... non, pardon... Ayer qui demande si je peux remettre le générique encore une fois, tu peux faire retour, n'hésite pas. Oui. Mais, voilà. Combien de pénalités pour Ocon demain? 1000. Franck qui demande, Leclerc est-il en train de craquer? Il est finito. Ah mais c'est cette culture de l'instant, il est... Non mais il est fini. Non, alors pour être honnête, je pense qu'il y a plusieurs choses. L'une d'elles, c'est que Ferrari est dans une situation un peu difficile depuis. Ferrari est dans une situation un peu difficile. Oui, voilà. Depuis 2007, en fait, depuis qu'ils ne gagnent plus. Et que surtout, la voiture va mieux que depuis le début de saison. Et Sainz était vraiment à la ramasse. Il y a aussi beaucoup de ça. C'est pas juste Leclerc qui est à la ramasse, c'est Sainz qui a arrêté d'être à la ramasse. Donc forcément, ça fait un peu plus de challenge, parce que globalement, Sainz est globalement un peu derrière Leclerc, mais pas autant que ce qu'on a vu sur le début de saison et sur pas mal de 2022. Et je pense que c'est Sainz qui s'est un peu repris en main, et d'un autre côté, Leclerc, qui est effectivement un peu en difficulté depuis que Sainz a haussé le niveau de jeu, je pense. Mais après, encore une fois, sur les rythmes de course, je reste globalement beaucoup plus en faveur de Leclerc que de Sainz. On verra demain à Singapour, hein, dans des conditions peut-être plus normales que ce qu'on a eu à Zandvoort ou à Monza, parce que je rappelle que Zandvoort... C'est quand même un coup de poisse leclerien pour détruire ta bagnole au premier tour juste en roulant un peu dans le gravier. Ce qui aurait pu arriver à n'importe qui, mais lui, ça lui a détruit sa bagnole. Et puis voilà. Donc, je pense pas que le problème soit du côté de Leclerc, mais au contraire, c'est bien que Sainz se soit un peu ressaisi et que les choses avancent parce que dès l'instant que Ferrari aura retrouvé un niveau compétitif, je pense qu'on pourra compter sur lui à ce moment-là. On a tendance à dire de Leclerc qu'il craque sous la pression, mais pour moi, j'ai plus tendance que Leclerc il craque quand ça ne marche pas, plus que quand il est sous pression. Parce que tu regardes ces quelques boulettes cette année, c'est justement quand la voiture ne marchait pas qu'il en fait trop. Quand la voiture marche, il va très bien. Dommage. Ok, ça a commis. Ah, d'accord. Ouais, mais non, tu... Là, eh ben, faudra attendre que l'émission soit finie pour revoir le générique. Désolé. Bon, eh ben, on a fait le tour. Okay. Qu'est-ce que j'ai contre Stoffel ? Si c'est pour moi, qu'est-ce que j'ai contre Stoffel ? Il a brisé les espoirs que j'avais en lui. Non, parce que 2015, c'était incroyable ce qu'il a fait. Ensuite, 2016, il fait une excellente pige. 2017, c'était pas mal. Et après... Non, mais c'est trop compliqué. Et oui, Albon l'a échappé belle. Il a failli finir en FE aussi, le pauvre. Ouais. Putain. Il aurait été dans la merde, quand même. Il serait devenu con. Ouais. Ouais. C'est pas ça, quand même. Ça se joue pas à grand-chose de devenir con, hein, des fois. Bon. Et ben, je crois qu'on a fait le tour, donc on va conclure l'émission avec nos pornostics pour demain. Et tu ne devineras jamais à quoi je pense. Tu voudrais pas qu'on se fasse un petit... Prono ? Prono Promo, sponsorisé par Groin, les plus grosses cotes de porc sportives en ligne. Alors, on a des absents bien évidemment ce soir. Monsieur Gazou, pour demain, prédit une victoire de Carlos Sainz devant Verstappen et George Russell. Wow. Je veux pas dire que je signe pour voir ça, mais pas loin. Mais je signe, mais faites-le pas. Non, parce que encore une fois, c'est là rien pour Sainz. Il fait un bon boulot depuis quelques grands prix, mais de se dire que c'est Carlos Sainz qui a cassé la lignée de victoire de Red Bull. Bon. Bah après, il le mériterait parce que pour une fois qu'il, enfin pour une fois, c'est un peu méchant dit comme ça, mais. Pour un coup, il est dans un bon mood. Il performe bien. Oui, mais... Il s'en sort bien, vraiment. Bah, ce serait tout à fait mérité de sa part de gagner la course, tu vois. Oui, mais quand derrière, tu as Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Alonso, tu vois. Oui. Bah, tu te dis, c'est un pilote cette saison qui pourrait mériter de casser la suite de Red Bull, c'est... voilà. Mais tu vois, en 88, quand McLaren perd une seule victoire, bon, c'est pour un doublé des Ferrari gagné par Gerhard Berger, tu vois. Et c'est juste oui. Après la mort de Enzo Ferrari. Donc, c'était Berger qui était vu... Il y a du style, quoi. Oui, voilà. Style. Alors que si ça avait été Alboreto qui avait gagné, bon... Bon, oui. C'était peut-être pas un cancre, Alboreto, mais ça n'a pas la même gueule, je trouve. Non, tu m'étonnes. Ouais, c'est bon. Mais ça pourrait être cocasse. Et l'ami Loïc, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Russell, Sainz, Leclerc. Et comme cote de porc, il a mis un abandon de Verstappen. Non. Je rappelle la grille de départ de la course de demain. Carlos Sainz a donc la cinquième pole position de sa carrière devant Russell, Leclerc, Norris, Hamilton. On va applaudir quand même Magnussen, sixième, devant Alonso, Ocon et Hülkenberg, les deux As qui battent Verstappen. Voilà, faut le dire. Incroyable. Liam Lawson qui bat Verstappen aussi. Verstappen finito, hein. Voilà, Verstappen sera 11e et devant Gasly et Pérez, du coup. Qui commence ? Bon, allez, je veux bien. Je vais dire victoire, allez, on va dire victoire Ferrari, c'est limite une côte de bord parce que j'ai pas confiance à la stratégie. Donc, mais j'ai bien envie de voir une victoire de Leclerc demain. Avec en deuxième, je dirais Russell. Et en troisième, je mettrais Verstappen. Parce que la voiture n'était pas ouf aujourd'hui en rythme, en qualif. Mais en course, on sait jamais. Hein. Déjà parce que Verstappen, déjà parce que le tracé est aussi différent. Il y a une grosse ligne droite qui remplace la chicane d'avant. Donc, peut-être que ça pourrait... je ne sais pas, hein, on verra, parce que ce serait la première épreuve sur ce tracé, mais pour vis-à-vis des déplacements, on verra. Et puis voilà. Donc, je verrai Verstappen sur le podium. Mais victoire, ce sera un peu stretch. Quoi. Tim, je vais dire Sainz. Sainz, Russell, Norris. Et ma cote de port, c'est qu'il n'y aura pas de safety car. Ah putain, Saul. Alors, je vais dire mieux. Bah, vas-y. Vas-y, là, du coup. Je vais commencer par la cote de port. Et dans ma tête, tu vois, j'avais réfléchi à pas de safety car. Mais je vais pousser encore plus loin. Là, ce sera une côte de porc au barbecue, sauce barbecue. Je pense que je vois. Aucune neutralisation. Ah, oh, je voyais pas ça. C'est-à-dire, okay. Pas de safety car. Pas de VSC. Pas de virtual safety car. Pas de rouge. Aucune neutralisation. Voilà. Ça passe. Ah bah, c'est bien sûr que ça passe. Depuis 2008, il y a toujours eu au moins une safety car. Oui. Heureusement que ça passe. Et pour mon podium, je dirais Villeneuve, Farina, Senna. Voilà. Ah, il est fatigant. Leclerc, Sainz, Bottas. Merci. Mais. Ouf. Bottas ? Quoi ? Est-ce que je me suis dit Non, mais quoi ? Personne ne dit rien, puis d'un coup, Bottas. Oui, tu savais qu'en disant Farina, Villeneuve, machin, ça allait passer tranquille sur Bottas. Complètement, complètement. Et j'assume Bottas. Coup, oui. Mais attends, mais tu sais que Bottas, il part dans les derniers, non ? Ouais, mais. Ouais, mais son code, peut-être qu'avec une safety car et tout. Ah, bon. Oh, tu contredis ton prono et ta côte de port. J'ai jamais été logique. C'est pertinent. C'est terrible. Franck qui dit vous sous-estimez Sainz, je pense pas que c'est une question de le sous-estimer, c'est une question de tirer des conclusions à partir de ce qu'on a vu quand Sainz était en tête d'un Grand Prix. C'est vrai. Après, après pour sa défense, il n'y a pas de bac à gravier à Singapour. Il y a des murs. Et le truc, pour moi, Sainz, ça reste à faire. Hein. Il peut le faire demain, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, il reste à prouver qu'il est capable de gagner un Grand Prix. Un vrai Grand Prix. Parce que, honnêtement, la seule victoire qu'il a eue pour le moment, elle est un peu récupérée de manière chelou. Et les autres Grands Prix où il était en tête, en position d'aller chercher une victoire, bah, j'ai pas eu l'impression qu'il était capable de le faire. Je reste bloqué peut-être sur Silverstone, le week-end où il a gagné, où il était plus lent que tous les autres et où il s'est mis dehors quand il était en tête de course. Mais pour moi, la différence entre Leclerc et Sainz, justement, c'est pas de dire que machin va plus vite ou que machin va plus vite, c'est que lorsqu'il est question d'aller jouer des victoires, d'aller jouer des top positions, Leclerc est capable de le faire, là où Sainz, pour moi, il n'est pas capable de le faire ou ne l'a pas encore démontré. Et c'est toute la nuance. Et quand on dit que Leclerc, pour citer encore quelqu'un du chat, Leclerc est dieu-étisé, on dit déifié, mais je le valide parce que c'est drôle. Il est peut-être élevé à un rang très haut, mais ça, c'est à cause du fait qu'il est excellent et qu'il fait des superbes performances. C'est comme quand on dit que Hamilton, c'est un excellent pilote. On dit ça à cause du fait qu'il fait des trucs en piste qui sont excellents. Après, Leclerc a énormément de défauts et là, je pense que personne ne dira le contraire. Mais c'est juste que ce qu'il est capable de faire est absolument formidable. Et maintenant, Sainz, est-ce qu'il sera capable demain d'aller gagner Alors ça, c'est faux. Leclerc n'a jamais gagné une course hors de la pole position. Non, il a gagné en Autriche en 2022. Il ne partait pas en pole. Exact. Oui. Hop, drop the mic. Hop, c'est bon, je vais rattraper, je vais pas le casser. Mais non, drop the mic, faut que tu drops toi, du coup. bon. Est-ce que Mercedes peut honnêtement gagner demain? Ça va être chaud. Hein. Non, perso, je prévois un Sainz, Leclerc, Norris. Sainz, Leclerc, Norris. Ouais, tu me diras, Mercedes, ils sont quand même bons dans ces circuits pareils. C'est pour ça d'ailleurs que Russell il est deuxième, hein, c'est pas pour rien. Mais j'ai peur qu'en course, ils galèrent un peu plus au niveau du rythme. Au niveau de la dégradation. Bon, pour ma part, comme je le disais, Sainz est tout à fait capable de me surprendre demain. C'est pour ça que je vais donner la victoire à Russell devant Sainz et Verstappen. Et encore, je vois une victoire de Verstappen. Hein. Tu crois que Verstappen il va réussir à remonter comme ça quand même? Parce qu'ils ont l'air quand même de galérer. Dans la logique, pour moi, ça devrait être le pire week-end de Red Bull demain, même. On n'a presque aucune qui marque des points. Mais ouais. Juste parce qu'on le croit. Parce qu'il y a des chances que cet enfoiré, oui, il arrive à performer quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et aussi du fait, mais je donne ma victoire quand même à Mercedes parce que. Comme je le disais, je n'ai pas tout à fait pleinement confiance en Sainz, mais aussi sur le fait que, en Ferrari aussi, mais aussi justement sur la gestion rythme de course de Ferrari face à la Mercedes. Il y a aussi un peu de ça. Et en cote de port, moi, j'en avais une drôle éventuellement. Cote de port, t'as... Russell a un accident et par miracle. Non, mieux, Stroll a un accident. Virage 8, c'est ça? Ah, j'allais faire Stroll, voilà. Se crash dans le mur du crash gate. dans le mur du... Attends, ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, mais ah, bah oui, non, oui, mais oui dans l'ancienne chicane, merde. Ah, moi je veux. Côte de port, mais non, mais c'est pas une côte de port que Stroll il se crash. Si ça se trouve, ça va vraiment arriver. Ah, dans les points, c'est une côte de port. La côte de port ultime, ça aurait été justement. Ouais, enfin, attends, je pourrais quand même une côte de port qui est un peu réalisable, un petit peu, tu vois. Enfin, genre, Stroll devant Alonso, ça passe aussi. Stroll devant. Waouh. La côte de port ultime, ça aurait été Stroll qui se crash dans le mur du Crash Gate, Verstappen qui du coup n'avait pas pit et ça le fait gagner. Le Crash Gate, mais legit, tu vois. Le Crash Gate, juste parce que c'est un incapable. Le crash gate de l'incompétence. Oh les gars. Est-ce que parce que j'ai déjà donné la victoire, mais j'aurais voulu mettre une côte de port à poil comme ça. Stroll se crash, ça favorise Alonso. Il se retrouve devant, il fait podium, pas un délire du genre. Ce serait extraordinaire. Ouais, c'était ça, en vrai. Bon, c'est un scénario crash gate, on t'accorde les points, Strigoon. C'est gentil. Bon, vous avez vu le sein dans 15 ans, du coup. Sur un malentendu, ça peut passer. à la limite, côte de port, Lawson reste dans le top 10. Moi, j'allais dire une As dans le top 8. Mmh. Ça passe. Ouais. Depuis le temps que tu veux la placer. Ah, c'est le moment ou jamais, mec. Hein. Tous les week-ends. Oui. S'ils arrivent à ne pas cuire les pneus, ça devrait être bien. Moi, ma cote de port, ce serait Lawson dans le top 10. Reste dans le top 10, malgré à la fin de la course. Allez. Moi, la mienne, ce sera un crash gate. Allez. On en rediscute dans 15 ans, quoi, juste. Parce que il va venir faire un retardement à de cote de port, hein, évidemment. Personne ne va voir la victoire de Norris demain. Allez, sur ce, merci à tout le monde. D'avoir été présent pour cette rentrée. 4 heures d'émission pour le retour. Donc, on était chaud. Belle performance, on a plein de choses à se dire. Donc, on se retrouve dans 2 mois et demi pour la prochaine. À très bientôt. Vous pouvez retrouver tout le monde sur le Twitter. Les ads sont sur le X, pardon. Les ads sont en description. Et puis, moi, je vous retrouverai dans la semaine et semaine prochaine pour la reprise d'émission digne de ce nom. Des gros bisous, une bonne nuit et à bientôt.